Des radios. Veillez et priez. Une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, ambisez nous, mon badilike. Oui, n'ayez et bibibio, oh, sonnibwe. Oh, sinamehegi, tchajaria. Hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed. Tubuni zambi zenu mubadilike. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, amis, et nous, mon badilike. Oui, n'ayez et bibibio, oh, sonnibwe. Oh, sinamehegi, tchajaria. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. Oui, Hani, viens, viens, nous, mon hindouke. Oh, tout pour nous, amis, et nous, mon badilike. Le frère Achim. Voilà, voilà, tu vois, c'est solide. Oui, c'est bon, voilà. Ça va être très bien. Bonsoir. Si la chaise comme ça, comme ça, ça va. On est autour de la table. Frère Achim, donne-nous les quelques bouteilles d'eau qu'il y a au frigo là. Voilà, frère. Le frère Junior, je vous ai assez parlé de lui. Il regarde depuis là, dit que comment il est court comme ça. Le pasteur Gérard, le frère Faustin. Mon frère Faustin, enchanté. Bienvenue. Cadeau d'ensemble à l'assemblée. Ok, bienvenue. Mais l'autre jour, tu m'as zappé, tu m'as damé le pion, il est passé toute la nuit à t'attendre. On a fini presque à 20h. Samedi, là, parce que tu as dit on samedi, on est fini à 17h. Non, on a quitté vers 20h. On va dire que vous êtes quitté. Avec 20h, comme ça. Samedi. Et comme après la convalescence, c'est le moment que j'aille dormir. Ok. On s'en va, ça va. J'ai dû replier par ici parce qu'il y avait un frère qui est venu de Yaoundé là. Voilà. Donc, il est venu là, il fallait qu'il vienne l'accueillir. Il est encore retourné encore là-bas. Ah. Il va remonter, puis il revient. Il part dans la cour. Non, l'autre, c'est, l'eau, ça a été déjà ouverte. Donne-moi, tout seul. Donne-moi, celle-là. Donne-moi une autre bouteille. Non, donne d'abord pour le français. Lui, lui il jeûne le soir. La chaise là, juste que tu fais tomber, frère. Parce que tu es le prince, non? Non. Maintenant, vous venez la nuit, est-ce qu'on aura le temps de parler de ces choses-ci? À moi, c'est moi que c'est vous que ça dit. Je suis un soldat comme le jeu. Ok. Comme c'est à 2 heures. Ah, c'est glacé, pas glacé. Là. Ah, c'est pas grave. Mmh. Comme c'est à 2 heures, ils n'ont pas de problème. Ok. Mais malgré que c'est le père de famille, comme le père de famille. Mmh. Donc, moi, je suis célibataire. Quand ils dorment dehors, mes femmes et mes enfants sont ici, non? Mmh. Donc, ils veulent, aujourd'hui, c'est eux qui vont subir, c'est pas moi. Donc, vous êtes les bienvenus. Mmh. Je crois qu'il faut éteindre les téléphones, que ça ne dérange pas. Quand on partage ces choses, ça ne dérange pas, non? Ah, oui, c'est ça. Merci, c'est bon, la dernière fois, c'était... Non, ne t'inquiète pas, je vais rafraîchir la mémoire sur la dernière fois. Je vais mettre au bain, je vais mettre tout le monde au bain en lisant ce qu'on a écrit. Parce qu'on a échangé, il était question que, je crois que c'est entre le 13 juillet, entre le 13 et le 14, je vais lire le message. Mm-hmm. Je vais lire le contexte du message, et là ça va nous donner une base de partage. Quoi. Mm-hmm. Lui, il partait pour le Nigeria, et moi, je voyageais pour la Côte d'Ivoire, puis pour le Maroc. On devait se donner rendez-vous à notre retour, et là, nous sommes au retour à la maison. Mm-hmm. Bon, je lis le message dans son entier. Franchement, si vous avez le téléphone ouvert, la fermé, il n'y a pas quelque chose de collectif ici. On n'a pas pris votre Bible, ou bien vous êtes vous-même la Bible. Ouais, frère. Maintenant qu'il veut lire cela, il faut. Tu suivais si je suis toi. On veut trouver le message jusqu'à. La date. La date des. Voilà, je crois que c'est ici. 17. Là, après le 11 septembre. Il veut. 11 septembre. Juste, c'est 7e mois, non? Mm-hmm. Voilà. Tu veux lire tout le contexte du message. Mm-hmm. Et puis ça va nous. Planter le décor pour le travail. 8. Voilà. Voilà. Nous, le message correspond au 8G. Si tu peux pas le trouver, 8G. Donc, voici le message. 8G. Donc, c'est un message que je reçois dans mon WhatsApp. Parce que comme on distribue les gens partagent les messages. Enfin, il y en a plus de messages comme ça, mais je crois qu'il y a plusieurs points où on pourra en parler. Je reçois ce message et puis il fait suivre à tout le monde. C'est sa réaction donc qui me fait donc on commence à commenter là-dessus. Donc je lis d'abord le contexte du message, puis je vous dis, tu as l'air de trouver chez toi. Mm-hmm. Voilà, donc le message que la personne envoie, c'est, il dit, j'ai regardé et je voyais, j'étais au Cameroun. Apparemment, la personne n'est pas au Cameroun. Dans une rue. J'ai marché dans une rue qui me semblait très familière. En fait, quand je vais lire d'abord le message, je vais vous poser d'abord votre impression avant de lire ce que lui a dit en réaction. J'ai marché dans une rue qui me semblait très familière. Pardon, rappelez-moi le prénom, pourquoi je me trompe pas à chaque fois. Frère, pasteur Girardin et pasteur Faustin. J'ai marché dans une rue qui me semblait très familière. Moi, c'est Frère Junior. J'ai vu un homme qui passait, puis un second homme. Ils se sont placés au bord de la route comme des génies et se sont mis à expliquer pourquoi on ne doit pas jouer et être contrôlé par les jeux des sociétés et les games. Il y a des puissants démons derrière cela qui aspirent les énergies et captivent les esprits de tous ceux qui s'y lancent. Ils ne parlaient pas spirituellement, mais moi je ne comprenais ce qu'ils disaient que spirituellement. J'ai vu une maquette d'un terrain de football apparaître et une balle être dirigée de part et d'autre sur ce terrain sans qu'il y ait des joueurs. C'est terrible ce que j'ai vu et j'étais scandalisé. Je crois que le football n'a pas été choisi au hasard comme exemple par le Seigneur pour me le montrer. Et chaque fois que sur ce terrain il y avait une action, ceux qui observent la maquette réagissaient de la même façon en poussant des cris similaires ou alors en s'agitant de la même manière. Leurs émotions rentraient en synchronie et devenaient faciles à contrôler et à manipuler par le démon de ces jeux. Puis j'ai vu encore une orgie géante, de nombreux hommes qui faisaient l'amour entre eux et des femmes qui attendaient leur tour d'entrer en scène, des spectateurs qui regardaient et des réalisateurs qui filmaient. C'était impensable dans une rue d'une société civilisée. Je passais et je semblais invisible au milieu de tout cela. Je me déplaçais subtilement en m'inclinant pour éviter d'être pris par l'objectif de ces multiples caméras. Après cela, je me suis retrouvé comme transporté une rue toujours similaire, mais marchant cette fois dans le sens inverse de l'autre fois. J'étais dans un véhicule accompagné d'une personne. La rue était déserte et dans un calme incroyable. Ça semblait être un haut petit matin avant le lever, avant le réveil, et il y avait du brouillard sur nos têtes. Subitement, dans le ciel, un bruit semblable à celui d'un avion de combat qui sillonnait et semblait faire un vol de reconnaissance sur toute la ville. C'était d'abord calme jusqu'à ce que cet avion commence terriblement à décharger des canons et que des explosions commencent sur toute la ville. Nous avons essayé de courir. J'ai vu apparaître subitement des hommes armés courant dans toutes les rues et la population dans une agitation générale et dans une peur terrible a été réveillée par cette guerre que personne ne semblait attendre. Essayant de nous mettre à l'abri, on courait si lentement et les troupes avançaient si rapidement qu'à un moment j'ai crié au Seigneur de faire que ce soit un rêve et que je puisse me réveiller. Mais je me suis rendu compte que c'était réel et je voyais bien les hommes armés se rapprochant de moi et de celui avec qui j'étais. Ils étaient sur le point de nous voir tellement nous étions cernés dans un espace tout petit sans issue, exactement au moment où nous allions nous faire découvrir. J'ai sursauté comme sortant de cette réalité. Quel soulagement! C'était réel, pas comme un songe, mais je crois que j'ai été physiquement transporté dans cette réalité et que je l'ai vécu dans mon esprit avant de revenir pour pouvoir en parler. Quand je me suis réveillé, j'ai voulu m'endormir encore. Et cette phrase est bien de le souligner. Et le Seigneur m'a dit que si je dors, j'oublierai. Il m'a dit, écris ce que tu as vu et partage-le pour avertir et mettre en garde. J'ai obéi à la voix du Seigneur comme un vulgaire instrument. Mes très chers, si vous prenez les jeux, l'impudicité, la pornographie et autres comme des simples faits culturels, c'est une erreur immense. Des terribles entités spirituelles contrôlent ces secteurs de la vie dans ce monde. Attention. Si vous avez pris les autres avertissements sur la guerre au Cameroun à la légère, ne vous avisez pas de croire que celui-ci est un jeu. À l'heure où je vous écris ces mots, ce matin du 8 juillet 2017, le Cameroun est un pays serein et très en paix au centre de l'Afrique, mais rien ne nous dit que c'est pour longtemps. Nous savons le seul issue qu'il reste à ce pays, soit nous allons réviser nos vies et essayer par la prière et le jeûne, c'est ça non? Nos voix. Soit nous allons réviser, ok, voilà, nos voix, pardon, merci, et essayer par la prière et le jeûne d'obtenir la grâce et la miséricorde du Seigneur, soit ce malheur fondra sur nous à l'improviste, sans que nous sachions comment, ni pourquoi. L'issue est unique, et même la chose semblable arrêtée. Peut-être le Seigneur aura-t-il miséricorde du Cameroun en se laissant apaiser par nos prières. Seigneur, j'écris miséricorde, miséricorde, miséricorde au nom de Jésus-Christ, le bien-aimé Gaël. J'ai bien lu, n'est-ce pas, frère? Non, pas bien. Voilà, avant de lire donc la réaction qui a suivi et qui va faire la plateforme que nous avons avant dans le partage, quelle lecture faites-vous bien? Quelle est votre, si quelqu'un vous a envoyé cette réaction-ci sur votre WhatsApp, qu'est-ce que est votre réaction par rapport à ce message? J'aurais voulu qu'on prie avant de commencer. Ok, il n'y a pas de problème, frère. Tendre Père, nous te rendons grâce pour ta divine puissance qui nous a attirés de toutes les nations pour faire tes enfants d'adoption en Jésus-Christ. C'est pour le service de ta gloire que nous avons été rachetés et pour la louange de ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce pour notre présence en ce lieu et nous t'implorons dans l'esprit de la vérité de communier autour de ta parole. Non communier par la guerre, mais communier pour nous comprendre afin de te servir dans la vérité, uniquement dans la vérité. Donne-nous d'être conduits par ton esprit pendant cette discussion et apaise tout cœur pour nous permettre de toucher uniquement la vérité, refusant tout ce qui n'est pas de toi. Nous t'implorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Merci, frère. Lui, il a déjà réagi, parce qu'après, il va lire ses réactions et les commentaires qu'on en a fait. C'est bien comme il a encore, mais ça n'a pas été effacé. Ah ben, vous vous doutez bien que moi, je reçois des messages de cette nature également. Avant, je ne réagis pas. Je ne réagis pas encore. Si je suis interpellé directement, me dis qu'est-ce que tu en penses. C'est une expérience. Mais est-ce que cette expérience est scripturaire ou bien... Ah, nous n'en sommes pas encore là. L'expérience, c'est une expérience. Donc, si je vais réagir sur un Facebook, sur un voisin, c'est une expérience. Donc, si on veut examiner maintenant, parce qu'en fait, nous sommes là pour cela. Pour examiner, c'est parce que les... C'est non, tu as dit que c'est une la réaction à chaud, n'est-ce pas? Oui, à chaud, oui. Je ne demande pas de faire un commentaire là-dessus, mais c'est une expérience. Oui, ok, c'est donc c'est... même chose là. Mais c'est une expérience. Oui. Personnelle. Bon, maintenant... Allons dans le fond maintenant le sujet. Est-ce que c'est scripturaire? Examinons à la lumière de la les Saintes Écritures. Oui, mais là maintenant, dans ton protocole, tu as dit qu'il y a des réactions que tu devais dire après nos réactions. Ok. Donc, où les acheter des bulles à blanc comme ça, que c'est une expérience. Vous savez, pour moi, je reçois tellement les choses de cette nature que je vois l'enjeu en ce qui me concerne. Aller sur internet en disant c'est bon, ce n'est pas bon, c'est pas mon rôle. Oui, c'est ça. Okay. Maintenant, si dans un contexte comme celui-ci, on me dit est-ce que c'est biblique? Oui, c'est pour ça qu'il dit qu'on entre à chaud là-dedans. Je suis ton protocole. Ok. Donc, il me suis moi-même construit la barrière. Bon, maintenant. Si tu dis je parle de décor, le décor est implanté, à chaud, avant de lire comment on a réagi sur la question, avant d'aller vivre du sujet. Le frère qui vous a invité, il a écrit donc voici son réversion. Du quoi, tu es encore là maintenant? Quand ça ouvre, ça va un peu plus bas. Vas-y, tu vois. Voilà. Et dès qu'il a lu, vous voyez, il a lu à 7h, c'était à 7h12 que j'ai envoyé, 7h27, il a dit le bien-aimé serait devenu prophète de Dieu sur le Cameroun. Le porc ne deviendra jamais. J'ai souri là-bas. Le porc ne deviendra jamais un chat. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de s'adresser à une nation particulière. Son adoration est uniquement dans l'église de Christ. Et je suis convaincu qu'aucune nation ne peut adorer Christ. Peut-être c'est à cause de son. Quand il a vu ça, tu y es. J'ai envoyé une émocône de rire. Peut-être, il a continué, c'est à cause de son amour pour son pays qu'il aurait vécu tout cela. Il a dit peut-être. Et plus grave encore, il dit que Dieu lui a demandé d'écrire. Autrement dit, on pourrait associer ça aux Saintes Écritures, puisque cette parole vient de Dieu. Le bien-aimé Gaël devra faire attention à ces genres d'expériences, comme vous avez dit tout à l'heure, qui dans l'apparence présente une quête morale, mais au fond, est une tentative de corrompre la parole. À moins qu'il ne s'explique maintenant, ou bien on commence par lui, parce que vous pouvez nous dire en quoi ces choses est une tentative de corrompre la parole. Parce que, il ne s'agit pas de moi, c'est pas moi qui ai dit, j'ai reçu la vision, mais ça nous donne quand même une plateforme pour pouvoir travailler dans les Écritures, pour contrôler si c'est scripturaire ou pas. Donc, je crois que j'ai bien parlé cette fois-ci. Non, très bien. Maintenant, comme je le dis, je suis convaincu que Dieu ne parle plus à quelqu'un. Il est encore grave de demander à quelqu'un d'écrire quelque chose. Parce que les Saintes Écritures ont été faites pour nous et elles ont été bouquées pour notre foi. Elles ont été transmises pour nous maintenir dans la persévérance et nous donner tout le conseil de Dieu. Et lorsque quelqu'un dit qu'il écoute de Dieu, autrement dit, il ouvre la porte à la continuité de à la continuité des Écritures. C'est-à-dire, ce qu'il dit comme parole doit être pris comme parole de foi, parole de vérité, parole d'exhortation, ou que ce soit dans le monde entier. Parce que les Écritures qui ont été données, elles ont été inspirées par Dieu et de Dieu. C'est-à-dire, c'est chargé de toute la révélation. Que tu sois américain, que tu sois de quelque bord que ce soit cette planète-ci, et que tu es suffisant pour affermir ta foi. Et sachant que Dieu ne suscite plus les prophètes. Nous sommes plus au temps où Dieu suscite les prophètes. Ça, c'est une autre manche où nous allons parler tout à l'heure. On va parler de ça. Dieu ne suscite plus les prophètes. Je me suis donc demandé quel est l'intérêt de Dieu de susciter un prophète et d'interpeller la nation camerounaise. Encore que la seule nation que Dieu s'est établie sur le monde, c'était la nation d'Israël. Et son lieu, c'était une nation des prophètes. Les prophètes sont le lieu d'Israël. Or, aujourd'hui, la nation d'Israël avait échoué dans sa mission et la porte était ouverte aux nations. Donc, Dieu interpelle les membres des nations. Donc, les gens qui sont de lui dans ces nations-là. Dans ces nations. Il ne regarde plus la cause des nations. Parce que si Israël n'a pas pu adorer Dieu, ce n'est pas nous qui sommes fondamentalement et génétiquement des enfants du péché. D'aucune alliance qui devront servir Dieu. Donc, il interpelle l'Église et tout ce que tout le conseil, tout ce qu'il fallait pour l'Église, Christ l'a donné pour dans l'Église. Mm-hmm. Donc si un prophète se suit, un prophète naît et dit que Dieu annonce une prophétie au Cameroun, autrement il est en train de nous faire comprendre que Dieu est en train d'établir une alliance avec le Cameroun. Donc il y a deux bases, donc si je comprends très bien, si je me trompe, tu me rectifies. Mm-hmm. Il y a deux bases. Un, d'après ce que tu en as dit pour argumenter, c'est que les calendes d'écriture ont été déjà données et c'est fini selon Apocalypse 22-19. C'est donné une fois pour toutes, comme Jude le dit. Jude. Et là, tu dis que Dieu ne suscite plus les prophètes. Parce que si un prophète vient encore, il parle, ça sera contredit, en fait, même dans la manière de Dieu d'agir. Et c'est donc pour cela que dans la suite de la réaction, je crois que c'est vieux qu'on fait les choses, vous voyez comment cela est. Je crois que c'est dans la suite de cette réaction, tu as écrit Hébreux 1-1. Là où il est écrit qu'autrefois Dieu a parlé à nos pères. Par les prophètes, dans ces derniers temps, il a parlé par le Fils qu'il a établi lui-même, héritier de toutes choses. Et puis là, j'ai posé une question en filigrane. J'ai dit, hein, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui aux individus de façon directe? C'est ce que j'ai écrit. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu réponds? Lui, il est un peu centré, comme quand ça se verrouille là, ça voilà. Va. Donc, j'ai dit, quand tu as écrit, j'ai dit, est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui aux individus? Tu as écrit Hébreux 1-1, voilà ça. Et tu dis, et le dernier chapitre d'Apocalypse vient fermer la révélation. De sorte que toute la Bible est la révélation suffisante et stable des dieux pour donner la vie et l'adoration. Et là, tu as cité 1 Timothée 3:16, toute l'écriture inspirée de Dieu. Là, je pose encore la même question que j'ai posée ici en haut, parce qu'on avait été en dehors, on ne synchronisait pas. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui aux individus, mais en tant que ta propre bouche, de bouche à oreille? C'est-à-dire que, voici, malgré qu'il y ait la Bible, je crois que c'est ce qui est écrit là-bas. Tu as dit, oui, il leur parle par les Écritures. Il dit, par exemple, voici les Saintes Écritures. Je n'ai pas de Saintes Écritures. Est-ce que Dieu veut parler à un individu sur la terre? Encore aujourd'hui, oui. Oui, malgré que les individus. Parler sur la terre? Oui. Bon, je ne peux pas toucher à la puissance, la souveraineté de Dieu. Oui. Oui. Mais cependant, lui, il a voulu se renfermer dans les Écritures pour être en relation avec nous. Maintenant, je prends par exemple des cas d'expérience, toujours. Que dis-tu des musulmans? En Arabie Saoudite, je t'en prends 4 ou 5. Un exemple qui se trouve en Arabie Saoudite où il n'y a pas une seule Bible à qui le Seigneur Jésus vient se révéler en donnant justement des paroles de cette écriture que je suis le chemin, la vérité et la vie. Les conduit dans la foi jusqu'à ce qu'un de ces jours il les dirige là où il va aller prendre les Saintes Écritures pour commencer à lire. Je ne pense pas que ces expériences sont faisables. Parfois ils peuvent échouer dans l'explication de leur expérience en cherchant un élément mystique pour donner la connotation spirituelle à ça. Non, il dit c'est que Dieu peut les pousser au travers de leur cœur. Non, il dit, il recommence encore. Je peux mettre des vidéos là-bas, des témoignages des musulmans, même des grands imams qu'on connaît avec la notoriété dans le monde entier, dont le Seigneur Jésus est venu dans une vision pour dire que je suis mort à la croix pour toi. Cette voie-là, c'est la voie de la perdition. Il y en a plein de témoignages comme ça. Je prends ce cas spécifique de la conversion des musulmans. Est-ce que si ces musulmans se trouvent ici maintenant, ils disent qu'ils ont abandonné la voie de Mohamed parce que Jésus est venu dans leur chambre en donnant les témoignages clairs, où Jésus leur a donné même des versets bibliques qu'ils n'ont jamais lus, en leur disant, et c'est là pour ça la conversion, maintenant ils ont quitté l'islam, maintenant ils servent Christ dans la vérité, en esprit et en vérité, et qui est le témoignage, sous réserve que vous croyez qu'il y a des manifestations de la puissance du Saint-Esprit, alors les guérisons, telles que les dons du Saint-Esprit sont réservées, dans leur vie et dans leur ministère spécifique. Est-ce que tu diras que son expérience n'est pas scripturaire? Je veux dire, n'est-ce pas? Oui, peut-être. Il va parler. Oui, il va parler. Je veux dire, je ne veux pas toucher à la souveraineté de Dieu, à sa suprématie. Je ne veux pas savoir, je pourrais peut-être penser que les contraintes du milieu auraient exigé. Contraintes du milieu, c'est-à-dire quoi, par exemple? Du fait, parfois, l'imposter de la rareté de prédicateurs, l'hostilité du milieu, l'ultra-hostilité du milieu. Peut-être qu'il pourrait dans ce sens. Qui pourrait le Seigneur. Mais je ne pense pas qu'il peut instruire de façon relationnelle. Il se présente devant quelqu'un comme un prédicateur pour l'instruire directement. Il peut le pousser. Il peut le pousser. Non, pas par l'instruction. Non, il veut d'abord que tu me dises, c'est aussi l'expérience de la transformation de cette façon de conduire par Dieu est possible. Oui. Il peut te le pousser d'une manière ou d'une autre à aller vers une Bible, à aller vers quelqu'un qui va lui apporter le message de sa conversion. Le Seigneur ne peut pas lui donner un message. Je veux que vous compreniez bien ce que je me dis. Je ne suis pas dit que le Seigneur le convertisse. Parce que quand même un ange est venu du ciel, il a envoyé les gens vers les prédicateurs. Quand l'ange est venu chez Corneille, il a dit qu'envoie, je peux appeler Pierre, n'est-ce pas? La question sur l'église, c'est ceci. Il dit que si tu veux, si on a le temps, Je mets les espérances, c'est pas moi qui, c'est pas moi qui, ce sont les espérances des personnes. Bon, parce que c'est une expérience. C'est moi, je fais très attention aux expériences. Non, non, je vais dire que, je vais seulement dire que parce qu'en fait, que tu le veux ou pas, vous avez chacun de nous à une expérience avec le Seigneur. Ça, c'est vrai, je fais trop attention aux expériences. Non, il t'explique un cas spécifique parce que la Bible est là comme notre socle. Si quelque chose est faux, c'est la Bible qui doit nous dire. Si quelque chose est vrai, c'est la Bible qui va nous devant nous, nous dire. Un musulman, donc, il prend ce cas spécifique parce que dans la chrétienté, on peut avoir dit que quelqu'un a une relation avec telle ou telle chose. Je prends donc quelqu'un qui a l'habitude de dire, un musulman, qui ne connaît rien de cette Bible, il commence encore la question. Le Seigneur Jésus lui apparaît et lui dit que la voie qu'il choisit, ce n'est pas la voie de la personne, il se présente là-bas comme le Dieu Tout-Puissant. Lui présente ses mains, il cite des témoignages, que je suis mort pour toi. À partir de là, il a compris la vérité, le Coran s'éloigne de lui. À partir de là, ça marche. Cette expérience-là marque son début dans la chrétienté. Est-ce que cette expérience-ci, donc, est vraie? Ou faut aussi te raconter ça? Si tu vois ça, tu vas dire que quoi? Elle est tachetée. Oui, ok, peut-être que le frère veut parler. Je voudrais tout simplement que un peu attirer l'attention sur l'autorité des Écritures par rapport à la place de l'expérience. Oui. Il y a bien des expériences qui sont à première vue et dans le temps très concluant et qui sont frappantes de manière à nous convaincre même que c'est le Seigneur qui a été, même si ça a une connotation biblique et qui puisse être une manipulation diabolique. Voilà. Bon, là, je pose la question avant de vous relancer. C'est pour dire que on a vu également des personnes qui disent que le Seigneur les a apparus dans le contexte musulman. Le Seigneur les a apparus. Et ils ont cru au Seigneur et qui sont rentrés dans les Écritures, s'y sont appropriés et se sont mis même à détruire encore plus l'œuvre du Seigneur. Vous avez des exemples que vous pouvez citer? Oui, mais je n'ai pas seulement ça ici. Non, il venait dire que vous avez des exemples, un exemple sur la main. Musulman, regarde un peu. Non, il ne demande pas de citer, il demande si... Musulman, Ok, continue. Je vous dis, je prends même quelqu'un qui je vous prends à la lettre, il y a le pasteur, je ne sais pas, très bien, mais il y a le pasteur Karambéry. Vous le connaissez? Celui qu'on appelle... En France. Il est où? Mamadou Karambéry. Mamadou Karambéry. Vous le connaissez? Non, pas particulièrement. Vous connaissez son histoire de conversion? Non, pas encore. À Moscou. Non. Particulièrement, quand vous comprenez ce genre de personnes, c'est des musulmans d'abord. Parce que le père est un imam et finalement, il est convaincu par la parole, par le Seigneur. Oui. Et actuellement, ce monsieur, il est étalé comme un très grand prédicateur. Mais sur le plan biblique, ce monsieur enseigne une chose qui est très dangereuse, la sortie. Il fait le voyage et il sort, il part visiter, il fait des miracles chez les gens. Comme il fait, comme il veut. Il décide de sortir. Il sort de son corps. Lui-même. Oui. Et ils ont une panoplie de personnes comme ça. J'ai dit, une personne que le Seigneur, il dit que c'est le Seigneur qui l'a rencontré. Et qui lui a dit, je suis Jésus, je t'envoie ceci. Oui. Mais et pourtant, je vous dis un cas que vous pouvez vérifier. Oui. Il veut vérifier cela. Le monsieur dit qu'il sort de son corps. Oui. Et quand il sort, il peut aller opérer quelque part. Ok. Vous voyez, ça... C'est dangereux. C'est très dangereux. Mais il prend votre propos, parce que vous avez dit que on peut avoir un cas qui, a priori, semble être biblique, mais qui plus tard, il y a non, la description. Pas biblique. J'ai dit que... Qui semble être une connotation, une bonne connotation. Une bonne connotation. Mais est-ce que vous avez des exemples aussi des gens qui ont dit ce même témoignage, qu'ils ont rencontré Jésus, mais qui ne détruisent pas l'œuvre de Dieu? Concernant toujours les musulmans. Non, ce n'est pas sur... Regarde un peu. Le problème véritable que vous posez, c'est pouvoir donner la crédibilité au fait que Dieu parle encore. Encore aujourd'hui, Ouais, c'est ce que vous voulez faire. Absolument. Vous voyez un peu. Quand vous avez deux choses, là vous ouvrez la page à une incertitude. Oui. Si Dieu parle, prenons le cas où Dieu parle, et qu'il faut avaliser ses expériences. Quand vous avalisez des pareilles expériences, qu'est-ce que vous faites avec les fidèles? qui vont entrer là-dedans. Qui vont accepter ces choses. Qui vont accepter déjà ça, n'est-ce pas? Comme de Dieu, venant de Dieu, et avec pleine autorité, n'est-ce pas? Et qui, à la fin, s'avère une manipulation satanique, n'est-ce pas? Vous les aurez conduits où? À la perdition. Ça, c'est à la perdition. Ça, c'est clair, oui. Voilà. Maintenant, regardez encore. Si maintenant il s'avère que le Seigneur parle, qui les a parlé, au travers de ça, ils ont un ministère qui est cohérent, vous auriez fait quelque chose. Mais là, déjà, ça ouvre deux portes. Tu vois un peu? Ça ouvre deux portes. Et en ça, la probabilité, tu vois, la probabilité de se tromper est également mise là-dedans. Par contre, avec les Écritures, on est sûr qu'on a le suivi. On est sûr qu'on est sur le pas. On ne tergiverse plus. On ne tergiverse plus. Et en plus, les Écritures nous appuient pour nous dire que, en matière de révélation, quand le Seigneur a utilisé des hommes pour nous parler de certaines choses, de ses plans, de ses projets, de ses plans. Il a utilisé les hommes. Quand il vient, il utilise son propre fils, ça veut dire lui-même, il vient nous parler, tu crois à ton âme à vie. Parce que nous voyons la révélation en stade et au dernier stade. Quand le Seigneur vient lui-même nous parler, en tant que Seigneur, le calme vient en scène. Il a atteint le plus haut niveau de la révélation. Si il revient encore au niveau des hommes, nous recommencer encore, il rabaisse encore la révélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau parfait de la révélation a déjà été. A été déjà arrivé. Oui, c'est bon là. Pour dire que, regarde, même si. Je dis même si il parlerait aux musulmans, comme disait le frère. Le cas musulman, c'est un cas là où il n'y a pas la Bible. Oui, parce que là, il va vraiment entrer dans les Écritures tout à l'heure pour qu'on puisse. Même s'il parlerait à des personnes qui ne sont pas dans un contexte où il y a la Bible, ça, il ne peut que les envoyer là où il y a le véritable. Et où la Sainte Écriture est prêchée. Écriture est prêchée. Mais maintenant, ça ne crédibilise pas le fait qu'ils sont devenus des prophètes. Tu vois, laissons le fait que peut-être quelqu'un s'appelle prophète. Parle au niveau de l'appel d'abord, le calcable, le Seigneur d'abord. Si le Seigneur lui parle, il est la voix du Seigneur. Comment il n'est pas un prophète? Il est la voix du Seigneur pour. Par exemple, le fait de prendre ça et de vulgariser ça, il se fait la voix du Seigneur pour le Cameroun. Non, attends. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus physiquement. Il leur a dit que va, dis ce que Dieu a fait pour toi. Ça ne fait pas qu'il est établi prophète. Donc, ce n'est pas la base sur le fait que quelqu'un a entendu le Seigneur et allait parler de lui qui est nécessairement prophète. Je dis dans le contexte. Non, mais de ce message, voilà. Oui. Non, on va y entrer. Il dit qu'on va entrer. On est encore en surface. Je vais au fur et à mesure dans la construction, c'est ce que vous parliez, et puis je vais encore poser des questions. D'accord? Maintenant. Restons, éliminons le cas des musulmans. Allons au niveau des stades de révélation et je vais entrer un peu en eau profonde. Vous avez dit, le stade, il a parlé comme Hébreu 1. Peut-être qu'il faut préciser une chose, à mon avis. Oui. À partir du moment où nous sommes d'accord que il y a doute. Il y a doute, ça renforce l'idée que la certitude nette vient des Saintes Écritures. Non, personne ne refuse que l'Écriture, c'est la base. Parce que l'exemple des musulmans est emblématique. Oui. Il est fort. Il est significatif. Il peut même s'expliquer. Il peut s'expliquer. Oui. Comme par exemple, quelle expression on peut donner? Si moi je reçois un musulman qui a rencontré le Christ dans cette situation, et le Seigneur l'envoie vers moi me demandant, parlant de l'évangile, je lui prêche l'évangile. Il se répand de ce péché. Je déconstruis ce qu'il a vécu. Tu déconstruis ce que le Seigneur lui aurait dit de venir. Oui, c'est ce que le Seigneur attend de moi. Je déconstruis cela afin que sa foi soit fondée sur l'espérance, mais je la parle. En sorte que demain, parce que la dérive qu'ils ont relevée par rapport à moi, le Karambiri et les autres, c'est que les gens viennent peut-être par des choses qui. Une expérience palpable, avec un ressenti. Maintenant, mais l'expérience venant de qui? C'est ça mon problème. La question ne se pose pas pour l'instant parce que ni vous ni moi, personne ne peut savoir. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'on veut qu'on le défende de façon claire. On répond que est-ce que ça peut venir du Seigneur ou bien. Entendons-nous. Oui. Il y a doute. Oui. On ne peut pas se prononcer. Avec certitude. Oui. Prononcer. Bon, est-ce que dans ce doute-ci, on peut dire que ça peut venir de Satan, ça peut venir de Dieu? On ne raisonne pas sur les possibilités. Non, en fait, quand il y a doute, on peut avoir des différentes. C'est les deux possibilités qu'on veut avoir. Il y a plusieurs portes ouvertes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que si vous voulez poser un raisonnement qui est net, il faut partir sur des choses qui sont nettes. Oui. Vous voyez? Bon, il a reçu une expérience. On ne peut pas nager et commencer à construire sur ce qui n'est pas stable. Oui. Bien. À partir de là, je dis que si l'on parle de l'expérience, on est dans le sable mouvant. Oui. Bon, attends, vous êtes pasteur. Nous savons que tous ceux qui ont écrit cette Bible-ci, tout, sans exception, c'est à partir des expériences. Nous n'en sommes pas encore là. Je vais préciser une affaire avant d'entrer dans le protocole que vous avez défini. Oui. Je sais le protocole. Oui. Non, mais je veux seulement comprendre, parce que vous avez dit des choses qui peuvent sembler être incompréhensibles pour certaines personnes qui sont matures. Vous dites qu'on ne peut pas partir sur des. Il faut qu'on passe sur quelque chose qui soit stable. Je suis ta trajectoire. Oui. Je suis même très content de t'entendre dérouler et construire. Tu sais, très peu de personnes ont la capacité de poser le débat, de le circonscrire, de construire la discussion. Vous voyez, ça c'est louable. Et moi je me sens à l'aise. J'ai dit je suis avec un frère en Christ. Ça c'est très réjouissant. Mon esprit et l'esprit de mes frères, ce n'est pas l'esprit de du discutailler. On n'est pas venu pour gagner un débat. Non, non. On veut essayer de partager. On est venu partager quelque chose. Et la personne qui a accès à notre cœur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et qui peut nous aider à arriver à des éclairages qu'il faut. Bien. Cela dit, quand je suis ta trajectoire, je ne veux pas qu'on passe sur cette affaire, parce que ça va revenir plus tard dans la discussion. L'exemple du musulman est un exemple fort, il est emblématique. Oui. Est-ce que il est possible que Dieu parle à des individus dans des conditions d'exception? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Bible. Et tu précises bien, et les conduisent vers la Bible plus tard. Vers la Bible plus tard. Ce que je dis donc, c'est que si moi, je reçois une telle personne, je déconstruis cette expérience. Pourquoi? Pour la simple raison que sa foi ne doit pas être fondée sur l'expérience, mais sur les Saintes Écritures. Vous voyez? Une fois que c'est fait, j'ai gagné quelqu'un. Et je faisais chambrer pour dire que les gars... cet objectif de déconstruire cela, ça veut dire que en toile de fond, tu ne penses pas que son expérience ait été vraie ou quoi? Je n'ai pas besoin de penser que c'est vrai ou c'est faux. Vous comprenez? Qu'elle ait été vraie ou qu'elle ait été fausse, sa foi doit être construite sur les Saintes Écritures. Oui. C'est la maxime que donne l'apôtre Paul. D'où donc ma préoccupation. J'ai dit tout à l'heure que les 66 livres qu'il tient entre les mains, la somme, chaque personne de façon individuelle, chaque livre est écrit par une expérience. Justement, je mets un point là-dessus en disant que vous allez plus loin que la précision qu'il fallait faire. Oui. Votre protocole, c'est qu'on va bientôt en les Écritures. Ok. Et il est question ici des expériences de la Bible. De la Bible, oui. Nous ne sommes pas encore dans ce qui est de la Bible. Nous sommes dans les expériences contemporaines liées au cas des musulmans. Oui. On n'est pas encore là. Oui. C'est pour ça que je dis que le cas des musulmans, pourquoi on commence à entrer dans l'autre. Moi, je fais la précision avant qu'on ne passe à ça. Oui. Vous voyez, c'est à ça que je suis. Ok. Bien. Je dis donc que le cas des gens comme Mohamed Karambiri qu'il a cité, le docteur Paul Yonguesho, et beaucoup d'autres personnes, qui en sont arrivés à des écrits pratiquement hérétiques aujourd'hui. Oui. Vous voyez. Pourquoi? Parce que, au début de leur conversion, ils ont peut-être, accordons-le leur même, ils ont certainement reçu dans leur vie des faits avec un ressenti. Non, jusque-là, le langage là, ce n'est pas clair. Parce que quand je dis ressenti, ils ont vécu des faits ressentis. Mon vrai problème, c'est que vous nous dites si cette expérience peut être venue de Dieu. Parce que il y a une question sous-jacente. Vous voyez, frère Julien. Le problème. Parce que si le Yonggi Show, bien comme vous l'avez dit, c'était là, est eu un ressenti. La question, c'est ça venait de quoi? D'où est né? On ne peut pas chercher à arriver à un objectif en partant de cet objectif-là. Vous voyez. Nous voulons atteindre. À la conclusion, ça vient de Dieu. Que si ça vient de telle chose, ça vient de Dieu ou pas. Oui. Si je mets ça comme élément de base, on se sépare. Non. De toute façon, là où nous sommes à la conclusion, c'est que à l'issue de l'examen, ça doit soit abouti de Dieu. Parce que si le départ vient de Dieu, la fin c'est Dieu. En fait, le grand problème, la grande problématique ici ce soir, c'est c'est quelle est la place de l'expérience dans les Saintes Écritures, dans la vie du croyant. Non, dans la vie du chrétien contemporain. Oui. Personne ne remet en doute les expériences des Écritures saintes. On va les examiner tout à l'heure. Oui. Mais la question, c'est quelle est la place de l'expérience post-révélation dans la vie du chrétien contemporain. C'est ça en réalité. Oui. Maintenant, on ne peut pas dire que l'expérience des musulmans vient de Dieu et vient de cela. On veut arriver à ça. Ok. Oui. Mmh. Je dis donc que, à mon avis, les échecs qu'on a constatés dans la vie de Karambiri et des autres, ils sont nombreux comme ça. Qui, quand je parle de ressenti, je veux dire en fait que il était malade à la tique de la mort et par un coup particulier, il retrouve la santé. Est-ce que là, vous évitez de citer les choses telles que ce sont citées? Nous sommes dans la discussion. Parce que, par exemple, le cas des il passe par l'anglais, il prend un Américain qui était mort, comment il s'appelle encore? Kenneth Hagin. Les mots qu'il prononce, langage. Oui, oui, mais c'est sur ces mots-là qui sont basés les expériences. Ça peut même être donné à la gloire de Dieu selon sa conception. Oui. Vous comprenez? Alors que ce n'est pas issu de lui. La question n'est pas là pour l'instant. Nous sommes d'accord. La question, c'est que c'est lui qui prononce. Tout à l'heure, je vous ai dit que, pour moi, c'est une expérience. L'expérience est fondamentalement subjective. Elle n'est pas objective. On ne peut pas tous ensemble dire que ceci, c'est comme ça. On ne peut pas. Elle dépend de l'individu. Par exemple, lui, tu vois, tu peux avoir une expérience de la vie chère au Cameroun. Il a une expérience de la vie chère au Cameroun. Quand vous racontez vos expériences de la vie chère, c'est les différentes facettes d'une situation que tout le monde peut constater. L'expérience est donc quelque chose de subjectif. Ce n'est pas quelque chose d'objectif. La mort de Jésus-Christ à la croix est une chose objective, vérifiable, historiquement palpable. À moins d'être malhonnête, comme ces mêmes musulmans. Même les plus détracteurs reconnaissent qu'il est mort. Il est mort. Même si on raconte n'importe quoi, on dit qu'il a quand même existé. Le fait, Jésus qui est un fait objectif. Ça ne dépend pas des regards des individus. Donc je vais dire que pour ce qui me concerne, tout à l'heure, lorsqu'on aborde la question de... lorsqu'on aborde la question de ces individus-là, je dis bien qu'ils peuvent avoir expérimenter des choses, dans un ressenti, quelque chose de palpable. Quand il est malade, et il n'y a plus d'espoir, les médecins le donnent mort, et il retrouve la guérison. Il attribue cette guérison à Dieu. Vous voyez? Et il commence à propager cette situation. Si même Dieu lui a dit, entre guillemets, va vers quelqu'un, va vers ceci, va vers cela, quand il arrive vers vous, si vous ne déconstruisez pas ce phénomène, il aura d'autres expériences et d'autres encore. Il ne prendra pas le soin de le rapporter aux Écritures. Et c'est là que vous allez avoir les dérives comme les cas de ce genre de choses qui arrivent. Et on se pose toutes des questions. Donc ils n'ont pas harmonisé l'expérience avec les Saintes Écritures. Ça, c'est un deuxième problème dans la question de l'expérience dans la vie du croyant. Oui. Vous voyez, c'est ça. Je suis en train de t'aider dans ta construction en avançant sur la question. Mais en réalité, ce n'est pas ce que je veux dire exactement. Non, je comprends. Je vais prendre des notes du temps pour ne pas oublier. Donc, vous permettez donc que je revienne sur ce que le frère a dit tout à l'heure. Parce qu'il a parlé des deux niveaux de révélation. Parce que je vais parler pour essayer de voir ces cas que nous sommes en train d'observer. Il a parlé du fait que le Seigneur, dans sa marche, dans la progression de sa révélation, a commencé au travers des hommes, des prophètes, comme nous voyons dans la Bible. Mais à la fin, comme Hébreux 1:1 dit, comme il a signifié dans le message, il a parlé par le Fils. Et il a dit donc, dans ses propos ici, que ce niveau de révélation-là clôt la révélation. Donc, Dieu revenant encore, parlant par un autre homme, rabaisse encore la révélation au niveau des hommes. Alors, je pose la question. Quand Hébreux 1:1 dit que, en citant Hébreux 1:1, que autrefois Dieu a parlé par les hommes, c'est ce qu'il a de dire, en ce dernier temps, Dieu a parlé par le Fils. Ça veut dire que comme le Fils a parlé, quelqu'un doit lui parler? Bon, voilà la question. Le contexte d'Hébreu, c'est bien le contexte d'Hébreu. Il parle à des chrétiens d'origine hébraïque. Oui. Parce qu'il dit à parler à nos pères, il parle au Camerounais. Même si on peut appliquer ce Camerounais à partir d'enseignements tirés, initialement, il s'adresse aux Hébreux. À partir de là, il dit à ces gens, que si vous attendez un prophète, en dehors de Jésus-Christ, vous n'en aurez plus. Parce qu'au chapitre 1, il établit la supériorité du Seigneur Jésus-Christ. C'est Moïse. En tant que fils sur la maison, il établit la supériorité sur les anges. Mmh. Il affirme clairement la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, il est en fait l'absoute. Pour moi, vous voyez, cette question me dérange parce que fondamentalement, quand vous posez la question comme ça, je me demande pour vous, qui est Jésus-Christ? Vous voyez? Oui. Si vous m'attendez qu'il réponde, il répondrait. C'est clair, donc, parce que, non, c'est clair que tu vas répondre comme je vais répondre tout à l'heure. Oui. Et comme il a répondu d'ailleurs. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ est l'homme parfait. Dieu a confié son message progressivement à des hommes. Il choisit tel, on parle, ainsi de suite, avec plus ou moins... Ça permettait de révéler beaucoup de choses sur lui et sur l'être humain. Mais la personne qui pouvait manifestement révéler le Seigneur de façon parfaite, ce n'est que l'homme parfait. Oui. Et il l'a fait. Il l'a fait. En fait, dans le clair, par rapport à la question, ça suppose que quand il l'a déjà fait, personne ne viendra plus parler. Très exactement. C'est ça le point. Voilà. Donc, permettez par exemple, il lit un verset dans la Bible. Dit, par exemple, c'est ce que dans l'Apocalypse chapitre 11, il prend comme ça seulement ce genre de verset. L'Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Il lit le verset 3 seulement. L'Apocalypse chapitre 11. Nous allons vérifier ensemble. Vous y êtes. Apocalypse chapitre 11, il lit le verset 1 et le verset 3 qui nous intéresse. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi et mesure le temple des dieux, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé, tu y es. Chapitre 3, verset 11. Non, chapitre 11, verset 1, à partir du verset 1, mais le verset 3 qui nous intéresse. Okay. Il remonte encore verset 1. Mm. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: lève-toi et mesure le temple des dieux, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles le fouleront au pied, elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Verset 3 maintenant. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Puis ils sont les deux objets qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Cet événement, ça se passe après Jésus-Christ ou bien avant? Mais c'est clair que ça se passe après Jésus-Christ. Et ils sont sur la terre. Nous sommes d'accord avec ça. Mais bon, voyez, ça ne contredit pas le fait que... Attention, attention. Il décrit une situation qui va se passer. Oui. Vous comprenez? Quand ça va se passer, ça n'annonce rien de nouveau. Vous comprenez? Ça réalise ce qu'il a déjà annoncé. Essayez d'expliquer ça. Non, on a d'abord aller sur une base. Écoutons très attentivement. Voici la base. Jésus, le Seigneur a parlé par les prophètes. Oui. Au dernier temps, il a parlé par l'homme parfait, Jésus, qui est notre Seigneur, lui-même manifesté en chair. Tout à fait. Et je pose la question, quand il pose la question exprès. Alors, je pose la question, ça veut dire que comme il a parlé, personne ne viendra plus parler. Vous avez dit oui. Oui. Ce passage nous dit, par exemple, que dans son plan encore, il prend ce cas spécifique seulement, parce qu'il y en a plusieurs, et je peux en prendre. Dans son plan, il y a deux témoins qui vont venir revêtir de ça, qui vont leur donner le pouvoir de prophétiser pendant 3 ans et demi. Après le service de leur ministère, ils seront tués, telle chose va se passer. Le contenu de leur prédication, on ne nous a pas donné. On dit qu'ils vont venir pour prophétiser. Ils sont des prophètes. Alors pourquoi donc il y aurait-il des prophètes d'eux vraiment donner là-bas après Jésus, après celui qui est parfait? Pourquoi donc? Avant de dire pourquoi, est-ce que tu peux situer dans le temps cet événement? Non, assez simple. Il peut situer justement. Oui. Là, on parle des temples, de l'autel. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens, parce que les chrétiens n'ont pas besoin du temple ni de l'autel. Ici, on parle clairement là-bas du juif, parce que il se trouve en territoire juif lorsque le Messie va leur être révélé. Pour qu'il soit révélé là-bas, les témoins doivent être là pour le préparer le chemin. C'est ce qui est écrit, voilà, j'ai situé. Donc ça veut dire que c'est post-église. Ok. Regarde, quand tu dis ça, parce que revenons toujours au contexte qui a créé cette discussion. Nous sommes dans une situation où quelqu'un qui appartient à l'église, au temple de l'église, est en train de recevoir le message du Seigneur et qui envoie ça sur eux, les gens, et les gens sont en train de distribuer le message. Ça veut dire que ces gens ont crédibilisé ce message comme venant du Seigneur et que les gens doivent obéir. Oui. tu vois un peu. Oui. On doit le prendre même sur le plan autoritaire, comme les sexes écritures. Oui, comme il a signifié dans le message. Regarde un peu. Si tu veux aider les gens, il faut que dans les temps de la dispensation, tu puisses bien situer les choses. Oui. Parce que c'est le Seigneur qui le dit. Oui. Quand je le dis, je dis qu'il ne se rabaissera pas. Oui. Ça ne veut pas dire que dans son plan, il n'a pas prévu un certain nombre de choses. Et de plus, quand on dit qu'ils prophétiseront, oui, ça veut dire concrètement qu'ils auront de nouvelles révélations. Est-ce que ça veut dire que... Parce que prophétiser ne veut pas dire donner des révélations. Non, personne n'a dit, non, personne n'a dit ça. J'ai cité personnellement ceci. Dire que ils pourront prophétiser. Oui. Parce que même aujourd'hui... Oui. Attends. Même aujourd'hui, nous prophétisons. Mm-hmm. Mais nous ne prenons pas... Cela veut dire que nous ne prophétisons pas en tant que réception d'une révélation. Mm-hmm. Nous venons dans la révélation parce que c'est la... C'est Dieu qui a parlé ici. Mmh. Et quand nous prenons ici, nous prophétisons. Non, non, là il n'y a pas de problème. J'espère que vous comprenez. Attends, les questions. Attends, je comprends très bien. Mmh. Je veux pas. Je veux. Parce que tu veux avoir. Tu veux prendre un peu au mot. Mmh. Mmh. Non, en fait, tout ce qui est parlé là, c'est pour voir dans le cadre global. Oui. Parce que quand tu dis par exemple que voici, Jésus commence ici, le Seigneur commence ici en révélant. Oui. Voici le sommet de la révélation. Oui. Et je pose la question pour bien comprendre, parce que pour que quand il va poser ma question, que ce soit clair. Oui. Je dis que, ok, donc ça veut dire comme il parle par le Fils, il ne parlera plus. Vous dites oui. Et que par la suite, on voit effectivement que par la suite, après ceci, il y a encore des gens qui vont venir. On voit passer même Dieu qui parleront. Il y a un problème, n'est-ce pas? Non, le problème n'est pas. Peut-être qu'on a fait. On ne se comprend pas très bien. Mm-hmm. Quand on dit parlera. Mm-hmm. Que signifie parlera? Non, je crois qu'il veut dire, mais il faut qu'il explique que parlera, pas l'aller. Il veut dire, est-ce que Dieu va utiliser son homme comme prophète? Je vais te dire, après Christ. Je vais te dire ce que nous entendons par parlera. Mm-hmm. C'est cela. Mm-hmm. Est-ce qu'il ne parlera plus? Quand on dit que c'est exactement ça, oui, ça veut dire que pour ce qui est de se révéler, oui, je parle du ministère de la révélation. Oui. Il ne le fera plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche? Parce qu'il n'y a pas mieux que, oui, Jésus-Christ, oui, pour révéler le Fils, le Père. Non, les prophètes sont venus annoncer le Seigneur. Oui, et son plan parfait. Oui. Jésus est venu mettre ses plans parfaits en pratique. Parce que la Bible dit de lui que il veut devenir accompli, c'est quand on dit les prophètes. C'est vrai en partie. Les prophètes ne sont pas là seulement pour me révéler Christ. Ils ont des différences. Non, fraîches, non, pas encore. Mm-hmm. Il faut qu'on situe certaines choses, que les bases soient solides, pourquoi, avant qu'on y entre. Ils sont les 10 ici, parce que parler, c'est une chose. Il y a des gens, chaque personne a des portions de Christ qui révèle, des portions de Christ qui révèle. Et nous avons convenu que Christ est venu, parce que le but principal même, qui est la vraie question, c'est est-ce que Dieu parle aux gens encore? En dehors de, je crois que c'est ce que j'ai posé la question dans le message au moins 3 fois. Est-ce qu'en dehors des saintes écritures, Dieu peut-il encore donner le message audible aux gens? D'où mon exemple de l'expérience avec les musulmans. Parce que j'ai fait esprit de mettre les saintes écritures de côté en disant qu'est-ce que Dieu peut aller parler encore aux gens aujourd'hui dans la dispensation de l'Église en donnant le message audible qu'il peut dire peut-être à quelqu'un de transmettre tel message. Est-ce qu'il peut le faire? Si vous dites non, on regarde dans ce contexte, on entre dans les saintes écritures, sur quoi on se base. Non, tu vois, là tu quand tu fais ça, quand tu fais ça, tu reviens. Mm-hmm. Nous sommes bien compris. Nous sommes sur le point relatif. J'étais en train de parler de ce que je dis parler. Mm-hmm. Pour qu'il n'y ait pas amalgame. Oui. Quand on dit que Dieu ne parlera plus, mm-hmm, on veut dire exactement ceci. Que en dehors de ce qui est dans écrit ici, oui, il n'y aura plus rien d'autre. C'est ce qu'on est en train de dire. Rien d'autre, ça dit quoi? Ça dit qu'il n'y aura plus rien d'autre nous concernant, mm-hmm, que Dieu veut nous faire savoir. Vous voyez, dans ce qui va se passer, dans ce que j'ai dit là, oui, par les deux prophètes, oui, quand ils se mettent en activité, mm-hmm, ils sont en train de réaliser quelque chose qui est déjà annoncé. Comme on a vu là, comment c'est annoncé. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une chose nouvelle. Non, mais attends, quand ils seront super en train de faire, ils auront des messages à prêcher. Parce qu'on a donné la période même de prédication, la durée de prédication. Vous savez, quand vous voulez baser un raisonnement sur ce qui n'est pas encore arrivé, vous entendez ça pour moi également. Ça fait les deux grandes erreurs que l'Église a commises et commet en général. Mm. construit une doctrine sur la base des passages isolés, une doctrine sur la base d'un texte historique, construit une doctrine sur la base de ce qui n'est pas encore arrivé. Vous voyez, l'Apocalypse, le plan prophétique de Dieu est révélé dans l'Apocalypse. Aujourd'hui où nous parlons, personne ne peut plus dire quelque chose en plus de ça. C'est ça qu'on entend par « il ne parlera plus ». Tout ce qui est donné dans l'Apocalypse va se réaliser. Et comme des choses ne sont pas encore accomplies, nous les verrons si nous sommes là, ou alors ceux qui seront là verront ces choses se réaliser à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est cela. Et ce que ces gens diront ne feront plus objet d'écriture. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Donc, en clair, après que Jésus-Christ est venu parler en donnant la révélation totale, vous admettez quand même qu'il y aura des prophètes par la suite, déjà. Vous avez lu le texte. Donc c'est clair, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Maintenant, je reviens dans le cadre de l'Écriture. Attention. Attention. Le fait qu'il y ait les deux prophètes ne signifie pas. Vous voyez? Les deux témoins qui vont prophétiser ne signifie pas qu'on peut se permettre de dire, de généraliser l'expression prophétique. Non, on va doucement. On va aller doucement. Oui, mon frère. Je voudrais intervenir. Le texte même de Hébreu, dit qu'après avoir parlé à notre père de plusieurs manières, de plusieurs autrefois, par des prophètes, Dieu nous, dans ce temps de la fin, nous a parlé par le Fils. Et si ces deux témoins, viennent au milieu d'Israël, et qu'on dise qu'ils sont des prophètes, autrement l'auteur d'Hébreu est en train de faire une erreur. Pourquoi? De dire que Dieu, dans le temps de la fin, parle par le Fils. Je vais lire un deuxième passage. Un deuxième passage que vous connaissez bien, ça se trouve dans le livre de Malachie. Dans Malachie chapitre 4, n'oublie pas ce que tu veux dire, mon frère. Je vais lire à partir du verset 1. Voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Je pourrais lire aussi dans Malachie chapitre 11 tout à l'heure. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel. Mais dans verset 4, ça c'est au jour où il parle. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horreur pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Qu'est-ce qu'il prophétise, le frère? Parce que tu as dit, ce que tu voulais dire, c'est que ceux-là ne font pas office des prophètes, normalement, les deux dont on a cité l'Apocalypse chapitre 11. Ces contextes de Malachie chapitre 4, se situe, on annonce qui? Je crois que ça, c'est Élie qui est venu. On parle de Jean-Baptiste. Je ne sais pas dans lui que c'est l'Élie qui devait venir. Non, attends. N'allons pas vite dans la maison. Je vais voir, pasteur, est-ce que c'est ce qu'il dit, c'est ça? Avant d'arriver là, regardons, moi je veux toujours que notre débat puisse nous aider. Parce que nous ne sommes pas là pour construire des choses imaginaires qui ne vont même pas nous aider. Nous sommes d'accord que pour nous, nous sommes dans le temps de l'Église. Et l'Église ne connaîtra pas ces deux prophètes-là. Non, ça c'est clair. Ça c'est vrai. Bon, maintenant, je vais prendre ta question. J'ai pris ce passage ici parce que le frère Herman a dit que ces deux personnes, les élevés, ne sont pas des prophètes. Donc, je trouve que tu nous amènes un peu loin. Regarde un peu. Moi, je veux, pour les personnes que vous avez envoyé ce message, c'est pour voir si votre action était une action crédible par la Bible. Vous voyez un peu. Parce que sinon, si ce message est un message d'origine satanique, vous aurez crédibilisé le message. Ça c'est clair. Ça veut dire que maintenant où nous sommes dans la période de l'Église, est-ce que la Bible, je voudrais poser la question, que la Bible nous dit que nous devons attendre pendant la période de l'Église et des prophètes. Voilà. Maintenant, il peut arriver à la autre dans notre dispensation, oui. Non, pas à notre. Dans la dispensation de l'Église. C'est-à-dire dans notre dispensation. De l'Église, et non. Particulièrement à cette période où nous étions. Oui. Parce que je ne veux pas dire que les anciens prophètes n'étaient pas non. Les prophètes. Non, non, non. Les apôtres n'étaient pas des prophètes. Non. Mais je veux dire que contextuellement, la question avec le message, est-ce que la question nous avons un enseignement biblique qui nous crédibilise que oui. Nous pouvons avoir des prophètes. Des prophètes, bonne voilà. Question. C'est là où on va entrer dans les Saintes Écritures maintenant. Okay. Là maintenant, pendant que vous parlez, chaque fois que vous parlez d'une autre, j'ai mis un trait là-bas sur la dispensation. Donc le problème c'est les dispensations. Nous avons touché maintenant post-église, après qu'il y ait l'enlèvement, nous, on a ce qui est détourné. Donc restons dans la dispensation de l'église et répondons à la question, ça va régler le problème. Maintenant, dans la dispensation, avant de voir ce que les prophètes ont annoncé, ce que les apôtres ont dit, dans Joël, Joël avait dit au dernier jour. Et nous avons vu que les derniers jours ont été inaugurés par la venue du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Il dit Joël, le prophète Joël a dit, parce que l'apôtre Pierre dit, dans le chapitre 2, que voici ce qu'a dit le prophète Joël au dernier jour, je déverserai mon esprit sur toute chair. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Est-ce que les derniers jours sont terminés? Je vous pose la question. Parce qu'il faut qu'il réponde, pour répondre et que j'avance dans votre question. Les derniers jours ne sont pas terminés. Maintenant, si ce n'est pas terminé, c'est Acte chapitre 2 qui donne les prophéties de Joël, dit, durant cette période des derniers jours, Quand c'est amené comme ça, là, ça mélange les choses et c'est un grand débat. Mm-hmm. Un grand débat. Si vous voulez, on peut avoir la suite un autre jour aussi. Non, je sens de vouloir aller sur l'allée où il m'a posé la question. Je veux une précision, je vais sortir. Oui. Je vais continuer. En fait, vous dites que dans les derniers jours, dans les Écritures, indique plusieurs arrêts. Oui. Donc, de façon unilatérale, dernier jour, ce n'est pas dernier jour comme on peut comprendre au sens courant. Mm-hmm. Donc, quand les derniers jours, il y a dernier jour pour la dispensation après l'église. Oui. Il y a dernier jour lorsque l'église va être enlevée. Oui. Il y a dernier jour lorsque l'église va redescendre avec le Messie et pour ainsi de suite après que la tribulation soit passée. Oui. Ainsi de suite. Oui. Donc, l'expression dernier jour ne doit pas être prise de façon. Unilatéral. Simpliste. Oui. Bon, c'est vrai qu'il est dit dernier jour, dernier temps, qui sont des choses différentes aussi. Mais je suis dans l'acception de Pierre. Lorsqu'il cite dernier jour, oui. Il n'est pas en train d'indiquer dernier jour au sens d'Israël. Non, voilà, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je parle de la contexte de l'Église. Okay. Parce qu'il a pris ses versets voilà. Pour expliquer le phénomène qui se produisait. C'est ça. Et quand il a utilisé la même terminologie. Parce que le dernier temps ici est appliqué à l'Église. Moi, je crois qu'il annonce là, dans l'interprétation, vous avez indiqué une. Quand dans la bouche du prophète Joël, concernant la prédication de Pierre, quand il cite, il indique en fait une nouvelle génération. Une nouvelle génération, oui. Ok, là. Cette génération, en fait, est une génération qui est aussi une génération dans. Qui rentre dans le processus de la fin. Oui. Ouais, c'est donc, ça qu'on peut, qui a sa période. Oui, tout à fait. Voilà. On peut appliquer à ça derrière. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va prendre, je suis là au niveau de la réponse. On va prendre la première prédication où le Saint-Esprit est descendu à chapitre 2, jusqu'à là où il y aura l'enlèvement. C'est cette période-là qui concerne à chapitre 2. Maintenant, l'apôtre Pierre se situe ici à chapitre 2, alors que le Saint-Esprit est descendu sur l'église pour former l'église, l'église naissante. Il dit que voici ces quatre dix jours. C'est là où je vais répondre à la question. Il dit, au dernier jour, j'ai déversé de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Parce que ceux qui sont sur qui l'esprit se trouve dans cette dispensation vont aller et d'autres vont passer par la tribulation. Ce que l'Écriture nous révèle. Maintenant, il dit, quand il dit ces derniers jours, nous sommes encore sur la terre et vous êtes membres du corps encore aujourd'hui. Nous sommes d'accord. Donc, ça veut dire que si l'église n'a pas encore été enlevée, le dernier jour par rapport à cette dispensation n'a pas encore cessé. Nous sommes d'accord. Alors, ça veut dire que la promesse, parce qu'il dit dans la suite de son développement, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, tant que. La promesse du Saint-Esprit. Et quoi qu'on peut citer? Je vais encore citer. Il dit repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse. La promesse du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est marqué, la promesse est marquée dans cette dispensation-ci. Nous sommes d'accord. Voilà. Bon, donc, je veux le peut-être qu'il peut perdre le fil de ses avant qu'il pose la question. Bon, Jésus nous dit ici, quand la voix de Pierre ouvre la bouche pour expliquer le déroulement de ce qui se passait à Jérusalem ces jours-là, il a dit de parler, j'ai situé ici pour essayer de voir dans cet intervalle. Donc, de la naissance de l'Église jusqu'à sa maturité où Christ a décidé de venir l'enlever. Donc, ça dit que ce verset-là que je vais parler concernait cette période-ci. Ok. Donc, et non, voici la promesse. Donc, non, on n'est pas certain. Parce que vos fils et vos filles, là, je pense qu'ils ne s'adressaient pas chez nous. Il s'adressait à qui? Il s'adressait aux juifs qui étaient venus adorer. Bon, alors maintenant, attends, c'est notre problème. Le jeûne était fait au milieu du peuple d'Israël. Non, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas seulement les juifs qui étaient à Jérusalem. Par exemple, Élie l'Éthiopien n'était pas un juif. Mais il n'était pas ce jour-là. Mais tu veux, attends, mais si on le dit ici, ils ont dit, si vous continuez comme ça, le Saint-Esprit qui est descendu ici, les Samaritains, n'étaient pas des juifs. Non, je dis concernant le cas de la prophétie de Jésus. Je recommande encore que la promesse du Saint-Esprit est donnée, parce que c'est pour former l'Église. Le Saint-Esprit vient pour former le corps. C'est vrai, je voulais qu'on touche un peu le cas de la prophétie de Joël donnée avant. Non. De vos fils et vos filles. Oui, l'idée de la promesse. Ça s'adresse à qui? Non, suivant attentivement. Je vais encore citer la promesse. Je vais citer la promesse. Je suis d'accord pour la promesse. Non, suis attentivement. Quand je vais citer, tu vas comprendre. Il dit, car la promesse est pour vous. Il s'adresse spécifiquement à ceux qui sont devant lui. Quelle promesse? J'ai la réponse à la question. Le Saint-Esprit, non, mon frère. Il dit, je suis attentivement dans la phrase de l'apôtre Pierre. La promesse est pour vous, ses auditeurs, pour vos enfants, donc ceux qui sont après eux. Maintenant, ça c'est le juif, non? Maintenant, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera, donc les membres du corps de l'Église. Oui. C'est ce que ma présidente, n'est-ce pas? Oui. Je tiens plutôt au niveau de la promesse à vos fils et vos filles, pas du Saint-Esprit, mais ce que Joël disait concernant sa profession. Non, non. Est-ce que sa profession était adressée pour nous, ou bien c'était adressée pour les enfants des juifs? Non. Il y a quelque chose que tu vas comprendre, et ça, vous devez savoir. Non, permettez-moi de répondre ça rapidement. Quand l'apôtre Paul explique dans Galates, en expliquant la promesse qui a été faite à Abraham, tu n'es pas Abraham. Non, je parle de la... Le Saint-Esprit, c'est la même chose, c'est la même chose. Je comprends ta question. La prophétie de Joël parle du baptême du Saint-Esprit. La prophétie de Joël parle du baptême du Saint-Esprit fondamentalement que l'apôtre Pierre s'est conscrit. Parce que l'apôtre Pierre, Paul va citer la même chose dans Romains chapitre 10, verset 13, car quiconque invoque le nom du Seigneur sera sur le verset 28 qui va citer le verset 32 à Joël chapitre 2. Je voulais un peu que tu donnes un petit détail. Oui. La promesse de Joël parlant du baptême du Saint-Esprit indique que le baptême là va concerner qui? Non, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Je recommence encore ici. Non. Suivez-toi attentivement. Écoutez-moi attentivement pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. L'apôtre Paul, qui est l'un des grands docteurs de l'Église, a reçu la révélation que la promesse qui avait été faite, quand les Juifs parlaient, les Juifs croyaient que c'était pour eux seulement. Mais dans les prophéties, c'était contenu que Dieu avait aussi s'adresser aux nations. Parce qu'il a dit que j'étais loué parmi les nations. Quand David disait que j'étais loué parmi les nations. Comment un Juif doit louer Dieu parmi les nations? C'était impensable. Donc, en toile de fond, c'est situé, comme l'apôtre Paul nous explique dans Galates, en disant que la promesse qui a été faite à Abraham et à sa postérité, il n'est pas dit, et aux postérités, comme ça dit plus, à sa postérité, ça dit à Christ. Donc, ça dit qu'on comprend dans le langage biblique, qu'il parlait comme ça de la sémence de Christ. Okay. Alors, donc, ça dit que la postérité, donc, ceux qui sont échés les Juifs, pour répondre à ta question. Ou alors de la situation finale d'Israël restaurée. Restaurée, voilà. C'est encore forcément, c'est ça. En fait, ça veut dire qu'en clair, le peuple de Dieu que Dieu connaît en Israël, qui s'est choisi, et pour ceux donc qui sont distribué parmi les gentils. Je peux avancer maintenant, n'est-ce pas? Non, je suis sur la ligne des... Non, je vais apporter un élément. Oui. Un élément. Oui. Moi, je suis très... Je vais encore dire que je suis content. Oui. Content parce qu'il y a quelque chose chez toi qui est... Effectivement, il y a... Tu es brillant. Tu comprends? Ne me flattez pas là. Non. Tu es brillant. Tu es brillant. Le problème avec cette affaire de... Parce que je vois bien comment tu as peut-être démontré l'existence de la prophétie actuelle. Mm-hmm. En dehors de... Il n'est même pas encore chuté sur la question. Oui, mon problème, c'est que je voudrais embrayer sur la question de la prophétie actuelle en tant que telle. Oui. Il me semble que le contexte de cette époque-là, les personnes à qui Pierre prêchait étaient essentiellement juifs. Venant de toutes les nations. Excellent. Et au-delà du fait qu'ils étaient essentiellement juifs, ils étaient tous judaïsants. Judaïsants, dans les hellénistes et ainsi de suite. Très je suis d'accord. À partir de là, voyez-vous, à partir de ce moment-là, il faut remonter un peu plus loin. Vous saisissez le sens de l'application que Pierre fait. Les juifs ou les judaïsants, avant ce qui est en train de se passer là, n'avaient pas l'esprit sur tous. Ça, c'est clair. Ils venaient sur quelques individus pour une mission précise, quelle qu'elle soit, lorsqu'elle venait du Seigneur pour accomplir et puis repartir. La possibilité de parler de la part de Dieu, d'avoir des visions accréditées, n'était pas donné à tous. Maintenant, il est possible, et il dit c'est un fait. Joël l'a annoncé, c'est ici le début. Voilà. C'est en train de se passer de cette manière. Et puis c'est difficile, voilà ce qui commence. Cette annonce-là, il a en face un peuple judaïsant, essentiellement. Observez que l'argumentaire... Il veut qu'on vous dise bien les mots tout à l'heure, parce que vous avez dit judaïsant, ça veut dire qu'il y avait des juifs de nature, et ceux qui ont embrassé la religion juive, on les appelle donc les prosélytes. Ça ne change rien à l'argument. Oui. Vous comprenez? Oui. Ça ne change rien à l'argument. Observez que l'argument de l'apôtre Paul n'est pas le même que celui de Pierre. Non, que non. Paul ne cite pas Pierre. Oui. Quand Paul justifie le ministère auprès des païens, il n'utilise pas Joël. Non, ça c'est clair. Non, c'est autre chose, là. À partir de là, il me semble que ce serait trop forcé d'expliquer la parole qui dit « Et ce que Dieu appellera en aussi grand nombre » comme faisant référence aux gentils. Oui. C'est forcé. Non, c'est pas forcé. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas, si ça faisait référence à ces gens-là, Paul... Attends, à ces gens-là, on dit ces gens-là, vous parlez des gentils. Oui. Paul indiquerait ça comme élément de preuve. Non, tout à côté. Non, frère, il y a plusieurs preuves dans les Écritures. Je vais te dire ce qui se passe. Non, attention, c'est un argument très sérieux pour qu'on puisse relativiser. Oui. Vous comprenez? Oui. Il est très sérieux. Oui. Paul fait remonter sa prédication. Il justifie sa prédication vis-à-vis des gentils parce qu'il faut savoir que dans le contexte de Paul, il est juif. Il est judaïsant. Et vous savez que son témoignage, pour être reçu même par les juifs, est quelque chose de difficile. Le juif ne conçoit pas que Dieu parle à une autre nation. Vous voyez? Absolument. Donc, si l'expression de Pierre fait référence aux gentils, mais ce serait un des... Puisque Pierre était accepté, bien reconnu. Vous voyez? Non, mais quand Pierre se met... Pierre se met debout en disant que quelqu'un est pour vous, parce qu'il en décidait de jouer, et que... Excuse-moi un peu. Oui. Écoute bien, frère, écoute bien. Il te dit que tu es brillant, mais ne tombe pas dans la discutaillerie. Écoute les arguments. Nous progressons ensemble lorsqu'on donne des arguments véritables. Oui. Et ça nous enrichit profondément. Tu sais, moi-même, je défendais certaines positions comme celle-là. Mais c'était basé sur la faiblesse de la compréhension des mots des Écritures dans les contextes. Oui. En parlant avec quelques docteurs américains qui avaient une bien meilleure connaissance des contextes et même bien meilleure connaissance de l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, j'ai appris aussi de ces frères qui étaient des aînés pour moi que mon point de vue pouvait bouger, évoluer sur certaines questions. Et ça m'a beaucoup donné. Donc, je veux dire que pour ceux qui sont en cette situation, ce serait très salutaire que Paul trouve dans les arguments de Pierre un élément pour son ministère. Ça aurait été magnifique. Vous voyez? Mais attends. Il fait même mieux. Non, permets de poser des questions. Oui. Parce que quand tu parles comme ça, j'ai comme impression que tu penses que c'est l'apôtre Pierre, Paul, ou bien Pierre, essaie de chercher dans les Écritures ce qui va soutenir le ministère. Et nous, et toi et moi, nous savons savoir qu'à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui choisit quelle Écriture qui va sortir de sa bouche. Non, ça c'est un autre débat. Non, c'est pas un débat. C'est un autre débat. Non, parce que, ici. Parce que je ne vous coupe pas. Le cas de chez Corneille, Pierre était particulièrement surpris. Je suis d'accord. Tu vois, aussi dans sa tête, en parlant, il projectait... Il pense aux gentils. Comment plus tard il est surpris? Attends, d'abord ce même Pierre, dans le chapitre 15, alors, sur la conférence à Jérusalem, va se lever au milieu de l'assemblée avec tout le monde. Il dit que vous savez, en citant les apôtres qui étaient dans le ministère avec lui, marchant sur la terre, avec l'apôtre Paul et Barnabas qui n'étaient pas là, quand le Seigneur était physiquement là. Chapitre 15. Suis attentivement, il sait exactement pourquoi il parle. Parce que tu as dit qu'il était surpris ici, parce qu'il refusait même pouvoir aller chez les païens. Oh, donc, il dit bien au chapitre 15, il leur dit que vous savez que dès le commencement, Dieu m'a choisi pour que par ma bouche de païen entendisse la voix. Comment tu peux expliquer ça, frère? Pas Paul, c'est Pierre ici. Il dit Pierre se lève quand la discussion a eu lieu. Pierre, quand il s'est levé, toute l'assemblée s'est tue. Jacques était là, Jean était là, Barnabas, Paul, les anciens. Mais il dit que vous savez, il dit, c'est sa phrase de sa bouche. Vous savez que dès le commencement, Dieu m'a choisi pour que par ma bouche, les païens entendissent l'évangile. C'est à quel commencement il se réfère? C'est au chapitre 10. vous voulez aller chez Corneille? Non. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on touche cela à la légère. Ça nous le dit ici. Nous avons une base. Le Seigneur avait dit dans Jean chapitre 14 à 16. Il y a quelque chose qui était bien connu de ses auditeurs. De ses auditeurs. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là-bas connaissaient cela. Très bien, oui. Ok. Donc, dès le commencement, Dieu a choisi. Il dit que Dieu a choisi Pierre. C'est Pierre qui parle, Simon Pierre. Il dit que dès le commencement, Dieu l'a choisi pour que par sa voix, les païens entendissent là, l'évangile. Nous sommes à quel verset? Nous sommes au chapitre 15, ou à la conférence de Jérusalem. Mais lui, il me pose la question que Pierre était surpris. Mais non, là tu mélanges, frère. Non, je ne mélange pas. Ce qu'il dit n'est pas en acte 15. Non, mais c'est moi qui suis allé citer acte 15. Je sais pourquoi c'est acte 15. S'il te plaît. Oui. Pour respecter l'intégrité de la révélation. Oui. C'est l'histoire qu'il donne est en acte 10. Oui. Il dit, c'est moi qui citais acte 15. Ok. Maintenant, quand Pierre va le dire en acte 15, oui, il intègre l'expérience de acte 10. Alors, là, nous sommes dans un débat en acte 15 concernant une difficulté qui oppose effectivement la religion juive et le christianisme naissant. D'où c'est pourquoi c'était acte 15. Et quand il fait référence à deux au commencement, il fait référence, il est en face des autres apôtres. Non. Il fait référence, il est en face d'autres serviteurs qui connaissent le texte. Alors, non, il dit n'est-ce pas. Quand il dit que vous savez que Dieu m'a choisi dès le commencement pour que, par ma voix, les païens entendissent la voix, la parole. Donc, il a dit, et les gens sont assis là, il dit que... Frère Junior, oui. Cette déclaration n'est pas difficile à comprendre. Non, je ne dis pas que c'est difficile. Pourquoi? Ça veut dire qu'il connaissait la mission dès le commencement, mais il ne savait pas. Non, c'est-à-dire que ici, de Acte chapitre 16. Non, s'il te plaît. Oui. Ici, le sujet dans le débat oppose et les païens et les juifs. Oui. Vous voyez? Oui. Et quand il donne ses paroles, il pose une déclaration en rapport avec le sujet qui les concerne. Non, là, ce n'est pas le problème. Et voyez-vous, au départ, quand le Seigneur lui donne les clés. Oui. À Pierre. Oui. Vous voyez, c'est ça qu'il interprète de cette manière concernant le débat actuel. Alors, je pose même si lui, s'il te plaît, oui. Même si lui, tu ne peux pas nier que Pierre lui-même ne savait pas jusqu'à quel point l'autorité devait être exercée. Il ne peut pas savoir. Voilà. Maintenant, dans son expérience, il commence avec les Juifs, il se retrouve chez Corneille, oui. Il est effectivement suffit de voir ce qui se passe là-bas. Oui. Puisqu'au chapitre 11, un peu plus tard, oui. Quand on lui pose la question, oui. Il s'explique. Oui. Et il dit à ces gens, est-ce que moi je peux les refuser alors que je viens de voir quelque chose? Voilà. Ça montre que lui-même n'avait pas intégré cela. Une autre preuve dans cette affaire. C'est pour dire qu'en réalité, l'expression de surprise n'est pas forcée. Non, c'est lui qui a dit. Oui, elle est nette. Non. Il dit c'est lui qui. Le fait que l'apôtre de Pierre soit surpris ne fausse pas le débat par rapport à ce que nous allons voir à chapitre 2. Et comme tu as expliqué, le Seigneur qui lui a donné Matthieu, il a donné la promesse dans Matthieu chapitre 16. Que tu es Pierre sur ce rocher, je vais bâtir mon église. Donc la révélation, et l'église n'est pas formée seulement des juifs. Tout à fait. L'église est formée et des gens qui l'ont choisi parmi les juifs et des gens parmi les nations. La question, c'est que dans le déroulement. Dans le déroulement des faits. Dans le roman des faits, oui. Est-ce que Pierre avait intégré cela? Non, c'est ça, c'est là où on se retrouve. C'est là où on se retrouve. Alors, donc, d'où la nécessité que tout à l'heure, quand on dit, quand tu passais, tu disais que le mot est à tous ceux qui sont aussi loin. Est-ce que c'est forcé? C'est là où je suis venu avec le problème du Saint-Esprit. Le fait que le Seigneur avait donné la promesse que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. L'apôtre Pierre n'étant pas un bibliste, et puisque quand on va au chapitre 4, on va leur dire qu'ils sont des gens sans écrit, sans intelligence, ils ne connaissent pas les Écritures. Comment l'apôtre Pierre peut se tenir là devant, à cet instant, prendre les prophéties des Joël, le placer dans le contexte? C'est pour ça qu'il voulait dire que, parce qu'il y a, attends frère, il veut dire quelque chose. Parce que dans ton argumentation, tu semblais dire que si c'était quelque chose de palpable, l'apôtre aurait intégré. Comme si c'est quelqu'un qui réfléchit que, il va quelque part, si on me pose des questions par rapport au Pain, je vais citer tel verset. Donc, je voulais plutôt dire qu'il était spontané dans l'esprit. Je vais te répondre là-dessus. Parce que là, tu vas mettre en place différentes théories de la révélation et de l'inspiration. Vous voyez. C'est là que je dis que dans la conversation, cette conversation-ci, si vous ne faites pas attention, vous restez déséquilibré. En pensant que cette façon de concevoir l'inspiration est bonne. Oui. Vous comprenez? Alors qu'il y a d'autres théories de l'inspiration qui sont plus équilibrées et mieux accessibles. Oui. Vous voyez. Ce n'était pas dans l'inspiration, ce n'est pas la dictée comme le Coran. Vous comprenez? Le texte a été donné en respectant le texte des Joël. L'écriture. Lequel écriture? La révélation, oui. En toute l'écriture, oui, ok. Elle a été donnée en respectant la particularité, le niveau des personnes, des auteurs bibliques. Vous voyez, l'Esprit de Dieu les a conduits avec précision dans le choix des mots, dans le choix des images, mais en respectant leur imagination, leur désir d'esthétique, leur, il a sublimé pratiquement leur être pour qu'ils arrivent à produire un texte de cette nature. Vous voyez? Donc on ne peut pas dissocier l'intervention de ces auteurs bibliques dans la direction du Saint-Esprit dans cette affaire. C'est là que l'affaire est complexe. C'est-à-dire quoi, concrètement, en clair? Ça veut dire que, de façon globale, c'est un schématique, le don des Écritures respecte le don du Fils. Vous voyez? Non, là, tu as compliqué plutôt. Non, je ne complique pas. Non, non, si quelqu'un veut comprendre, qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que tu en as... Je ne parle pas à quelqu'un, je parle à toi. Non, non, pas seulement moi. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent maintenant. Ce que tu en as dit, c'est que... je peux comprendre ce que tu en as dit. Je comprends. Oui. Mais ce que tu en as dit, c'est que... Ce n'est pas là l'objet du débat. Non. Tu comprends? Non, parce que ça nous va nous aider à la continuation. Ça ne nous aide pas. Non, ça nous aide pas. C'est moi qui suis le qui pour le mettre, tu fais les protocoles. Ça nous aide. On entend là-dessus. Oui. Ça ne nous aide pas. Oui. Donc, je veux dire que dans la conversation, on peut faire des parenthèses comme ça pour ne pas digresser. Oui. Le don des Écritures respecte le même mécanisme que le don du Fils. Oui. Dieu habite corporellement et pleinement le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Vous voyez? De la même façon, le texte est donné. C'est le texte, ce sont les paroles de Dieu données dans le respect et l'intégrité des auteurs bibliques. Ça veut dire que dans cette affaire, il a utilisé ses hommes. Oui. Vous voyez? Oui. Sans leur intervention personne, sans leur propre imagination. C'est-à-dire qu'il a... La question, c'est quand vous dites sans leur imagination, ça veut dire que... Ça me pose des problèmes, justement, parce que... C'est pour ça que vous parlez de la compréhension. Ils ne sont pas restés comme non, ça. Non, c'est pas comme ça. Genre, chapitre 3, verset 6, je suis la meilleure. Non, c'est pas comme non, ça. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est que... La Bible dit que dans 1 Timothée 3, qu'il a cité, c'est-à-dire que la parole de l'Écriture sont théonosis. C'est-à-dire qu'il souffle, c'est même mal écrit en français en disant que c'est une expiration, c'est pas une expiration, c'est une expiration. Non, le mot inspiration, dans le contexte biblique, le mot inspiration n'est pas dans la Bible. Oui. Il dit c'est une expiration. Attention. Oui. Si vous, quand vous voulez critiquer les gens, oui. Il faut savoir ce qu'ils ont dit. Oui. Le mot inspiration n'est pas dans la Bible. C'est pas ce qu'il dit. Vous j'ai compris. Je vais vous dire ceci. Oui. Le mot inspiration qui est employé oui. dans les théologies ordinaires oui. signifie exactement oui. expiration. Oui. Comment oui. comme quelqu'un qui dit ça en français va comprendre comme ça. Bien ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre leur idée avant de les contredire. Non, non, juste pas de les contredire. Non, frère, fais attention. Comme ça, commencer à dire qu'on n'aurait pas dû. Non, non, non. Quand quelqu'un prend la Bible, il a des listes ici en Godu Bakoko. Il ne serait pas là pour demander à la personne qui avait écrit que tu as écrit quoi. Il voit inspiration. Mais Jésus lui dit, normalement c'est expiration parce qu'il s'en allait quelque part. Il n'y a pas inspiration ici. Toute écriture. Il a inspiré. Vous voyez. Non, il dit que. Hein? Non, mais Jésus dit ceci. Inspiré. Inspiré de Dieu. C'est ça. Je dis donc que le grec qui est écrit là-bas, ce n'est pas inspiré. C'est expiré. Justement, le mot inspiré veut dire expiré. Ici signifie exactement expiré. C'est pour ça que Jésus lui dit que pourquoi on ne se retrouve pas que. En français, quand quelqu'un lit en français inspiration, il pouvait croire qu'on soit une inspiration comme il fait une dictée. C'est parce que le Seigneur est rapporté. Tu vois ce que tu es en train de faire? Non. Il y a beaucoup de mots dans l'écriture qui sont mal mis en français. Aujourd'hui, par exemple, on adore son ventilateur. Oui. Non, c'est pas bon, c'est qui pas bien. Vous on dit que j'adore. Vous comprenez? Quel est sa vie va voir Dieu chez les adorateurs en esprit en vérité, il va comprendre dans le sens ordinaire. Oui. Est-ce que ça veut que c'est mal interprété? Que non. Vous comprenez? Oui. À partir de ce moment-là, on ne peut pas, sur la base de ça, commencer à contester. Non, c'est pas le problème là-bas. Je ne suis pas de contester. Si on lui dit que toute écriture est expirée de Dieu. Mais ce qu'il veut dire, c'est ceci. Par rapport à l'automatique, je crois qu'il y a une question aussi à répondre. Si on lui dit, quand il parle de. Dieu a utilisé ces gens sans leur intervention. Ça veut dire que c'est que Dieu a sorti comme sa volonté pour que ça soit mis dans l'écriture. Cette personne-là l'a fait sans intervention aucune là-dedans. Sans leur intervention signifie que les idées ne viennent pas d'eux. D'eux. C'est ça que je viens de lui dire. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas modifier quelque chose. Les idées passent par eux. Voilà. Non, il dit qu'il n'y a pas de problème. D'accord. N'est-ce pas? Ok. Si cela donc est assimilé, j'ai dit donc à la porte de pied, c'est tient debout. Et ça passe par eux. Ça sans qu'il ne les déforme. Ça passe par eux, ça intègre leur expression. C'est pour ça qu'il y a une particularité chez l'un et chez l'autre avec des faibles niveaux. Mais le message ne modifie pas. Vous voyez le message quand vous pas. Regardez la théologie de tout le monde, quand vous regardez le discours de Jean, par exemple, Jean emploie des mots très simples. Les mêmes choses, Paul les dit avec des mots un peu plus compliqués. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui a voulu, ou le Saint-Esprit qui a utilisé le canal, le fait que l'apôtre Paul? Le canal veut dire quoi pour vous? Le canal veut dire qu'il utilise le vocabulaire à ta disposition. C'est ça qu'il fait. Oui. En fonction de ce que tu sais. Oui. Et dans ton imagination. Il utilise les images auxquelles tu as accès, oui, que tu comprends, parce que tu peux mieux les coucher. Et de façon intelligente. Dieu se révèle par des propositions logiques, qui ne sont pas données mécaniquement, mais qui sont dans l'intelligence que nous avons. L'intelligence, justement, c'est la capacité de construire quelque chose de logique. Vous voyez? Donc, il permet à cet homme-là, avec les mots qui sont dans son répertoire, avec les images qu'il a, il lui permet de mieux saisir ces images, les meilleures d'ailleurs. Parce qu'il va les transcrire. Pour pouvoir donner son intention. Vous voyez? Cette intention est exprimée dans ces choses-là. C'est pour ça que quand on interprète le texte biblique, nous cherchons l'intention à travers une analyse historique et grammaticale. On veut voir l'intention qu'il y a derrière. Vous voyez? C'est ça en fait que nous cherchons. Quand on a compris cette affaire, on a compris ce que Dieu veut nous dire. Oui. Donc en fait, vous comprenez la volonté de Dieu derrière un verset. Très bien. Voilà. Maintenant, je peux avancer là-dedans, n'est-ce pas? Nous étions au niveau des Joël 2 et Actes chapitre 2. Et ce qu'il voulait avancer, là où il voulait avancer, c'est que, en réalité, dans le contexte de Joël chapitre 2, ne se trouve nulle part la partie où l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est là où je me trouve donc maintenant, où il dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin. Ça ne se trouve pas dans Joël chapitre 2. Nous sommes d'accord? Il est dans Joël chapitre 2, verset 28 et suivant. Laisse-moi donner, car sur le dernier, au dernier temps, je versais mon esprit toute chair. La partie où l'apôtre Pierre dit, quand il a commencé à dire maintenant, car la promesse est pour vous. Pour vos enfants, pour tous ceux qui sont loin, aussi grand que le Seigneur te Dieu les appellera. Ça, c'est quand ça, c'est nouveau. Ça, c'est quand les frères ont dit, que ferons-nous, n'est-ce pas? Non, c'est pas à ce niveau-là. Parce que c'est pas encore ce niveau-là. Parce que, oui, c'est à ce niveau. Non, je suis en dire ici. Écoutez-moi très attentivement bien. Dans Joël chapitre 2, verset 28, la promesse qui est écrite là-bas, c'est au dernier jour, je versais mon esprit, touche chez vous, fils et vos filles, prophétiseront sur mon serviteur, sur mon servant, verset mon esprit, touche et prophétiseront. Avant que ce jour glorieux, ce jour grand et redoutable vienne, le jour où les lunes se changeront ensemble, ainsi de suite. C'est ça qui est écrit. Oui. Mais si on avait dit, dans le contexte des Actes chapitre 2, quand l'apôtre Pierre finit de citer cette portion de l'écriture, sans citer ce jour grand et redoutable et haut de là-bas, oui, il appuie donc en continuant. Car la promesse est pour. Parce qu'on lui a posé maintenant la question. Que le ferons-nous? C'est ce que nous disons, tu peux regarder. Non, il s'en est d'avancer. Il s'en est dit qu'il a cité en ajoutant quelque chose. Parce qu'on lui a posé la question, là, chapitre 9, verset 37. Hommes frères, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Puis il dit, car la promesse est pour vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Que c'est après la question qu'on lui pose qu'il donne cette oui, affaire-là. Alors, il a fini sa prédication. Alors, attends, non, la prédication, c'est plus. Il a cité Joël depuis au verset 14 et 17. Attends que je lise. Oui. Après avoir entendu ce discours, oui, ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, oui, hommes frères, oui, que ferons-nous? Oui. Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Oui. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Car la promesse est pour vous, oui, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu les appellera. Amen. Non, c'est bon. Oui, Joël 14, comme tu disais. Non, il dit donc que. Et par plusieurs autres paroles, oui, il les conjurait et les exhortait, disant sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, ce qu'il avait dit, c'est ceci. Joël chapitre 2, que l'apôtre Pierre a cité, il a cité à partir du verset 14 à 17. C'est dans ce contexte qu'il a cité Joël chapitre 2. Ici, maintenant, ce qu'il en a dit, car ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, ça ne se trouve pas. Oui. Voilà. C'est donc là où je pose la question. Est-ce que c'est l'apôtre Pierre qui était pécheur qui en a parlé, puisque le Saint-Esprit qui parle au travers de lui? Oh, ce débat, il est terminé tout à l'heure. Je croyais que tu étais en train d'engager. Il veut fermer parce qu'en réalité, il y a une partie, parce qu'on a tourné autour là, parce qu'il m'a posé une question, le frère a posé une question, sur la dispensation de l'Église et les prophètes qui parlent de la part de Dieu. C'est là où j'ai commencé là où l'Église a commencé, pour qu'on voit la progression. Là, le frère Emma a posé la question. Il a posé la question, et toi, tu as dit, la portion est par plusieurs autres discours, la première est pour tous ceux qui sont au loin. C'est ça qui nous crée le problème, parce qu'il doit avancer. Oui, donc, c'est pour ça qu'il est précis. C'est pour dire d'abord, ça ne se trouve pas dans le contexte des Joël, déjà. Et parce que tu me poses la question que l'apôtre Pierre, parce que tu as dit c'est discutable, parce que quand il parlait. Mais je maintiens. Je ne suis pas dans le contexte de Joël. Il a dit c'est difficile. Quand je parle du contexte de Joël, oui, n'est-ce pas? Oui. J'ai le contexte de Joël, c'est limité, c'est fait aux enfants des Juifs. Des Juifs. dans le contexte de Joël. Même en fait, de cette prophétie. Et même la déclaration de Paul, oui. De Pierre, oui. La déclaration de Pierre est faite à l'intention et dans l'intention des Juifs. Ça, c'est clair que dans l'esprit de Paul, Pierre, parce que plus tard dans le chapitre, il dit que tu as cité. Et on ne peut pas se fonder sur ça. C'est quoi? Non, c'est pas seulement ça. On peut pas dire de là qu'il est en train de parler non. De tous les peuples des païens. Non, je dis c'est ça. Il a la compréhension. Non, allons attentivement. Justement, il dit qu'il a commencé ici parce que l'église commence là. Il a commencé parce qu'il a posé la question, y a-t-il quelque chose? Parce que l'église commence avec la venue du Saint-Esprit. Oui. Maintenant, lorsque il s'est rendu, voici le Saint-Esprit qui dit. Vous pouvez rappeler ma question? La question que vous avez posée, c'est que, puisqu'il y a on parle de Jésus avec la révélation parfaite, et tu as dit qu'il faut qu'on laisse les autres des prophètes à de temps de Jésus, et on parle dans le contexte de l'église, oui. Y a-t-il des prophètes encore qui peuvent parler quand les écritures sont données? C'est ça que j'ai posé comme question. Oui, dans le contexte de l'église aujourd'hui, nous nous comprenons. Elle a fait cela. Voilà, c'est la question. C'est pour ça que nous sommes partis de là. Oui. Parce que dans l'argumentation, on va voir effectivement qu'on voit on va voir là où on va arriver à la conclusion. Oui. Donc, ce qu'il voulait dire ici, c'est que, cette période-ci marquée par l'esprit, c'est la période de la dispensation de l'église. C'est ça qu'il voulait d'abord dire, en résumé. C'est-à-dire que, l'apôtre Pierre, qui que ce soit, qu'il a dit de parler des juifs ou bien non, je veux que c'est globalisé. C'est une période marquée par le Saint-Esprit. C'est d'abord un. Oui. Si c'est assimilé, j'avance. Maintenant, si c'est marqué par le Saint-Esprit, c'est la promesse donc par le qui? Pardon? Marqué par le Saint-Esprit pour qui? Pour tout le monde? Non. Je me dis ceci. La période que Dieu a mis dans son plan, oui. Qui va baptiser les gens de son esprit pour former un seul corps dont la Jésus a parlé de Ecclésia. Oui. Cette période-là, c'est ça qui nous intéresse. Je vais répondre donc dans ce contexte-là, tout simplement, dans cet intervalle. Il ne touche plus le juif de l'Ancien Testament, il veut toucher le contexte de l'écriture chrétienne. Oui. Voilà. Donc, Dieu, dans son plan, donc, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église. C'est une œuvre futuriste. Oui. Là, ça commence à chapitre 2. Quand il bâtit l'œuvre futuriste, on voit plus tard dans la révélation de l'église qu'il va venir chercher cette église là sans tâche ni rien. Il viendra la chercher. Oui. Quand il va venir la chercher, ça pense que l'œuvre qu'il a commencé à bâtir aura atteint son achèvement comme il a voulu. Nous sommes d'accord? Non. Comme l'achèvement ne sera pas. Non. Jésus, on a convenu que c'était de l'homme parfait et il fait les choses à la perfection. Donc l'église ne sera pas imparfaite pour entrer. Bon, maintenant, ça veut dire que ici, dans HPD2, se trouve donc le début de cette église-là. Et dans la manifestation, nous voyons que le Seigneur Jésus a quitté la scène. Maintenant, c'est la continuité maintenant par le Saint-Esprit. Et avec les hommes dont il a choisi lui-même. La question maintenant, c'est que, est-ce que durant cette période-ci, avant qu'il vienne chercher cette église-là, est-ce que des prophètes pourront être là ou bien les autres qui vont parler de sa part malgré qu'il y ait les Écritures? C'est là la question que tu m'as posée. Non, ce n'est pas là la question que j'ai posée. Je remets encore ma question. Oui. Je le précise encore. Oui. Le débat. Oui. Prend essence sur le message qui a été envoyé. Oui. Et nous voulons que voir dans notre contexte aujourd'hui. Oui. Ça, c'est les Écritures, non pas aujourd'hui, pendant selon nous seulement. Écoute-moi, très bien. Dans notre contexte aujourd'hui, parce que si j'ai dit qu'il y avait les prophètes, et depuis que l'Église a commencé, il n'y avait pas de prophètes, c'est que je n'ai pas compris. Parce que la Bible a dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Mm-hmm. Il le dit clairement. Oui. Et il appelle à plusieurs égards les apôtres comme les prophètes. Oui. Donc, c'est l'Église primitive avait des prophètes. Pourquoi? Elle avait des prophètes. Parce que c'est... Il fallait donner les Saintes Écritures. Oui, bien entendu. Mais non. Attends. Dans ce contexte oui. De l'Église primitive, oui. Il y avait bien les prophètes. Oui. Et le dernier apôtre a clôturé même cette affaire. Dans le contexte de l'Église primitive, mmh. On a des prophètes oui. Qui nous donnent des révélations. Mmh. Et ces révélations, on les prend en valeur. Oui. Ils ont... Emprunt d'autorité. Ils sont emprunt d'autorité. Et de plus, eux-mêmes, ils montrent les limites de jusqu'à quel niveau on n'a plus besoin d'une révélation pour la vie. Souviens-toi que l'Église, en tant que, a aussi une particularité, en tant que instrument de Dieu pour le salut des âmes. Mm. Et dans ce contexte, il a besoin de tout ce qu'il faut pour ce salut. Mm. Il a besoin de tout ce qu'il faut. Et jusque-là, Jésus avait transmis une très grande majorité de sa révélation à ses disciples. Mm-hmm. À ses disciples. Et sachant également dans leur, qu'ils étaient dans la faiblesse, il leur a promis que le Saint-Esprit reviendra. Oui. Et il leur rappellera tout ce que il leur a enseigné. Mm-hmm. Et il leur dira des choses. Mm-hmm. Donc, et ces personnes recevaient bien étaient au temps de la coulée, donc mm-hmm. la révélation oui. était vraiment propre oui. à leur époque. Oui. Après eux, il n'y a, on ne peut plus parler de révélation. Moi, il y a quelque chose non. à préciser dans la progression du témoignage chrétien. Oui. Mmh. Ça va de Jérusalem en Galilée. Oui. En Samarie. Jusqu'à chez les gentils. Chez les gentils, oui. C'est le parcours. Le parcours. Mmh. Ça veut dire que la maison est en train d'être mise sur pied. Mmh. Il y a un fondement qu'on est en train de placer. Mmh. Ça veut dire la période apostolique. Mmh. Est une période dans laquelle on place les fondements de l'Église. Oui. C'est-à-dire les enseignements. C'est période apostolique, c'est-à-dire que dans l'Église primitive naissante. L'Église primitive naissante. Mmh. Donc on place tous les fondements. Et quand les fondements sont placés, on ne bâtit que dessus, au-dessus des fondements. Mmh. Or, le fondement qui a été placé, c'est l'achèvement des Écritures. Mmh. On a achevé toutes les Écritures. Ça a été clos. Il y a dans l'Écriture à tout ce qu'il faut. Okay. Mmh. Donc, en clair, parce que pour parler une autre. Donc, en clair, aujourd'hui, au milieu de l'Église, il n'y a plus de prophètes. De prophètes recevant des... Non, je dirais que quand il parle de l'Église, vous comprenez qu'il parle des prophètes. Donc, ce sont les charlatans des... Au sens professionnel. Et voilà. Non, je veux bien comprendre pour avancer encore dans le... Au sens de la révélation. Mmh. Voilà. Au sens de la révélation. Mais, est-ce qu'il peut y avoir des prophètes? Parce que tout à l'heure, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est toi ou c'est lui qui a dit que quand on lit les Écritures, on prophétise. C'est pour ça qu'il n'y a pas parlé de prophétiser. Il y a parlé du prophète. C'est-à-dire qu'ils font office des prophètes. Il fait que vous me répondez d'abord avant qu'il avance. Oui, c'est ça que je dis. Voilà. Donc, il n'y a personne dans le cadre de l'Écriture aujourd'hui qui peut venir dire qu'il est prophète parce que l'Écriture est déjà donnée. Oui. Ça, c'est un. Oui. Vous validez ça, hein? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des apôtres encore aujourd'hui? Non. Pas du tout. Pas du tout. Leur sens sera... ils feront quoi? Donc, pas de prophètes, pas des apôtres, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, il y a petit avant des docteurs. Bien entendu. Ok, maintenant. Des évangélistes. Bien entendu. Des pasteurs. Oui, ok. Donc maintenant, je veux que vous montrez les écritures qui valident l'un et invalident l'autre. C'est-à-dire que j'ai cité docteur, prophète, pasteur, évangéliste. Pourquoi vous dites que... Je vais prendre du temps pour vous écouter. Oui. Vous m'expliquez, bibliquement parlant, pourquoi dans l'Église aujourd'hui, il n'y a plus l'office des prophètes, il n'y a plus l'office des apôtres, mais il y a l'office des docteurs et autres. Qu'est-ce qui valide? Allons-y. Ok, moi je peux déjà commencer. Mmh. Premièrement, peut-être avant de répondre à cette question, il y a quelque chose qui... Peut-être pas qu'on parle dessus. Moi, j'aime beaucoup les questions d'interprétation. Oh. La promesse est pour vous et pour vos enfants. Oh. Et pour ceux qui sont loin. Espèce. En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Oui. Tout à l'heure, tu as fait le lien avec ça en disant que c'est pour concerner les gentils. Oh. Je veux que ça concerne les gentils. Mais il n'est pas fini parce que tu as dit que je suis quitté là-bas. Parce que c'est un peu forcé parce que le contexte ne nous dirige pas obligatoirement dans ce sens-là. Mmh. Il y a plusieurs éléments qui nous dirigent dans un autre sens. Parce que Israël, lorsque la prédication est donnée, Israël est toujours hostile au Messie. Mmh. Israël, à la fin de l'Ancien Testament avec Néhémie, l'histoire du peuple Ancien Testament de toute façon. Mmh. On est déjà au retour, puisque Malachie prophétise. De la captivité. Voilà, Malachie prophétise sous Néhémie. Mmh. Donc on est pratiquement au retour de la captivité. Mmh. Et ce retour n'est même pas complet parce que beaucoup sont encore dispersés. Mmh. Et quand il parle à un peuple qui est essentiellement juif, le contexte suggère de le comprendre dans ce sens-là. Parce que la promesse qu'il dit ici, il annonce le début d'une chose en citant des choses qui vont s'accomplir du point de vue national. Et il dit en fait à ces peuples juifs. Nous sommes encore là, c'est ce que tu as expliqué, c'est le chapitre 2. Oui. Il est en train de leur dire ici que là où nous sommes, le temps de rafraîchissement, le temps de la restauration a commencé pour nous. Et tous les juifs qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ils entrent dans celle de l'Église, Mais ce temps-là annonce quelque chose de beaucoup plus sérieux. qui concerne la restauration d'Israël dans le fond. C'est pour ça que l'expression « pour ceux qui sont au loin » fait référence aux Juifs dispersés encore dans l'incrédulité. Parce que quand Israël va être restauré plus tard, tu sais que la nation sera, il n'y aura plus de Juifs dispersés. Ils seront tous regroupés. Voilà, ils seront tous regroupés. Comme Romains 11 le dit. C'est cela. Donc, l'interprétation de cette partie-là ne peut pas obligatoirement faire référence aux gentils. Mais ça ne serait peut-il pas ça, il dit que okay, comme c'est silencieux, on devient silencieux. Oui, donc je veux dire que on ne peut pas de façon absolue des éléments, des éléments du contexte et même contexte vétérotestamentaire, même contexte néotestamentaire, même le contexte immédiat dans lequel on se trouve, les gens avec qui il parle suggèrent de voir dans cette direction plutôt que dans l'autre. Dans l'autre, vous voyez. Mais, on a moins d'éléments pour accréditer l'autre partie. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pourquoi je dis que ce serait un peu forcé. Alors, je veux le temps pour cela élevé. Avant de continuer. Non, en fait, ce qui concerne la promesse, cette promesse, regardons un peu dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset, à partir du verset 4 au verset 5. Oui. Parce que le Seigneur, parlant de la promesse, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Le dit-il, C'est le Seigneur qui dit ce que je vous ai annoncé. Et leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. En ce qui concerne cette promesse, ce n'est pas que Pierre, je ne sais pas, parce que tu parlais de que Pierre est sorti, il n'est pas parti... Et il n'a pas pris ça. C'est détaché de Joël. Tu disais que c'est détaché de Joël. Mais il dit clairement, il cite véritablement ce que Jean-Baptiste a dit dans Matthieu. Parlant du Seigneur Jésus, il dit que c'est lui qui vient après moi. Lui baptisera le Saint-Esprit. Voilà. Donc, il fait des promesses. Il fait des promesses. Et cette promesse, c'est de cette promesse qu'il est en train de réitérer ici. Donc, il revient de ce qui a été dit dans les Écritures au préalable. Alors maintenant, que le Seigneur va le faire. Et là, maintenant, si nous prenons ces cas-là spécifiques, comme l'Éternel dit, comme il a cité H.P.B., nous voyons effectivement que dans le contexte de H.P.B. 1, justement, il leur a dit à eux de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Or, on voit effectivement dans ce contexte, il s'adresse à ses disciples. Qui a dit à l'apôtre Pierre de l'appliquer aussi à ces gens qui vont croire en lui? Vous voyez, ça, il y a un problème là maintenant. C'est-à-dire que Jésus leur a dit, vous, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que dans chapitre 10, comme il a cité aujourd'hui, chapitre 11, il va dire que quand le Saint-Esprit est venu sur eux, il s'est souvenu de ce que le Seigneur leur avait dit, que quand Jean baptisé, il a encore cité, c'est même pas ça que vous venez de lire là. Au chapitre 11, quand on va lui faire le reproche qu'il a entraîné les Juifs et il a mangé avec eux. Quand il s'est mis à leur expliquer de façon suivie ce qui est arrivé. Il dit que quand le Saint-Esprit est descendu, il peut se proposer à Dieu et il s'est souvenu de ce que le Seigneur a dit, Jean baptisé d'eau. Donc quand vous allez prendre ceci pour la promesse, l'apôtre Pierre. N'a pas écouté la question, c'est ils sont 11. Quand le Seigneur leur dit, ils sont regroupés, ils sont 11 en train de lui dire, ils donnent la promesse. Mais qui a dit à l'apôtre Pierre que quand il faut dire la même chose aux gens que la promesse est pour les gens aussi qui s'étendent? C'est ce que j'en ai dit. Parce qu'il n'y a nulle part dans les Écritures qui dit que la promesse est pour ceux qui vont en un petit grand nombre. Jésus leur a dit ici que vous, ne vous donnez pas de Jérusalem. Il veut que vous compreniez. Je crois que c'est un lieu de course. Non, en fait, celui qui est venu là-dessus. En fait, c'est ce que j'en ai dit. Si on prend ça dans ce contexte-là, Jésus a donné la promesse en disant qu'eux ne s'éloignent pas de Jérusalem. Donc, on s'attendait à ce que ça vienne sur eux. On s'attendait à ce que ça vienne sur eux. L'apôtre Pierre, après que la promesse est effectivement venue sur eux, l'apôtre Pierre remet aussi la promesse à ceux qui sont devant lui. Pourtant, ceci n'est pas là. Mais plus tard, dans H, il remet la promesse à ceux qui sont... Qui sont devant de lui, et il le donne encore en plus. Comment ça? Non, il dit ceci. H, chapitre 1, verset 4 du Sabbat. Il dit, comme tu as fait le lien, avec acte 1, 8. Oui. Le Seigneur annonce à ses disciples... À eux. Il y avait des disciples, il dit, vous. Vous le savez, donc le Saint-Esprit. Dans ce contexte-là, il n'a pas dit à tout le monde. Mais en parlant donc de ses disciples-là, oui. Pierre, maintenant, quand il prend la parole... Il dit que la promesse est aussi pour vous. Il dit la promesse. Est aussi pour vous. Et aussi pour vous. Il l'étend encore. C'est ça que j'en ai dit, que ce n'était écrit nulle part. C'est une nouvelle, ce qu'il dit. Nous sommes d'accord. Regarde, non, attends un peu. Oui. Pourquoi c'est ce qui est écrit? Parce qu'en réalité, dans le chapitre 10. C'est pas cité, voilà. Mais dans le chapitre 10, L'apôtre Pierre va dire que Jésus nous a ordonné d'aller enseigner que c'est lui qui a été établi par juge des vivants et des morts. Et il a dit que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Pendant qu'il parle, le Saint-Esprit est venu clore le débat. Donc ça veut dire que quoi? Il y a la prédication donnée instantanément par le Saint-Esprit. En fait, c'est pour ça qu'il partait là-bas. Donc ça veut dire que si l'apôtre Pierre a dit cela en plaçant, comment fais-tu, mon frère? Ça veut dire que puisque ce n'est qu'une nulle part dans les Écritures, que la première pour eux, pour eux, ici, ici. Ça sort là, c'est nouveau, c'est fraîche, ça sort du trône. Ces démonstrations là, oui, elles peuvent effectivement égarer. Comment ça peut égarer? Je te dis pourquoi. Oui. Que ce soit ce qui est ordonné par le Seigneur, ce qui est prêché par les apôtres. Oui. Que ce soit ce qu'ils reçoivent directement, oui, de la part du Seigneur, oui, ça vient du Saint-Esprit. Non, mais je ne dis qu'on vient pas. Là n'était pas le problème. Attention, là n'était pas le problème. Je ne suis pas de mettre en conflit les dirigeants. Avec, mais en fait, quand il prenait tous ces exemples-ci, c'était pour dire que si c'était pour réfléchir, parce que tout à l'heure, quand il disait que l'apôtre Paul aurait joué dans ce contexte-là, en argumentant par rapport à la probabilité qu'ils soient en train de s'adresser aux gens des nations ou bien aux juifs. C'est pour ça qu'il était là pour c'est pour dire que si ça avait été comme ça, il voulait dire en réalité que le message de Dieu n'était pas prêché par les réflexions humaines. C'est Dieu qui les utilisait, nonobstant leur rébellion. Regarde. Oui. L'intelligence humaine, oui, nous a été donnée, oui, à nous, oui, parce qu'il avait prévu de nous parler par ça. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, maintenant, la raison humaine est à ce niveau. Mm-hmm. La révélation est à ce niveau. Oui. Quand elle s'exprime, oui, elle ne néglige pas ceci. Oui. Mais c'est quand on fait comme ceci, oui, quand ça pose des problèmes. Non, ça pose problème, je suis d'accord. Mais la révélation peut venir dans cette direction. Attention. Mm-hmm. Il n'est donc pas interdit, oui, de penser que pendant que la révélation est en activité, oui, elle utilise les hommes, oui, et la pensée humaine. Oui. Elle sublime même le raisonnement humain. Mm-hmm. Parce qu'en fait, ce qui est donné là, mm-hmm, c'est une suite de raisonnements. Vous voyez? Raisonnement de qui? De Dieu, bien sûr. Non, là, jusque là, il n'y a pas de problème. Là, il utilise frère. Quelle structure pour construire cela? Vous comprenez? Non. Ce qu'il veut dire, c'est que il faut qu'on admette d'abord que la structure que Dieu a construite ici, mmh, est faite sans raisonnement humain. Écoutez bien, frère. Mmh. La structure pour mettre en place ce texte, oui, n'est-ce pas? Oui. C'est la tête de Paul. Oui. C'est la tête de Pierre. Et de tous les autres gens qui ont participé. Nous sommes d'accord. Oui. À partir de là, les idées, mm-hmm, qui sont véhiculées, oui, par cet agencement, oui, viennent exclusivement du Seigneur. Je suis d'accord. Il n'y a pas de contribution humaine dans l'idée. Voilà. Vous comprenez? Mm-hmm. L'idée qui est donnée s'exprime, okay, par une forme, oui, par un style. Mm-hmm. Et ce style-là appartient à Paul, appartient à Pierre, appartient à Jean. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc chacun son style d'exprimer l'idée de Dieu. Ce n'est pas. Vous voyez, ces gens restent des canaux. Oui. Vous comprenez? Oui. Et ce style-là, bien que ce soit appartenant à l'un, c'est le timbre de l'un, le timbre de l'autre, ça, oui, veut dire que le Saint-Esprit, en donnant cela, respecte l'intégrité de ces hommes. Ce, oui, n'est pas une possession démoniaque. Non, je ne parle pas de ça. On n'en parle pas de cela. Mais là où à je suis de là. Oui. À partir de là maintenant, vous avez donc des différences de style et de vocabulaire, mm-hmm, dans le don du message. Dans, mm-hmm, le message. Mais si on comprend ces vocabulaires, on va comprendre la pensée des dieux. Excellent. Voilà, c'est pour ça qu'il dit, n'est-ce pas, hein, en restant toujours dans le cadre de l'apôtre Pierre. Non, ne dis pas, parce que quand je prends la parole, c'était, mm-hmm, pour relever un élément. Parce, oui, que tu as dit, c'est comme s'ils étaient assis pour réfléchir et construire. Non, oui, j'ai dit qu'ils comprenaient cela dans votre réflexion. Je n'ai pas dit que c'est moi. Non, s'il te plaît, s'il, oui, te plaît. Quand le Seigneur Jésus-Christ enseigne, oui, il cite Deutéronome. Oui. Vous comprenez, mm-hmm. Il cite. Mm-hmm. Il construit. Oui. Vous comprenez? Oui. Il construit quelque chose. Oui. En donnant quelque chose, il construit. Oui. Vous voyez? Le Saint-Esprit utilise le même processus avec les apôtres. Mm-hmm. Lorsqu'ils citent, ils construisent. Et, oui, cette construction est menée de main de maître par le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Oui. Il utilise les hommes et il rassemble les arguments à leur portée. Oui. Vous comprenez? Oui. Comme ça que ça marche. Oui. C'est ce que je voulais dire. Donc, en disant cela, je ne disais pas que ces gens réfléchissaient. Mm-hmm. Non, mais je disais que quand tu argumentais comme ça, c'est parce que tu as dit, je vais encore te citer, oui, tu as dit que si le contexte de chapitre 2 était le même contexte, l'apôtre Paul aurait dû utiliser. Or, le Saint-Esprit a plusieurs arguments dans la Bible pour dire les mêmes choses différemment. Non, on était dans un contexte précis. de la promesse aux juifs et aux non-juifs. Très bien. C'est de ça dont on parlait. Voilà. Et je disais que si Paul s'adressait à un auditoire particulier, précis, par exemple, et voulait se faire accepter des juifs, l'argument-là, si ça avait été fondé, n'est-ce pas, ça aurait été utile pour lui. Il a même fait mieux que ça. Voilà. Vous voyez, il a fait mieux que ça. Il a utilisé un argument qui est incontestable. Il a touché Abraham. Qui est le père fondateur. Vous comprenez. À partir de là, l'argument de Paul n'est pas contestable. Oui. Est-ce qu'ils n'ont pas contesté pour autant? Non, mais ils ont contesté. Ça veut dire clairement qu'en fait, ce n'est pas le fait que l'apôtre Paul n'ait pas cité Joël, puisqu'il est l'apôtre des nations, qui veut dire que le comté de Joël ne s'adresse pas aux nations. Parce qu'en réalité, permets-moi maintenant, permets-moi aussi. Quand nous lisons Romains, le livre des Romains, nous voyons qu'au chapitre, au chapitre 10, justement, il cite une portion de ces juifs, c'est des mêmes promesses. Il dit, quand nous lisons Romains chapitre 10, après avoir cité que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, ainsi de suite, après il cite au chapitre de 10, verset 13, particulièrement, lui, verset 13, frère, comme tu y es. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, il dit ici que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, dans ce contexte-ci, il en est de parler à qui ici dans le livre de Romains? C'est le seul parallèle. Pardon? C'est le seul parallèle. Non, c'est pas le seul parallèle. Je vais seulement dire, il s'en est dit ici. Là, ça va te relancer le raisonnement. Non, c'est pas le raisonnement, frère. Il s'en est dit, comprenez-moi très bien, en parlant de là où j'ai parti. J'ai compris, j'ai compris. Tu vois, là où tu ne me comprends pas, c'est que tu veux maintenir une ligne qui est étroite. Oui. Je t'ai très bien compris. Ok. Mon problème ici, c'est que l'argument de la promesse est donnée pour vous et en aussi grand nombre. Oui. Appliqué aux gentils, vous avez peu d'éléments pour justifier cela. Oui. Très, très peu d'éléments. Bon, alors, restons sur ces cas. Est-ce que les gentils ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Parce que c'est une promesse. Dieu fait une promesse dans les Écritures, sa promesse, il parle. Vous avez bien souligné que quand Dieu parle, il faut qu'on comprenne son langage. Est-ce que Dieu avait promis le Saint-Esprit dans le plan de Dieu? Est-ce qu'il a promis le Saint-Esprit aussi aux non-croyants, aux païens? Très bien. La réponse à cela, elle est oui. Donc, ça veut dire que, est-ce que si l'apôtre Pierre... Non, attendez, elle n'est pas oui de façon simpliste. Vous voyez? Elle est oui par le mécanisme de l'alliance. Oui. Genèse 12, verset 3. Oui. Ça, tu as compris? Oui. À partir de là, ils sont contenus dans le processus. Oui. Donc, c'est pour dire que mon problème est simple. Je ne voulais pas qu'en avançant, parce que je sais que tu vas revenir sur ça plus tard. Oui. Je voulais qu'on règle ça tout de suite. Cette déclaration de l'apôtre Pierre est difficilement soutenable vis-à-vis des autres nations. Oui, vous voyez, ça c'est difficile à soutenir. Je suis d'accord. Oui, d'accord. Bon, ça veut dire que. Vous avez vu maintenant Attends, vous avez venu à la moto, vous êtes où? Je crois qu'il va falloir faire attention parce que si celui qui est là vient mettre la voiture, vous aurez du mal à sortir. Là, je crois que vous avez suivi. Donc, je connais ce livre, il va jamais cela. Donc, je tenais de dire ici, en fait, quand il prenait Acte chapitre 2, on y revient encore pour avancer, c'est ici, c'est que si on admet que dans le plan de Dieu, en citant Genèse chapitre 12 par rapport à l'appel d'Abraham et Ola, on voit que Dieu, dans son plan, malgré que l'apôtre Pierre prêche sans comprendre ce qu'il a de prêcher, que Daniel dit certainement sans comprendre ce qu'il a de dire souvent, malgré qu'ils sont vécu un message que Dieu va permettre que ceux qui sont acquis ses destinées puissent comprendre le moment opportun. Ça veut dire que si le Saint-Esprit vient sur le croyant, c'est là où je voulais aboutir pour le prendre, parce que jusque-là, il n'y a pas répondu à sa question. Oui. Si le Saint-Esprit venait sur les Juifs, et que les Juifs, celui qui était en train d'annoncer, ne savait pas que ça devait venir sur ces Juifs-là, et sur le non-croyant, Dieu lui connaissait que ça devait venir sur le Juif, et ne pas faire différent entre les Juifs en donnant la promesse. Parce que le problème culturel, déjà, par rapport à la loi, allait créer un problème. Maintenant, quand cette promesse-là vient, c'est la manifestation de la promesse, c'est-à-dire que quand la promesse finit de venir, quand ça vient sur toi, en tant que Juif, et sur lui. Pardon, il faut quoi? Il faut l'appeler. Je voulais appeler mon époux, mais mon téléphone a eu des problèmes. Vous avez le numéro en tête quand même? Non, non, c'est sa réception qui a des problèmes. Ok. Pour faire un message? Elle ne peut même pas parce qu'il y a des difficultés avec son téléphone. Il n'y a personne à la maison que vous pouvez joindre pour... Non, pour le premier, pour le premier que vous dites là, tout à l'heure. Oui, c'est ça. Bon, il faut qu'on avance pour... Donc, je te le dis ici. Si on a convenu que la promesse, c'est le Saint-Esprit. En mettant de côté le fait que dans le contexte de Actes chapitre 2, c'est difficilement soutenable que c'était aux gentils qu'on parlait. Mais il n'en demeure pas moins que dans le plan de Dieu, le Saint-Esprit devait aller absolument sur les gentils. Voilà. Absolument. Ok, donc, si ce Saint-Esprit vient sur les gentils et sur les juifs, dans ce jour, chapitre 2 dit, sur mes serviteurs, sur mes servants, en ce jour-là, je vais semer l'esprit et ils prophétiseront. Et nous avons convenu que le contexte de la manifestation de l'esprit, c'est dans l'église. Il dit, nous avons été tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec. Donc, alors, si c'est comme ça, et que nous admettons qu'il y a l'Esprit Saint sur le non-juif et sur le juif, on dit, quand ça va venir, en citant seulement Joël, il dit qu'il y en a plusieurs encore. En citant seulement Joël et chapitre 2, il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, vos vieux auront des révélations. Donc, le Saint-Esprit vient. Ça se pose donc que si dans la période où cet esprit-là est là, l'esprit doit faire cela. Si donc la Bible vient, et que vous dites que malgré que la Bible est là, que le Saint-Esprit vient maintenant, le Saint-Esprit tait la révélation. Tu comprends, vous comprenez bien ce que j'en ai dit. Voilà où tu vas. Non, j'en ai dit que, juste ici, voici la Bible. Les gens réchauffent le Saint-Esprit aujourd'hui encore, malgré qu'il y ait la Bible. Nous sommes d'accord? Ou bien? D'accord. Ok, nous sommes ok. Il faut qu'il me soit, il voit s'il me fait bien comprendre. Donc voici la Bible, malgré que c'est là aujourd'hui. En fait, vous et moi, on a retrouvé cette Bible-ci. Et on dit que ceux qui sont dans un seul corps ont été baptisés dans un seul esprit. Et on dit que quand cet esprit-là vient, il apportera des révélations, des songes et des visions. Et vous dites aujourd'hui qu'on ne peut qu'avoir les visions parce qu'il y a les Saintes Écritures. Je peux te poser une question. Oui. Ce que Joël dit, n'est-ce pas? Oui. C'est une règle établie ou bien c'est un signe qu'il annonce à Israël? Non. On a quitté, on a dit clairement qu'on ne parle pas d'Israël. Non. On va parler de l'église, n'est-ce pas? On parle de l'église. Mais oui. Parce que le contexte de Joël, moi je pense que. Non, je ne veux pas parler qu'on n'annonce pas dans Joël. Trouvons-nous dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Qu'il est en train de dire ça, oui. Le contexte de Joël. Oui. Et on réplique ça dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Oui. Parce que ce que Joël dit, c'est un signe devant Israël. Donc, un signe. Attends, ça nous dit seulement les Israéliens, ceux qui devaient avoir les songes et les visions. Ça va être, n'est-ce pas? Oui. En cette période-là. Oui. La présence des gens qui ont des songes et des visions. Quelle période? Les périodes de l'église? L'église primitive. L'église primitive naît au milieu du peuple juif. Oui. S'étend au milieu du peuple juif. Oui. Ça veut dire, c'était des signes indicateurs à la nation d'Israël. À la nation d'Israël. Que voici quelque chose qui arrive au milieu de nous. Donc tu veux me dire, si quelque chose se passe à Chekone, Kone, à Césarée, c'est à 100 km de Jopé, 100 km de Césarée. Tu veux me dire que ça va faire quoi à la nation juive quand Kone a eu sa vision? Mais ça a été un fort témoignage fort au milieu de la nation juive. Oui. C'est un témoignage très fort. Pour le sein de la nation juive. Donc le Saint-Esprit venait donner les songes uniquement parce qu'Israël n'avait jamais eu de songes ni des écritures avant. Hein? Il dit ici, Israël a toujours eu des songes. La majorité des prophéties. Non, je dis, n'est-ce pas? Oui. Quand c'est répandu, oui. Tu vois, à une très grande proportion, oui. Israël n'a pas vécu dans cette proportion. Suis attentif. Je sais pas ce que je viens de lui dire. Ils ont la loi. Ils ont la Torah. Et la majorité des choses qu'ils ont dans les prophètes sont donnés par des visions des songes. Donc il les connaît déjà. Non, mais Dieu dit. Le problème n'est pas de connaître. Ils ont connu les miracles, n'est-ce pas? Oui. Mais les miracles ont aussi été devenus comme des signes. Non, je t'en ai dit que, sur mon frère Amen, il dit que dans le contexte de Actes chapitre 2, quand l'apôtre Pierre est d'un côté que la promesse vient, il avait dit, sur mes serviteurs, je mérite mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Autrement dit, n'est-ce pas? Oui. Si Israël se rend compte qu'il n'est pas en train de prophétiser, oui. qu'il n'est pas en train d'avoir les visions et que les autres ont cela. Oui. Ça veut dire que Dieu est en train de circonscrire ses serviteurs. Alors, donc, attends. Autrement dit, n'est-ce pas? Oui. Ces éléments étaient des signes indicateurs. Pour l'église naissante. Indicateur à Israël concernant l'église naissante. Non, pourquoi? Non, donc, la collaboration a été déjà complètement transférée. Non, dans ce cas, il ne soutient pas les écritures en disant que ceci, c'est pour l'église naissante. Parce qu'il a dit à vos fils et à vos filles. Oui. Oui. Où ça? Attends, dans la poursuite de Joël. Non, il s'adresse à vos filles. Non. Il s'adresse à Israël. Joël s'adresse à Israël. À Israël. Donc, ça veut dire que. Non, frère, suis attentivement. Donc, d'après ce que tu avais dit, quand le Saint-Esprit vient sur Israël, ça va donner la vision et les prophéties sur Israël. Parce que ce sont eux qui sont. Non, à vos fils, à vos filles et sur mes serviteurs. Tu vois, ça étant pour dire. À qui la prophétie est adressée? Les prophéties d'abord sont adressées à Israël d'abord. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire, lorsqu'on va interpréter, il faut qu'on tienne compte parfois. Oui. Dans ce, quand c'est un signe, non, il va te le donner. Écoutons-moi. Oui. Je voudrais qu'on revienne sur la prophétie de Joël. Oui. Et maintenant, on peut comprendre, quand on revient sur la prophétie de Joël, oui. On peut mieux comprendre l'application, que le genre d'application que Pierre fait pour l'Église. Parce que si on comprend mal le cadre de la prophétie de Joël à son temps, on va mal comprendre également au niveau l'application au niveau de l'Église. Oui. Et de l'Église. Oui. Allons-y. Regarde un peu ce qu'il dit. Il a cité, au chapitre 2, verset 28. Je vais d'abord donner le contexte. Oui. Et au chapitre 1, à partir du verset 25, il est dit ceci. Je vous remplacerai les années comme dévorer les sauterelles. Oui. Le dialecte, le Asile et le Gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel, au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça, c'est le contexte. Maintenant, écoutons ce qu'il dit. Oui. Quand il dit ces choses. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront les songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître les prodiges dans les cieux, sur la terre. Du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, dans ce jour grand et terrible. Non, ce jour grand et terrible. Il dit, de ce jour grand et terrible, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion, et à Jérusalem. Comme dit l'Éternel, et parmi les rescapés que l'Éternel appellera. Car, en chapitre 3, car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda à Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elle. Et au sujet de mon peuple d'Israël, qu'ils ont divisé mon héritage. Je voudrais que, quand on comprend très bien, nous comprenons à quelle période cette prophétie est en train de viser particulièrement. Parce que la période où le Fils a été rejeté et où Israël, quand Israël a rejeté le Fils, Dieu a mis Israël de côté. Ça ne peut pas être la période où il dit dans le verset 27 que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ça veut dire que ce peuple est véritablement dans la restauration. Et c'est après ces choses-là, c'est en ces temps-là que Dieu déverse son esprit sur. Quand il regarde et quand il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, on voit l'ensemble. L'ensemble. Et dans la description, il dit, vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront le songe, vos jeunes gens des visions, et même les serviteurs, même sur les serviteurs et sur les servants, les servantes. En ce jour-là, je répandrai de mon esprit. On voit clairement que il s'agit de tout le monde qui est de son peuple. Que ce soit les esclaves, que ce soit des vieillards, que ce soit des filles, tout le monde. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Et il parle de s'ils ont des visions, ça veut dire qu'ils prophétiseront. Je voudrais que tu embrayes. Oui. Voilà. Rapidement pour indiquer. Avec Acte chapitre 2. Pour indiquer qu'en Acte chapitre 2, les gens qui étaient réunis là étaient des juifs, étaient des hommes qui n'avaient même rien à voir avec le sacerdoce. Et donc l'esprit descend sur ces individus, et c'est la raison pour laquelle il applique ça à cette situation en particulier. Parce que les gens qui sont en train de prier, je suis en train de vraiment, je vais continuer. Les gens qui sont en train de prier en Acte 2, Le texte dit qu'ils sont combien, 120. Il y a les femmes dedans. Il y a les hommes dedans. Oui. Vous voyez, il y a les gens âgés à l'intérieur. Il y a des... Ainsi de suite. Et donc, ces gens-là, c'est eux qui sont taxés d'être ivres. Et ces ventes de serviteurs, je crois, c'est un type de parallélisme. Oui. Avec quoi? Oui. Donc, parallélisme avec quoi? Non, c'est les jeunes gens, je vieillis tout ça là. Oui. Moi, je crois que. En fait, en clair, n'est-ce pas? On va parler de progressif éventuellement parce qu'il fait une catégorisation. Oui. Frère, je reviens. Tu as lu au chapitre 1, chapitre 2 dans le nombre 100. Je vais y revenir parce que je vais prendre encore une fois de plus. Chaque fois que le pasteur passe, ça me pose problème. Il vient de citer maintenant en disant qu'il y a eu telle personne dedans, telle personne dedans. Il dit, c'est pour cela qu'il applique cela à Joël. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit tout à l'heure là que la façon dont il parle, non, attends, franchement, il faut qu'il parle ici là. Oui. Parce que c'est comme si, une fois de plus, c'est comme si l'apôtre Pierre a constaté qu'il y a les femmes ici, les enfants ici, et maintenant, il a choisi le verset parce que il dit que c'est pour cela que l'apôtre Pierre applique ça de ceci. Tu vois, c'est pas seulement ça. Non, il dit, il faut qu'il parle. Je vais te répondre. Parce qu'il parle de justice, son mot, il dit que c'est pour cela qu'il applique cela. Oui. Donc, on dit que c'est constatant les gens qui étaient dans la salle. Non. C'est ton interprétation de mes mots. Oui. Non. Tout à l'heure, il t'a fait le reproche que tu t'agrippes sur les mots sans comprendre l'esprit dont on est en train de parler. Oui. C'est typique de ta façon de faire, tu vois. Tout à l'heure, j'ai appelé ça à être brillant, mais ce n'est pas si brillant que ça. Tu vois, là, maintenant, seulement, tu me flattes, finalement. Tu vois. Non, je ne te flatte pas. Je remets les choses dans leur contexte. Ce n'est pas si brillant que ça de rester grippé sur les mots sans comprendre l'intention. Non. Parce que, voyez-vous... J'ai cité la femme qui dit que ça me pose problème. Non, voyez-vous. Voyez-vous. Je dis ceci. Quand on parle du contexte, c'est le contexte qui justifie en général l'opportunité, quand nous comprenons. Vous voyez, quand il cite ce texte, vous vous demandez pourquoi il cite ce texte. Quand vous l'interprétez, n'est-ce pas? Non, mais je ne pose pas cette question. Non. En général. Non, moi, je ne pose pas cette question. Oui. Bon, en général, c'est ce qu'il faut faire. Parce que quand l'apôtre, quand quelqu'un cite dans l'Ancien Testament, en parlant, pourquoi il invoque ce verset dans son discours? Ma première réaction. C'est la question qu'on devrait se poser pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Oui. Vous voyez, ce qu'il est en train de faire, son idée suit quel processus? Vous voyez, je ne suis pas, il ne faut pas mettre dans la Bible ce qu'il n'est pas dans la Bible. Vous voyez, il faut comprendre ce qu'il est en train de dire. Oui. Comment il agence les mots. Oui. Comment il cite, il met ses citations. Oui. Vous voyez, nous sommes d'accord qu'en le faisant, c'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire. Oui. Moi, je suis en train de lire qui là? Oui. Je lis Pierre. Tu lis Pierre, Vous voyez, et quand je sais qu'en bac, le Saint-Esprit travaille. Mais regardez comment Pierre agence. Comment il fait? Comment il monte les choses? Pourquoi il dit ça ici? Autrement dit, pourquoi le Saint-Esprit voulait dire ça ici? Vous comprenez? Là, ce Saint-Esprit, c'est différent. C'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Si. Parce qu'en réalité, quand tu parles, comme tu dis, regarde, j'ai cité, tu as dit, c'est pour cela qu'il applique cela à Joël. C'est comme si l'apôtre Pierre a réfléchi, il l'a vu. Donc, nous comprenons que c'est le Saint-Esprit qui place l'écriture dans son contexte. Raisonnant que tu dis que c'est comme si, je te répète, je suis devant toi, que ce n'est pas ce que je dis. Oui. Donc, en fait, ce n'est pas ce que tu voulais dire. Ce n'est pas ce que je dis même. Je maintiens mes mots. Oui. Mais ce n'est pas ce que je dis. Ok. Donc, vous voyez? Mais si quelqu'un nous entend et que je n'ai pas dit cela, il va dire que tu as envie de dire que l'apôtre Pierre a... Il y a un exemple que je prends souvent dans certains enseignements. Je dis que si toi et moi, on arrive ici, tu habites ici, n'est-ce pas? Oui. Moi, je continue. Lui ne nous connaît pas. Et tu me dis, ouais, frère, laisse-moi aller voir la femme là. Lui, il passe, il entend ça. Il sait que tu es pasteur ici, par exemple. N'est-ce pas? Il va dire au quartier que tu as dit que tu partais voir une femme alors que tu es marié. Il utilise tes mots pour moi. Oui. Vous comprenez? C'est lui qui interprète mal tes propos. Il nous connaît où? Tu vois, tu vois la nécessité que je ne m'agrippe pas sur les mots. La question est que il y a toujours un effort à faire pour comprendre ce que l'autre veut dire. D'où ma façon de faire. Je n'interprète pas ce que quelqu'un dit. Je te remets ta parole pour que tu dises clairement ce que tu voulais dire. Parce qu'en réalité... C'est pour ça que je ne fais qu'insister ici depuis que je maintiens mes mots et ce que je dis. Vous comprenez? Je suis devant toi. C'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Je dis donc que, en disant des choses comme ça, je ne dis pas que Pierre est sous le coup d'une constatation. Voilà. Je suis en train de dire que dans la pensée de l'apôtre Pierre, voilà comment il dit les choses et ça peut s'expliquer comme ceci. Et nous comprenons qu'en fait, opportunément, le Saint-Esprit place ses paroles à cet endroit. Oui. Parce que nous sommes en face d'une population qui n'a à peu rien à voir le sacerdoce. Oui. Il y a même des femmes dedans, dans la texture de cette affaire-là. Et donc, mais pourtant, dans ces gens, dans Joël chapitre 2, là, il n'y a rien qui fait état des sacerdoces. Dans ces prophètes-là, on ne maintient ni la sacrificature de Aaron et quoi que ce soit. Rien n'est dit que c'est présagé, que ça parlait de la sacrificature ou quoi que ce soit. C'est même prophétie qui en est. Non, là, tu digresses. Non, je dis que. Là, tu digresses. Non, parce qu'on a parlé tout à l'heure du contexte de Joël au début. Oui. Non, celui qui est revenu là-dessus encore. Oui, en disant que chez les juifs, on était d'accord là-dessus. Oui. Qu'avant, l'esprit ne venait pas sur tout le monde. Oui. C'est là qu'il y a événement. Oui. Parce qu'en citant cette affaire-là, c'est un événement pour ces juifs-là. Oui. Et on regarde que dans Actes chapitre 2, on a des gens là-dedans qui n'étaient pas censés recevoir ordinairement le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a la promesse pas faite pour le sacerdoce, parce que pour avoir l'esprit, il y avait des mécanismes dans l'Ancien Testament pour que ça puisse aller. Justement, ça venait pour une mission particulière et ça repartait. Oui. Et là, comme ils sont rassemblés là, par exemple, vous voyez, ils sont là pourquoi? C'est un peuple, ils sont tous juifs. Oui. Et là, ils vont recevoir ce qu'ils ne savaient même pas avant. Mmh. Vous voyez? Non, mais ici, dans le contexte de chapitre 2, ils ont, dans le chapitre 1-4, il leur a dit, Jésus leur a dit d'aller attendre la promesse. Donc, ils attendaient. Et donc, ceux-là étaient conscients de ce qu'ils attendent quelque chose. On veut inscrire le contexte. Oui. Non, là, on a quitté là-bas. Il veut qu'on touche le peuple juif. Ça te dit, n'est-ce pas? Oui. On est en train d'inscrire le contexte au milieu du peuple juif. Oui. Dans le contexte des juifs, oui. L'esprit ne venait pas sur n'importe qui. Oui. Ça, c'est clair. Et l'esprit ne venait pas de façon ordinaire. Oui. Ça, c'est sous la loi. Prophète. Non, je dis, sous la loi, n'est-ce pas? Oui. Prenons dans le contexte comme ça. Oui. Et le contexte avec des apôtres est toujours au milieu d'un contexte juif. Oui. Ça ne change pas de contexte. Non, ça ne peut pas être autrement parce que ça vient de là, frère. Je n'est-ce pas? Oui. Le regard que le juif va porter, oui. Ce n'est pas le regard que le disciple qui attend cela va porter. C'est cela. Attends, frère, regarde. Le juif qui est dehors là, oui. Lorsqu'il regarde, il dit, mais si les gens sont de faire ce sont des sous-là, oui. À cette heure de la journée, oui. Ils se comportent comme ça. Oui. La pour les interprètes, oui. Eux qui connaissent la loi, oui. Que c'est ici, c'est qu'avait dit le prophète. Oui. C'est-à-dire, voici un signe au milieu de vous, oui. Remarquez ce signe. Oui. Donc, ça va, on demande de dire que dans le contexte, les juifs, normalement, ils devraient être surpris, oui. Parce que comment se fait-il que des gens ordinaires, oui. Et de concert, oui. Reçoivent l'esprit. Non, attends, là, je ne pense pas qu'on en ait fait fausse route. Parce qu'en réalité, Dieu l'a fait, le Saint-Esprit est descendu. N'est-ce pas? Nous jouons dans Joël 2 où il y a une promesse qui est donnée. Les gens qui sont en Jérusalem, qui sont venus pour la festivité de la fête, se trouvent là. D'autres personnes se moquaient. On n'a pas dit que c'est tout le monde qui se moque. Mais Dieu a promis quelque chose. Quand l'apôtre Pierre restitue la chose en disant que c'est ce qui s'accomplit, ce qu'a dit le prophète Joël, est-ce qu'il a dû le dire parce que ceux-ci ont constaté tout simplement cela ou bien c'est le but de Dieu de pouvoir étendre? Parce que, en effet, n'est-ce pas? Il les interpelle. Oui. A-t-il attention? À ne pas regarder la chose autrement. Oui. Mais de construire la chose au sens de la prophétie de Joël. Oui. Ok, maintenant, la prophétie étant constatée. On va prier dans l'idée de faire fortement. C'est que la parole. Vous voulez qu'il continue à faire. Oui. J'ai quelque chose. Oui. Qu'on essaye de voir. Oui. Quand on regarde Joël 2. Oui. Il ne veut pas voir en Israël, en cette période, un seul juif, un seul Israélite qui n'aura pas le Saint-Esprit. Le contexte de Joël dit que, en cette période, toute la nation juive, toute personne de cette nation, recevra ce Saint-Esprit. Attends, quelle période? La période, en fait, c'est la deuxième venue du Seigneur. Attends. Il dit la restauration d'Israël. Oui. La restauration d'Israël. Non, attends, il faut poser bien les questions. Oui. L'apôtre Pierre a mal placé le verset dans son contexte. Écoute-moi maintenant, tu vas me comprendre. Oui. Tu n'es pas. C'est pourquoi il faut bien comprendre ceci pour voir ce que l'apôtre Pierre est en train d'appliquer là. Oui. Parce que si tu as bien compris ceci, là tu comprendras l'idée de l'apôtre Pierre dans cet autre contexte. Oui. L'idée de Joël, c'est que toute la nation juive, dans cette période de restauration, va recevoir le Saint-Esprit. Il n'y aura même pas un seul qui va manquer ça. Tous. Il n'y aura même pas un seul. Et ce n'est pas... Et quand l'apôtre... Maintenant, revenons maintenant, quand on a déjà saisi cette image, on revient maintenant sur l'acte. Quand Pierre veut maintenant matérialiser cette prophétie. Il a en face de lui qui? Les juifs. Les juifs qui disent que ces gens. En convenant que tout le monde n'a pas dit cela. Enfin, c'est un juif, oui, c'est un juif qui sont en train de dire que ces gens sont ivres. Ivre, oui. Et donc, eux, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ça veut dire que, est-ce que cette prophétie de Joël est en train de s'accomplir sur la nation juive? Non. Ce n'est pas en train de s'accomplir sur la nation juive. Oui. Parce qu'il y a encore des juifs sur la terre qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Oui. Et en ce moment, ça veut dire que la visée de cette prophétie ne vise pas cet événement en particulier. Dans le contexte de chapitre 2, ou bien non, je suis en train de dire que. On est dans acte 2. La prophétie de Joël ne vise pas réellement dans son accomplissement total l'événement qui est arrivé. Donc, pour être clair. Non, pour préciser sa pensée. Oui. Voilà ce qu'elle dit. Le champ de la prophétie, c'est Israël entier. C'est la totalité d'Israël. Oui, oui. Dans le parc des apôtres, puisqu'il y a des personnes qui ne comprennent pas, elles disent qu'ils sont ivres, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, ils ont bénéficié de cette prophétie. Oui. Quand la citation de l'apôtre Pierre appliquée à ce contexte ne vise donc pas toute la nation, il explique à ces gens un phénomène qui se passe. C'est ce qu'il est en train de faire. On voit très bien que la prophétie ici de Joël dépasse le cadre de ce qui s'est passé à Jérusalem. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ok. Alors, je pose une question. Sur ce, je pose une question. Est-ce que dans Joël, Dieu a dit que ça en un il dit dans Joël, parce qu'il connaît les prophéties qui parlent par rapport à cette restauration-là. Est-ce que dans Joël, de façon spécifique, il a dit qu'il va faire l'esprit au même moment, pour que tous les juifs restent au même moment? Justement. Tu dois poser la question, je dois comprendre ce qu'il a dit. Non, non, j'ai compris parce qu'en fait, il veut prendre une autre écriture qui parle de ce même Saint-Esprit-là, regroupé à Jérusalem. Parce qu'il y a un problème. Si tu as compris ce qu'il a dit, cette question n'a pas de. Non, non, ça, maintenant, non, je vais poser la question. Maintenant, continue dans ta question. Non, voici le problème. En réalité. Non, laissez-moi développer la question. Parce que, d'après ce que j'avais dit, l'apôtre Pierre a expliqué un contexte des joueurs de la manifestation de l'Esprit, mais pas pleinement la prophétie des joueurs qui s'accomplissait là-bas. C'est le résumé de ce que tu en avais dit. Alors, je pose la question, est-ce que la prophétie de Joël prévoit que nous sommes, par exemple, je ne sais pas quel jour, lundi. Lundi, c'est toutes les nations, toutes les membres de la nation juive vont recevoir le même esprit, ou bien c'est échelonné de tel ancien qu'au fur et à mesure, ils vont le recevoir périodiquement. Je ne sais pas si vous comprenez quand la question. Justement, parce cette question, elle t'est propre. Tu comprends? Ça s'appelle de la maïeutique malhonnête. Je vais te dire quelque chose. Excuse-moi de parler comme ça. Tu vois? Parce que le gars. Quand tu donnes la question de cette manière, toi seul tu as la réponse à cette question, parce qu'en réalité, tous les éléments contextuels montrent que, à partir de la prophétie qu'il a lue là, ça n'a pas été dit clairement que ça va accomplir en un moment ou en deux moments. Mais ce qui est intéressant, c'est un constat qu'on vient de faire de tous. C'est que Joël annonce sur toute la nation. Dans acte 2, on voit que certains des juifs ne sont pas partis de cette histoire. Question. Oui, c'est un constat. À partir de là. Encore que je vais revenir sur le prêtre, le fait que vous allez dire dans ce contexte, ça parle de tout le nation. Je vais revenir sur ça et montrer là où on parle de Dieu par la restauration. À partir de là, on se rend effectivement compte que l'application de cette prophétie se fait partiellement ici. Et se fera certainement complètement plus tard. Tout simplement. C'est ce qu'on se rend compte. C'est un constat, Donc, ça veut dire que. Dans le plan de Dieu, d'après Joël, il y a une portion partielle et plus tard, ça va venir totalement. Parce que c'est la même prophétie que l'apôtre Pierre a citée. Donc, on s'attend à ce que ces Joël-ci puissent accomplir plus tard à la restauration d'Israël. Ce débat, débat que tu offres là, oui. cette réflexion, elle est théologique. Non. Le constat qu'on fait là maintenant, le constat qui est biblique, l'observation pratique, Joël 2 dit que ça couvre tout Israël. Tout Israël. En acte 2, oui. L'apôtre Pierre, dans sa prédication, l'applique à un groupe d'individus qui n'est pas tout Israël. Et là, je pose encore la question, et c'est pour ça que je pose la question, tu me dis que je suis malhonnête. Ah, non. J'ai dit que la question que tu as posée. Oui. Parce que, étant, tu veux, frère Junior. Parce que l'apôtre Pierre a pris ce qui s'est passé. Frère Junior, nous sommes des adultes, nous avons une certaine maturité. Tu comprends? Donc, quand tu poses des questions, il ne faut pas nous infantiliser. Tu comprends? On n'est pas à l'école maternelle. Oui. Écoute bien. Quand tu veux poser. Parce qu'une question signifie quoi? je pose une question pour savoir ce que vous pensez afin de vous dire ce que j'ai. Non. Ou alors, il faut redéployer les éléments du débat. Oui. Et la méthode du débat. Tout à l'heure, je n'ai fait que suivre ton protocole. Oui. Tu comprends? Oui. Et là, tu es pris à ton propre piège dans ton. Non, non, non, je ne suis pas pris par le piège. J'ai dit ceci. Laisse-moi finir. Non, on est en train de l'aller sur un parcours. Laisse-moi finir. Oui. Je reprends l'affaire à mon compte maintenant. Oui. Pour dire, il faut reprendre les éléments du protocole. Oui. Parce que, regarde comment tu procèdes. Tu poses une question, on apporte des éléments, tu reposes une autre question, on apporte des éléments, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas où on va arriver. Oui. En réalité, les règles du débat, oui. C'est que je ne te connais pas. Oui. Mais s'il y a une autre réunion, nous discuterons des règles du débat avant de commencer. Oui. Tu comprends? Mm-hmm. Parce que normalement, on dit, voici ma position sur tel sujet. Oui. Voici mes arguments. Oui. Je dis, j'ai une position contraire, voici mes arguments. Mm-hmm. Sur quel argument devons-nous discuter? Ceci, ceci, ceci, ceci. Quand on a fini, on prend le débat. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Oui, vous savez que, tu ne me poses pas les questions. Non, non, non. On a fini. Parce que là, je pense que ça va arriver. Parce que il y a eu une question en suspens ici. Je voulais juste mettre une parenthèse, finir un point pour qu'il réponde sur la question. Non, non, c'est encore vous qui allez là-bas. C'est vous qui allez là-bas. Et quand vous allez là-bas, ça encore juste des questions. Je dis que moi. Parce qu'en réalité. Je suis juste intervenu. Oui. Pour indiquer que l'interprétation de l'expression. Oui. Pour vous et vos enfants, et pour. Ce n'est qu'un homme que le Seigneur les appellera. Voilà. Pour indiquer que les éléments à l'actif de cette. Je veux dire, les éléments attribuant cette affaire aux gentils, oui. Sont minces. Oui. Attribuant cela aux juges. Je pense que j'avais fini le débat à ce moment-là. Voilà. Et là, je voudrais souhaiter qu'on revienne sur la question que tu as posée. Non, c'est lui qui est allé là-bas encore dans le jouet. Bon. Mais là, il dit donc que quand vous prenez encore. C'est parce que ça complique encore la chose. C'est vous qui, en suscitant cela, ça me pose encore un problème avec ce que tu viens de citer. Parce que vous dites que l'apôtre Pierre, on voit que dans Joël, d'une part, ça se trouve sur, ça s'étend sur toute la nation. De l'autre part, l'apôtre Pierre dit ici que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont sur loin. Tu refuses du fait que l'argument que ça concerne les nations est mince. Donc ça concerne les juifs. Ça suppose donc que l'apôtre Pierre a bien cité dans le contexte, et c'est ça qui a commencé. Puisqu'il a d'abord posé en toile de fond que est-ce que c'était parce que Dieu avait échelonné cela sur une période, ou bien c'est en un jour que tout le monde a été converti. Et tu me dis donc que non, c'est être théologique ou baronnique. Oui, non, parce que c'est non, la même chose. La Bible a étendu sur les juifs. Il a dit aussi loin. Donc ça dit sur les juifs là. Mais quand j'ai parlé de la maïotique malhonnête, je disais en fait que le mot que je voulais, si tu veux, je retire ce mot. Je voulais en fait dire que tu enfermes la conversation vis-à-vis de chez toi. Et tu nous infantilises. Tu comprends? Parce qu'en réalité, quand on pose des questions, on a un point fini. À chaque fois, on pose des questions, ça veut dire qu'on ne soutient aucun point, en fait. Vous voyez? On cherche à mettre des gens dans un entonnoir et les refermer à l'intérieur, mais ils ne vont pas en sortir. C'est une technique astucieuse. En fait, non, c'est pas la situation. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème. On ne se connaît pas. C'est que quand vous posez quelque chose, comme par exemple, c'est quand il a parlé que je suis allé dans Apocalypse 11 pour pouvoir présenter deux prophètes. Parce qu'il en fait, il s'en est dit que, avec cet élément, c'est qu'est-ce que vous en dites? C'est naturel que je puisse faire ainsi. Parce que si tu dis, après Jésus, il n'y a plus de prophètes, il ne doit plus avoir de prophètes, la relation est complète, je prends un verset qui dit le contraire, pour essayer de voir comment tu vas animer cela. C'est ça dans ton système d'argumentation. Oui. Tu vois? C'est comme ça. En présence, tu commences à avoir mon idée claire. Non, tu ne donnes pas ton idée claire. Oui. Parce que jusqu'ici, je sais pas ce que tu soutiens. Non. Je vais repartir dans 10 ou 15 minutes sans savoir. Ici, ce qui nous pose problème, c'est l'effectivité de la façon de communiquer encore. Parce qu'il y a une question les apôtres et les prophètes, c'est là où nous étions. Que est-ce qu'au à la période de l'église, alors que l'écriture est donnée, les prophètes et les apôtres ont leur place. Vous avez balayé cela d'arriver la main. Et la période de l'église. Dans la période de l'église, c'est-à-dire, est-ce qu'on a aujourd'hui. On a besoin des prophètes encore. Il dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire quand l'église. Dans l'église contemporaine. Non. Dans l'église contemporaine. Pas seulement contemporaine, parce que quand les canons de l'écriture sont déjà fixés, depuis que c'est déjà fixé, disons comme ça, parce que c'est pas. Après nous, il y aura. Tant que le Seigneur justice. Laisse-moi le poser, parce qu'il faut qu'on clôt le débat. Peut-être qu'on peut revenir autrefois. Ou bien on peut se retrouver quelque part d'autre, parce que je suis vraiment, comme je suis loin là, on peut se retrouver là où vous voulez. Bon. Il me semble. Oui. Que si on fait l'amalgame. Entre la notion d'apôtre et de prophète, on va se tromper sur la question, à mon sens. La notion d'apôtre peut être distinguée en apôtre en tant qu'individu et en tant que ministère. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, il est clairement donné que notre foi est établie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous voyez que dans ce verset, les mots qui sont utilisés font référence à une construction. Si on justifie l'existence actuelle, physique des apôtres, il faut associer Christ dedans. Associer, c'est-à-dire associer comment? Qu'il est aussi là, physique, il est aussi là. Puisque le texte les lit. Le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus qui étant la pierre angulaire. Donc, quand l'apôtre Paul l'a cité à chapitre 2, c'est Ephésiens 2, 20 là, est-ce que Christ est là physiquement? La question est justement là. La question est justement là. Vous comprenez? Est-ce que l'apôtre, il est apôtre alors que Christ n'était pas physique? Mais justement, justement, c'est là qu'il faut aller dans le fond pour interpréter très clairement ce qu'il veut dire. Vous comprenez? C'est pour parce nous que, aujourd'hui. Parce que si tu veux raisonner de cette manière, le temps du verbe au passé, pourtant, il est là. Oui. Nous sommes d'accord? Absolument. C'est un contresens alors. Non, c'est pas une contre-sens. La question, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut comprendre la chose autrement qu'en faisant ce jeu de mots. Non, c'est pas le jeu de mots. L'apôtre Paul dit, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres. Oui. Pose les choses clairement. Y a-t-il des prophètes aujourd'hui? Non, ça c'est clair. Je suis dans Éphésiens 2.20 que j'ai donné comme élément d'argument. Oui. Éphésiens 2.20 dit ce que tu sais. Si il faut dire que les apôtres et les prophètes existent physiquement aujourd'hui, il faut y associer le Seigneur Jésus qui est dans le dispositif cité par l'apôtre Paul, Jésus est compris. Oui. On ne peut pas l'exclure du dispositif. Tu raisonnes en disant que, comme Paul le dit, est-ce que c'est là physiquement? Je contredis en disant effectivement qu'il le dit à quel temps? Il le dit alors que Christ n'est pas sur la scène. Lui-même, il est au passé. Voilà. Vous avez été, il est là. Oui. Il est apôtre, comprenez-vous? Oui. Est-ce qu'il est passé? Il n'est pas passé. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu veux amener les choses dans ce sens-là, on est mais tu vas montrer c'est là, toi tu passes le mot maintenant, tu y arrives là maintenant. Non, je saisis simplement ce que tu as fait comme tu rebondis, parce que ça ne tient pas, parce qu'en fait on va jouer assez, on ne va pas s'en sortir. Vous voyez, dans ce dispositif-là, tu vois, ce sont des choses comme ça qui détruisent la foi des gens. Vous voyez, parce qu'en fait, quelqu'un ne sait plus sur quoi se tenir. Ça ne construit pas quelqu'un. Je dis ceci. Oui. Quand il donne ce verset, puis les prophètes et les apôtres, Christ est la pierre angulaire. Si on veut justifier l'existence physique des apôtres en ce moment, il ne faut pas accepter Christ. Oui. Manifestement, Christ n'est pas là physiquement. Pas seulement les apôtres, les prophètes aussi. Oui, d'accord. Christ n'est pas là physiquement. Nous sommes d'accord. Oui. À partir de là, on déblaye le chemin, on peut faire une réflexion profonde sur le verset et comprendre ce qui se passe. Oui. Non, mais c'est vous qui avez cité le verset. Oui, bien sûr. Parce que même la question que j'ai posée, c'est que, parce qu'il voulait qu'il était, c'est lui qui était dans l'argumentation. Oui. J'ai cité que, est-ce qu'il y a les apôtres aujourd'hui? Vous avez dit non. Le prophète aujourd'hui, de la période de l'écriture, alors que l'écriture est donnée. J'ai passé la main à ce que vous demandiez. Quand tu m'interromps, tu ne sais même plus où je vais. Non, ils ont dit que c'est lui qui était sur le point de répondre à cela. J'ai pris la parole parce qu'il faut qu'on parte. Okay. Et j'ai dit qu'on pourrait se revoir une autre fois. Et tu as dit que là où ça nous convient. Okay. C'est là que nous sommes. Okay. Et donc, conséquemment, je dis donc, si les deux notions, l'être humain, c'est-à-dire que le ministère charismatique de l'individu, et le ministère de l'individu alors qu'il n'est pas physiquement présent. C'est deux choses différentes. Quand on amalgame les choses, ça perturbe le raisonnement. C'est pourquoi j'ai cité Éphésiens 2, verset 20, pour dire en fait ceci. Il est possible d'avoir un ministère apostolique sans les apôtres, en tant qu'être humain. Il est possible d'avoir un ministère prophétique sans les prophètes physiquement. Ça, c'est aujourd'hui, là. Bien sûr. Comme il est possible d'avoir la présence de Jésus-Christ sans qu'il ne soit présent physiquement. Est-ce qu'il est possible d'avoir le ministère physique des apôtres sans présence de Jésus-Christ physiquement? Justement, mon raisonnement te permet de comprendre que c'est non. Vous voyez? C'est non pourquoi? Je ne le sais pas avancer là, tu vas comprendre. C'est non pourquoi? Parce que les conditions de l'apostolat, particulièrement, ne peuvent pas être remplis par un être humain. Au moins, il y a un texte normatif sur la question, c'est acte. Il faut que, de tout ce qui nous faut accompagner, depuis le baptême de Jean, jusqu'à un nous soit associé comme témoin de sa résurrection. En 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul, déjà, étant présenté comme apôtre, est contesté à ce moment-là. Lui, parce qu'on estime qu'il n'a pas été, il donne les preuves de son apostolat. Et il se présente comme étant l'avorton. Celui qui est né hors terme. Voyez-vous. Dans la discussion, on va un peu plus loin. Si on tient sur les preuves de Actes chapitre 1, un homme aujourd'hui ne peut pas remplir ses conditions. Physiquement, ce n'est pas possible. Évite-moi de poser des questions, si je pose des questions, encore nous relancer. D'accord, d'accord. Évite-moi de poser des questions, laisse-moi avancer. Donc, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas possible de le faire. En conséquence, quand vous allez en Actes chapitre, Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle de l'Église dans sa globalité. Et maintenant, il va mentionner les cinq, en Actes 4, 11. Il va parler apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur, pour le perfectionnement des saints. C'est dans cette clause de la durée qu'on se dit, si ces gens doivent exister jusqu'à ce que l'Église soit parfaite, pourquoi peut-on dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres physiques et de prophètes physiques, alors qu'on a des pasteurs docteurs physiques? C'est quoi, j'ai parlé de l'exemple du ministère prophétique et apostolique sans leur présence, sans physique. Leur présence physique. Et pour par conséquent, on dit que leurs écrits sont derrière là. Voilà. En fait, c'est là, il sait que c'est devoir venir depuis. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Tout simplement, c'est-à-dire qu'à partir de là, quand on ouvre les Écritures, Matthieu, on ouvre Jean, et ainsi de suite. C'est le ministère apostolique et prophétique. Oui. À partir de là, maintenant, l'évangéliste docteur peut travailler. Est-ce qu'on peut donc avoir les règles aujourd'hui? C'est-à-dire que clairement, là, tout le part pratique. Un membre de l'assemblée dont vous faites partie, je vais vous dire que j'ai eu un son aujourd'hui, que telle personne va mourir, et en plein midi, là, la personne meurt telle qu'elle avait dans le son. C'est possible, ça, non? Ça reste, c'est possible. Oui. Ça reste une expérience. Oui. Et voyez-vous, ce que nous disons depuis le début, oui, c'est que, en tant que responsable spirituel, le champ de l'expérience est un champ mouvant. Il n'est pas certain et absolu. Il vaut mieux éviter de conduire les gens dans ce champ-là. Il ne fait aucun doute que les gens rêvent. Que les gens voient des choses qui s'accomplissent même. Ça ne fait aucun doute. Vous voyez? D'autres personnes ont des capacités. Si vous allez dans ce sens-là et commencez à valider ceci et valider cela, comment vous allez invalider une chose qui vient de Satan et qui s'accomplit, une chose qui vient de Dieu et qui s'accomplit? Vous allez invalider comment? Ça devient quelque chose de confus. À ce moment-là, ce n'est plus clair. Par conséquent, il faut enlever la main dans cette chose qui est doutée. Il ne faut pas enlever les mains fondamentalement. Il faut faire ce que Dieu demande. La mission d'avoir reçu, c'est d'aller, de faire de tous les disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de les enseigner. Pas de les soutenir les rêves, de les enseigner à observer ce qui est prescrit. Dans ce mécanisme-là, si les gens ont des rêves et des sons dans leur expérience, notre problème et votre problème, c'est de savoir est-ce que leur âme prospère ou non. Est-ce qu'ils sont spirituellement en bonne santé? Quel est l'état de leur âme? À partir du moment où ils sont fondés dans les Écritures, ils peuvent eux-mêmes examiner ce qu'ils ont reçu, ça vient de Dieu ou pas. Vous voyez? C'est cela, parce que ces choses peuvent aller dans la vie de quelqu'un, ça peut produire chez certains de l'orgueil. L'orgueil n'est pas un fruit du Saint-Esprit. À ce moment-là, c'est destructeur pour l'individu. Il commence à se retirer de ses frères, ou à se sentir supérieur à ses frères, c'est le péché. Normalement, s'il est bien dans les Écritures, il va rejeter cette expérience-là. En disant ça, ce n'est pas, c'est pas quelque chose que je peux admettre dans ma vie. Donc, c'est pourquoi je dis que, parlant des rêves tout à l'heure, les rêves furent, dans les Saintes Écritures, un canal spécial de révélation. Dieu a utilisé les rêves pour parler à son peuple, Joseph et tous ces gens-là qui ont rêvé. Les visions furent un canal spécial de révélation. Mais les canaux spéciaux de révélation trouvent leur point culminant et cessent d'être des canaux utilisés normalement lorsque le texte écrit est donné. En clair, comme il y a aujourd'hui, si quelqu'un rêve et dit n'importe quoi, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas forcément de Dieu. Vous comprenez? Il y a doute. Nous sommes en train de dire... Mais pourquoi donc, quand il n'y avait pas d'écriture, ils avaient des songes et les interprétations, puisqu'il n'y avait pas quoi que ce soit sur lequel se baser pour dire que ceci vient de Dieu, ceci vient de Satan. Parce que Satan, il était toujours, le diable était toujours. Je ne sais pas si vous comprenez la question. C'est-à-dire que au moins maintenant, j'ai une base sur laquelle quelqu'un me dit, je peux examiner en disant que c'est ce qu'il en a dit, il faut passer les écritures, disent telle chose. Très bien. Je tiens à dire ceci, il faut observer que dans, depuis l'Ancien Testament, de la Genèse à l'Apocalypse, observez comment Dieu procède. Toi, tu peux voir balayer rapidement. Il parle à quelqu'un, il lui dit, écris. Il y avait quelqu'un qui dit, écris. Systématiquement, vous voyez que Dieu attachait une importance particulière au texte écrit. Il déplaçait systématiquement l'autorité charismatique, l'autorité scripturaire. Et la volonté affirmée au fil des pages des Écritures, c'est qu'il attache du prix à l'autorité scripturaire. À moins de tenir à l'autorité scripturaire, on ne tient plus sur rien lorsqu'elle est achevée. Vous voyez, nous disons que si quelqu'un dit des choses venant de son expérience, des choses qu'il voit en dehors des Écritures, c'est douteux. Vous comprenez? Mais un peu quand même, il peut avoir quand même que c'est Dieu qui a dit quand même. Est-ce qu'il y a cette probabilité-là que ce qu'il a reçu vienne des dieux? Ce que tu cherches, je vais te dire. Non, il fait vraiment quelque chose à soi clair. Comment on soit clair pour tout? Ce que tu cherches, je vais te dire. On n'imprime pas la foi. On ne parle pas de cadre de doute. Est-ce que. Parce qu'il y a une probabilité. Est-ce qu'il y a une probabilité? Ce que tu cherches, je vais te dire. Oui, frère. Crache-le clairement. Les Hébreux nous enseignent qu'il y a des gens qui sont à notre service. Des anges. Qui sont des anges. Nous sommes dans ce que Paul appelle l'illumination. Parce que les ministères de la révélation et de l'inspiration sont achevés. Parce que c'est les deux ministères là qui ont donné le texte écrit. Aujourd'hui, avec le texte écrit, on a besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit pour comprendre ce qui est écrit. Là, maintenant, il pose une question. Il ne poserait plus de questions, n'est-ce pas, frère? 12, oui. Il vous promet qu'il ne poserait plus de questions, même s'il n'y a pas de quoi. Il vous pose une question. On a même fini. Oui. En tant que prédicateur, est-ce que aujourd'hui, le Saint-Esprit va vous parler de façon audible, vous? Vous ne prêchez pas au Saint-Esprit. Donnez des explications. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que prédicateur, le Saint-Esprit peut vous parler de façon audible, sans adresser sa voix, distinctement? Pas qu'il vous conduit dans la connaissance comme ça, vous avez des livres, vous conduit ici, pas ces manières. Est-ce qu'il peut vous dire, comme il a dit à l'apôtre Pierre, descend vers avec ces gens-là, il pose la question à lui, descend vers avec ces gens, c'est moi qui les ai envoyés. Ou bien, approche-toi. C'est Charles, oui. Il veut poser la question. Y a-t-il eu dans la Bible un cas en dehors de Moïse où Dieu parle de façon audible à quelqu'un par son oreille? Ce n'est pas de vision, pas de songe. Oui, c'est ce qu'il vient de citer, là, il vient de te dire quelque chose. Pierre? Oui. Pierre, ce n'est pas une vision que Dieu lui parle. Non, je commence encore. Je recommence encore. Il a eu la vision. Pendant qu'il réfléchissait, l'esprit dit, descend, va. Non, là, il est plongé dans la vision. Il ne reçoit pas, il est plongé dans la vision. Deuxième personne, l'eunuque éthiopien, l'esprit dit à Philippe, approche-toi de ces chars. L'esprit dit comment? À l'intérieur ou bien pas les oreilles? Non, quel qu'en soit le cas, il dit ceci. Il vient de dire qu'il entend une voix audible. Que ce soit à l'intérieur, suis attentif à ce que ça nous dit. Audible veut dire qu'on n'écoute pas l'oreille. Non, c'est pas ça de l'oreille, c'est pas ça que veut audible. C'est que nous sommes parlé, je vais répondre. Permets-moi d'expliquer à mon frère ici. Il a compris ça. D'Apocalypse, quand l'apôtre Jean a entendu, il dit que j'ai entendu une voix devant moi, une voix comme une forte trompette. Il n'a pas entendu avec ses oreilles ici. Donc il entend, il veut dire, nous parlons de l'écriture, là se coucher, c'est silencieux, mais ça parle. Ce n'est pas de cette façon de parler que j'en ai dit. Je parle là où vous m'entendez. Quand Dieu parle, comme il a parlé à tout le monde, est-ce que vous, en tant que prédicateur aujourd'hui, le Saint-Esprit peut vous parler ou bien vous a déjà parlé de façon audible? C'est la question qui est posée. Je vais te répondre très très clairement. La situation ici, et là je peux être brutal, je m'excuse. C'est ça. Parce que la situation ici concerne une notion de vocabulaire. Oui. Et je peux répondre oui, ça pourra vous faire plaisir, éventuellement. Je le crois, c'est pas pour moi. Je comprends. Je peux répondre, je peux vous faire plaisir. Et je ferme le débat. Vous voyez? Parce que c'est ce que vous voulez m'entendre dire en réalité. Non, c'est moi que vous prononcez là-dessus. Non, c'est ce que vous voulez m'entendre, parce que j'ai déjà bien compris que vous suivez cette ligne du Saint-Esprit nous parler personnellement, pour nous dire des choses personnellement, et ainsi de suite. Si Dieu vous parle audiblement aujourd'hui, cette parole-là, c'est la suite d'Apocalypse 22, 19. C'est la suite. Vous comprenez? Donc en clair, le Saint-Esprit déjà. Je n'ai pas fini. C'est la suite d'Apocalypse. Je veux donc dire que Dieu te parle de façon audible Et ça constitue une nouvelle révélation que tu adjoins au texte. Et c'est la suite. Tu fais donc autorité et office des Saintes Écritures de prophète toi-même. C'est-à-dire que tu es profanaï. Il y a Dieu peut te parler par des intuitions dans ton esprit. Peut te guider. Peut rendre le ministère des anges à plusieurs points de vue relativement précis te concernant. À ce moment-là, ce n'est plus ce que tu reçois en termes de révélation. Ça devient un éclairage. Ça reste dans l'illumination. Et lorsqu'il le fait, quand ça arrive, on est dans des conditions d'exception. Parfaitement justifiées et parfaitement encadrées la plupart du temps. Maintenant, la voie normale par laquelle il aime et il situe ses enfants, c'est qu'il leur fait, il éclaire leur esprit. Il leur donne des compréhensions, même sur les choses de leur vie. Il leur donne des directions, sans, même sur... Sans parler. À travers le texte biblique. Non, parce que mon bro, non, permettez, pour certaines personnes, cette chose peut s'exprimer même par des voix intérieures. C'est-à-dire que c'est eux. C'est-à-dire que leur esprit construit certaines choses. Et ils disent, Dieu a parlé. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle l'illumination. Tu peux lire un texte, par exemple, comme ça. Dans ton cœur, ça a retenu de la même façon. En fait, pardon, je propose ma question. Tu commences, non, s'il te plaît. Non, en fait, je comprends bien ce que tu as dit. Okay. Il dit, voici ta Bible, la Bible que tu tiens entre les mains. Okay. Je ne parle pas dans le cadre de la lecture. Il dit que tu es prédicateur. Est-ce que le Saint-Esprit peut te dire aujourd'hui, toi, lève-toi, va à Bafoussam, je veux que tu puisses prêcher là-bas, de façon audible. C'est ça qui veut dire, ça veut savoir clairement. Laisse la Bible dans le main. C'est ce que le Saint-Esprit peut dire à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, dans cette période-ci, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit te dit, lève-toi, va à Bathier, lève-toi, va à l'aéroport, lève-toi, comme j'en ai l'entendu là. C'est ça que je fais depuis le début. Oui. Je peux répondre, oui, ça va te plaire. Vous comprenez? Pour ça. Je veux comprendre ta pensée derrière. Je réponds tout simplement. Moi, je voulais dire au frère que quand tu dis le Saint-Esprit te parle, c'est de la même manière que le message a dit que et le Seigneur me dit. Moi, je suis toujours sur le message parce que le problème, c'est le message. Le message qui a été envoyé sur WhatsApp. Et de voir si ce message est véritablement imprégné d'autorité de manière à le publier. Oui. Comme il a été publié. Oui. Donc, il faut revenir toujours là. Oui. Quand quelqu'un te dit, le Seigneur m'a dit, il faut que tu lui demandes. C'était même comment. Oui. Tu t'es décrit un peu pour que tu voyes véritablement, selon toi, oui. que c'est le Seigneur qui lui a parlé. Ce n'est pas parce qu'il a dit quelque chose qui est normal, non, qui est autant. Chacun peut dire que le Seigneur m'a dit. Oui. C'est pour ça qu'il dit que pour vous-même, vous particulièrement. Et regarde un peu. Oui. Si par exemple, je suis là, j'entends une voix me dire, va à tel endroit. Oui. Je dis que c'est le Seigneur qui m'a dit. Parce que en fait, quand j'entends cette voix, oui. il faut que j'interprète. Oui. Interprète ce qu'il a dit. Ça veut dire que je donne le sens de qui m'a parlé. Ok, il faut que la question qui est en train de parler soit répondue. Regarde un peu en moi-même. Oui. Il faut que je me pose des questions à moi-même qui m'a envoyé. Non, mais frère, il dit une la même question qu'il posait par terre, il dit la question. Je vais te répondre. Oui. Je vais te répondre. Tout à l'heure, je voulais qu'il prenne la parole un peu. Tu vois, je n'appellerai pas ça comme tu appelles. Tu vois. Parler ou bien. Je vais te répondre quand il dit d'aller brutalement. Je vais aller posément. Oui. Ma réponse est celle-ci. Ce genre de choses. Oui. C'est non. D'après les Écritures. Oui. C'est non. Donc le Saint-Esprit, que les gens reçoivent bien, ne parle pas. Écoute-moi bien. Audiblement. C'est non. Je te le dis pourquoi. Quand j'étais plus jeune dans la foi, ça c'est maintenant mon expérience. J'entendais des chants, des choses qui. Je recevais des choses. De l'esprit. Oui. Je disais, j'ai reçu ceci de Dieu. Mm-hmm. Faut faire comme ça. Je faisais des choses. Mm-hmm. Vous voyez. Et j'étais demandé très respecté parmi les frères. Hein. Très respecté, c'est-à-dire que quand j'arrivais, on disait, il va encore dire quoi. Et dans plusieurs des situations, les choses s'accomplissaient. Hein. Mm-hmm. À un moment donné, je me souviens qu'il y a des sœurs qui commençaient à dire, si vous êtes malade, il faut appeler le frère tel. Mm-hmm. Quand il passe, la personne se lève. Mm-hmm. Les choses vont se miser à mon sujet. Oui. Ma connaissance des Écritures était bouillonne. Je lisais beaucoup la Bible. Oui. Mais je comprenais la Bible avec les mots de mon village, mmh. les mots de la société courante. Voilà ce qui a fait le déclenchement chez moi. Quand j'ai vu commencer à avoir la liberté que les apôtres et les prophètes prenaient avec les mots de l'Ancien Testament. Quand l'apôtre de l'Épître des Hébreux dit, et une fois encore, j'ébranlerai. Mmh. Et il explique, et une fois encore. Je me suis dit, mais comment? Ces mots n'ont pas la connotation courante. Mmh. Est-ce que nous avons la même liberté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans ces choses-là? Ça a déclenché un processus chez moi. Mmh. Et j'ai commencé à prier en disant, Seigneur, fais-moi comprendre ta parole. Comme ça se doit. Mmh. J'ai commencé à me rendre compte que il n'y a que des désobéissants qui veulent sortir de ce qui est écrit. Mmh. Il a tout cadré. En sorte que quand vous êtes dans le mouvement de ce qu'il a cadré, mmh. il vous utilise. Mmh. Il n'a pas besoin de vous dire des choses. Il a déjà dit. Mmh. Il n'a pas besoin de vous dire, va à bâtir, va ici. Non, il n'a pas besoin de le faire. Mmh. Et tu t'es toujours à battre, c'est ça. Il te conduit. Tu te retrouves, tu fais. Mm-hmm. Et tu te rends compte que tu as fait. Mm-hmm. Parfois, tu peux ressentir des intuitions très fortes par rapport à ces situations. Il te permet de vérifier ces intuitions. Mais pour parler, non. Non. Okay. Vous voyez, mm-hmm. aujourd'hui, moi, je rejette ça. Mm-hmm. Okay. Je rejette ce genre de choses parce que ce genre de choses, est-ce que tu sais, j'avais un ami, il n'est pas mort, métaphysicien. Oui. Il a fait la théologie rabbinique. Il a fait la théologie catholique. Il a abandonné ces choses-là à un moment donné. Il est parti, il est devenu, il est entré, il est devenu quelque chose, il a dit métaphysicien. Mmh. Il n'était pas chrétien. Oui. Ce qui m'a choqué à cette époque-là, c'est qu'il était dans une église chrétienne. Il était instrumentiste. Mmh. Il avait les capacités médiumniques. Il pouvait voir des choses que personne ne voyait. Mmh. Il était là, on l'appelait frère en Christ. Mmh. Son nom, c'est Roberto. Mmh. Quand j'ai eu, il y avait eu une discussion, on était venus comme nous sommes là. Mmh. Parfois, on faisait 7 heures de discussion. Il avait une compréhension des Écritures qui était kabbalistique. On ne lui avait jamais dit ça. Mmh. Je lui demandais, mais tu étais dans une église avec ce que tu m'as dit là? Il m'a dit oui. J'étais instrumentiste. Je me donne la parole, j'enseignais même. Et toi, tu enseignes. Mais tu n'es pas chrétien, tu sais. Il dit que je sais que je ne suis pas chrétien. Mm-hmm. Vous voyez mm-hmm. Tout le discours de ce monsieur était strictement expérimental et il entendait des choses. Oui. Il entendait des choses. Mm-hmm. Il était même capable de provoquer des rêves. Oui. Il m'avait dit. Provoquer des rêves chez quelqu'un oui. à l'extérieur. Oui. Il m'a dit si je veux t'appeler, mm-hmm. je fais quelque chose là, oui. tu es loin, tu rêves mm-hmm. et tu viens. Il dit je fais ça et ça a une telle force. Que tu as l'impression que ça vient du ciel. Mm-hmm. Vous voyez? Oui. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas suivre les routes que Dieu lui m'a abandonnées. Oui. Il a abandonné le chemin des rêves. Oui. Il a abandonné le chemin des visions. Il a abandonné toutes ces routes-là. Oui. Pour nous parler par le texte écrit. Oui. Maintenant, si quelqu'un a un rêve, bien, écoute une voix. Une voix, ainsi mm-hmm. de suite, ainsi de suite. Pour moi, a priori, je mets ça de côté. Mm-hmm. Et c'est le conseil donné à tout le monde. Mm-hmm. Mets ça de côté. Demande-lui, Seigneur, permets-moi de saisir la situation. Mmh. Ou alors, mets en place des dispositions que je sois en train de faire ce que tu m'as envie de faire. Oui. S'il te plaît, juste une petite curiosité, parce que tu as dit que dès le départ, que tu avais les voix, que tu entendais, que tu transmettais le baiser, et c'était. À ce moment-là, est-ce que tu étais considéré comme chrétien ou tu étais chrétien à ce moment-là? J'étais chrétien. Ok. Bon, maintenant, la question maintenant, c'est que. J'étais un enfant de Dieu authentique. Allez, moi-même, quand il y avait des cas où on faisait. Bien sûr. Oui. Alors, la question, c'est à quel moment le Saint-Esprit est venu en vous? À quel moment de votre marche? Comment? Il dit à quel moment donc le Saint-Esprit venait en vous. C'est-à-dire que. Mais tu me poses quelle question là? Non, la question a un sens. Tu me demandes si je suis chrétien, tu me demandes si c'est quand il est venu quand j'ai cru. Donc quand tu as cru. Et il était à l'intérieur et d'autres voix parlaient. Quand je parle d'autres voix, ce sont les choses que vous dites là. Non, non, ils sont les. Dieu te dit que va à Bathier. Oui, mais tu entendais quand même la voix. Je te dis que va à tel endroit. Oui, donc, il dit, n'est-ce pas, hein? Oui. Vous étiez chrétien authentique. Oui. D'après la Bible, c'est-à-dire que le Saint-Esprit était là à ce moment-là. Et pendant qu'il était là, une autre voix parlait et du coup, le Saint-Esprit était là. Ça ne vous semble pas bizarre aussi? La question, c'est quand je parle des voix, oui. Je parle des choses que tu dis. Frère Junior, que tu es là, Dieu te dit va à Bathier. La question se pose, je pose ma question. Je te repose la question autrement. Oui. Quand Dieu te dit va à Bathier, c'est le Saint-Esprit ou pas? C'est ton point de vue, c'est le Saint-Esprit ou pas? C'est Dieu ou pas? Non, je ne dis ici. Non, non, non, tu ne dois pas me sécaliser. Je pose la question dans ton esprit. Oui. Tu comprends? Oui. Tu es en train de me dire ceci. Oui. Que toi, Junior, oui. Dieu peut te dire, lève-toi, va à tel endroit. Si c'est comme quand tu dis. Quand c'est toi, Dieu. N'est-ce pas? Oui. Quand c'est toi, tu dis que c'est Dieu qui m'a dit. Oui. Je te dis que moi, oui. Dans mon expérience, oui. À des moments précis, oui. J'ai entendu des choses comme ça et je me suis dit à ce moment, c'est Dieu qui me dit. Oui. Et quand je vais se réaliser exactement comme ça, oui. Aujourd'hui, j'ai dit non oui. À ça. Oui. Vous comprenez? Mm-hmm. Pourquoi? Parce que le champ de l'expérience est un champ qui est mouvant. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais dans, alors, j'ai vu... si tu entends encore la voix, comment tu vas faire? Écoutez, aujourd'hui, la structure spirituelle que j'ai, oui. Il peut me parler. Ne me permet plus de recevoir des choses comme ça. Dieu me dirige parfaitement et je suis satisfait et il accomplit ce qu'il a accompli. Vous savez, le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu bantou. C'est le Dieu des Écritures. Or, nous avons une conception africaine, et ça, on a joint la culture africaine au Dieu de la Bible, ça fait un faux Dieu. Oui. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui peut tout faire, mais qui ne fait pas tout. Il dit qu'il a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Mais certains hommes disent qu'il peut être sauvé sans la prédication. Et c'est Dieu qui les a sauvés comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, ça, c'est une conception de Dieu qui n'est pas bonne. Donc, pour moi, je dis qu'aujourd'hui, quand il a donné ses bases à travers les Saintes Écritures, ma conviction. Dieu parle par les Saintes Écritures. Il parle à tout homme par les Saintes Écritures. Uniquement. Uniquement, mais alors absolument uniquement. Voyez-vous? Si vous convertis par exemple une maman dans un village qui ne sait pas lire et écrire. Tu vas lui prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Oui. Vous voyez, tout à l'heure, le débat avec les musulmans et toutes ces choses-là. Oui. Je n'ai pas intervenu dessus à plusieurs reprises. Vous voyez? J'ai aussi vu ces vidéos. Oui. Je crois qu'elles sont vraies. Moi, je crois qu'elles sont vraies. Mais il y a quelque chose dans ces vidéos qui sont intéressantes. C'est que systématiquement, ces personnes deviennent des hommes attachés aux Écritures. Vous voyez? C'est à partir de l'attachement que je vois que ce qu'ils ont eu là, c'est une réalité. Dans ces cas, on ouvre encore le champ du fait qu'il y a une possibilité que Dieu parle aux gens sans passer par la Bible dès le départ. Non, justement. Mais tu as dit que c'était vrai. Oui! Ce n'est pas là. Ce sont des implications. C'est Dieu qui est dans les cas d'exception. Vous voyez? Et quand il va leur parler, non, est-ce qu'il y a pas exception? Donc tu as fermé totalement. Oui, et je préfère fermer comme ça. Vous me dites, faut que tu fermes directement. Et là, si c'est Dieu vraiment, parce que là, tu dis, dans cette est-ce que Dieu a peur de moi? Non. Il a peur de toi? Non. Alors, si il n'a pas besoin de sortir de sa parole pour me parler. Oui. Vous comprenez? Oui. Si je lui demande, Seigneur, je veux que tu me parles parce que tu as dit. Tu as dit que tu parles par ça. Oui. Et c'est ce que ça, c'est ta parole. Oui. Il ne me parle pas pourquoi. Il a peur de moi. Non, mais attends, dans cette Bible-ci, oui. Ce n'est pas écrit que le frère Gérard va voyager à Douala demain. Très bien. Nous sommes d'accord. Est-ce que ça lui est interdit de m'amener à Douala? Il n'est pas capable de le faire. Non, et comme tout le monde peut aller à Douala demain. Il n'est pas capable de le faire. Mais de façon spécifique, regarde. Quand tu se trouve à Douala, c'est autre chose, non? Frère Julien, si Dieu te veut en France, oui. Il crée les circonstances en France. Comment distinguer une procédure qui crée aussi des circonstances pour arriver en France et une personne qui est prédicateur qui se trouve en France aussi, qui va dire à quel moment c'est Dieu. Nous sommes donc d'accord sur le fait que l'expérience est mouvante. Non, mais je l'ai dit parce que tu as dit que. Est-ce que Dieu a besoin de distinguer tous nos mouvements de tous les jours? Justement, non, il va dire pourquoi tu as dit rouge, pourquoi le marché, il faut qu'il distingue le chrétien du païen, du non-croyant. Oui. Pour aller en France, qui distingue le chrétien du non-croyant. Non, ils sont les dix ici. Puisque les gens, chacun qui touche la Bible dit qu'il est chrétien. Et tu as dit dans ton expérience qu'à un moment donné, on te considérait vraiment beaucoup plus. Et tu dis que tu étais à ce moment-là converti. Mais il y a quand même des voix qui parlaient. Et que le Saint-Esprit était là, lui s'était aisé. Et le Saint-Esprit parlait. Je suis en train de te dire que J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que des désobéissants qui cherchent à écouter Dieu en dehors des Écritures. Quand vous commencez à lire la Bible vraiment, pour comprendre ce que Dieu veut dire, pas pour saisir ce qui me plaît, vous vous rendez compte qu'en fait, il a tout construit. Et dans ce qu'il a construit, quand on se met à l'obéissance, il vous utilise. Il n'a pas besoin de vous parler audiblement, comme vous dites. Ce n'est pas nécessaire. Mais c'est pas le problème là-bas. Parce que est-ce qu'il y a une possibilité qu'il le fasse? C'est la seule question là-bas qui est tout le monde. Permettez-moi un peu. C'est la question qu'il pose. Parce que quand je dis que ce n'est pas nécessaire, parce que dans la Bible, c'est par exemple, j'ai une inquiétude sur le cœur, par exemple. La Bible dit par exemple que ne vous inquiétez de rien, mais en tout cas, faites connaître vos besoins à Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, je dois aller en France, oui ou non? Qu'est-ce qui se passe? Je prie. Est-ce que Dieu peut répondre oui? Va en France, il peut me montrer la songe, qu'il se mettra en France, est-ce qu'il peut me montrer telle ou telle chose? Là, ça ne se trouve pas dans la Bible. Non, quelle est la promesse attachée au verset que vous citez? Quoi ça? Éphésiens 4:6, quelle est la promesse que vous faites? Il a dit clairement que et la paix des Christ qui supporte toute connaissance gardera vos cœurs en Christ. Voyez. Oui. Vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à ça. Oui. Et vous priez. Oui. La paix. On peut descendre. Par rapport à la réponse de ce que je lui ai soumis comme problème. La paix est une réponse biblique. Oui. Non, non, la paix. Je suis tranquille. Il sait qu'il va répondre. C'est ça, non? Il dit c'est que, ça. Dès que, écoutez, Dieu n'est pas notre garçon de course. Oui. Dieu n'est pas notre journaliste. Oui. Il n'est pas là pour nous informer. Quand il dit ces choses, vous tenez ces choses comme il a dit. Oui. Vous le voyez se déployer. Oui. Il se déploie. Par exemple, il dit par exemple, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, à mon nom, chasseront les démons. Qu'est-ce que tu as dit? À la promesse. Voilà, là, tu soulèves encore notre dossier. Non, tu as dit que quand il dit quelque chose. Vous comprenez ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il dit, voici une promesse, par exemple. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela, ce n'est pas toi. Il a dit ceux qui auront cru. Ce n'est pas toi. Non, ce n'est pas moi seulement. Il ne parle pas de moi. Ce n'est même pas nous. Ce n'est pas nous, hein? C'est de qui? Lis le texte. Lis le texte. Lis le texte très bien. Non, tout le texte ne prend pas seulement le verset. Non, non, essaie de nous expliquer un peu. Non. Lis le texte dans son contexte, tu comprendras l'expression ce, c'est qui exactement. Non, mais répondez directement là, on voit, parce qu'il a lu plusieurs fois. Il a vu comme ça. Non, ne touche même pas à ça. Oui. Une autre fois, tu parleras, tu vas voir. Oui. Lis le début du verset, chapitre. Oui. Lis la fin du chapitre. Oui. Réfléchis sur le contexte véritable. Oui. Tu te demandes, cela c'est qui exactement? Tu vois? Oui. Tu réponds à cette question, la prochaine fois on en parlera. Okay. Lis par lit, sans temps. Bon, attends, ça, c'est un débat. Oui. Parce que c'est ça que les pentecôtistes utilisent, ils pour faire n'importe quoi. Non, mais... Cela ne te concerne pas, ni moi. Non, ok, mais dans Matthieu 28, à l'effet de toute nation d'ici, ça te concerne toi? Dans le contexte là, ça te concerne comment? Aussi. Il dit, Matthieu 28. Il dit Matthieu 28. Si on parle de verset, je te dis ceci. Tu as cité Marc. Non, mais je comprends très bien. J'ai compris ceci. Non, tu n'as pas compris. J'ai compris. Non, tu n'as pas compris. Oui. Tu as cité Marc 16. 16, oui. Je t'ai dit que cela. Ça n'a rien à voir avec moi. Pas. Ça ne me concerne pas. Ni nous. Très bien. Oui. Et tu as compris. Tu m'as ramené dès le départ. Voilà. La prochaine fois, on va se voir, on va parler de ça. Non, et forcément, quand on va en reparler, oui. On verra les autres ordres de mission. Oui. Vous voyez, oui. Et à qui il s'applique. Oui. Si tu reviens dessus à Matthieu, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Non, non, je l'ai dit ici. Il dit que à Matthieu aussi, est-ce que ça me concerne? C'est ce que j'ai dit, tu reviens sur le débat alors que je l'ai fermé. Ok, c'est folle. Je l'ai fermé. La prochaine fois. La prochaine fois, on en reparlera, oui. On verra lors de mission de Matthieu, lors de mission de Luc, lors de mission de Jean, est-ce lors que, de mission de Marc. Est-ce que le frère Herman aujourd'hui peut être malade et tu lui imposes les mains pour qu'il guérisse? Écoute, tu vois, c'est le même problème que tu reposes. Oui. Parce que. Tu viens de. Il revient le même problème. On vient de le fermer, tu le reviens encore. Qu'est-ce que tu cherches, Julien? Il faut qu'on parle. Mais parce que tu as dit que les écritures étaient fermées, tu as fermé la relation dans les écritures. Bon, de toute façon, on va y aller. Ce qu'on va faire, c'est que Dieu voulant, on va trouver un temps selon votre disponibilité. Selon votre disponibilité, on parle d'autres choses. Parce qu'au fur et à mesure qu'on parle, les questions que j'ai posées ne sont pas gratuites. Et je sais pourquoi elles posent des questions. Les notes que j'ai prises. Et bien, ce que les points qui sont soulevés, la première approche, le premier contact me donne le champ d'ouverture pour savoir de quoi il est question et comment faire. Donc, la prochaine fois, on va partager encore plus en profondeur. Merci, merci d'avoir pris la peine de venir. Peut-être qu'il voulait dire quelque chose, hein, parce que je crois qu'il en tenait insatisfait. Vraiment, j'ai voulu encore pour qu'on aille un peu vite parce que là. Oui, c'est vrai. Mais ce que je voulais dire aux frères, c'est que. À partir de Acte 2 et de Joël, la prophétie de Joël concerne les Juifs. Quand il s'applique, quand l'apôtre Pierre vient, le maître dans le contexte de l'Église, il n'est pas en train de dire que ça s'accomplit exactement comme Joël l'a dit. Il est en train de nous dire, leur dire, comme l'Esprit devrait être donné à toute la nation juive, il en est de même pour tout membre de l'Église, tout simplement. Tout membre, tous ceux qui croient en Christ, et ceux qui sont disciples de Christ, recevront également ce genre de choses. Et à partir de là, quand tu comprends ça, tu ne peux pas dire que ce texte, même quand il le cite, les événements qui s'ajoutent, le ciel se changera en machin, ce jour-là n'a pas eu lieu. Pour dire que il est en train d'attirer seulement l'attention sur la globalité de ce peuple qui, comme dans le peuple juif, tout le monde recevra ce Saint-Esprit de la même manière pour l'Église. Tout le monde recevra le Saint-Esprit. Et même si on comprendra que ils prophétiseront vos fils et vos filles, combien de personnes dans l'Église le font? Dans des églises aujourd'hui, ceux qui sont des prophètes, ceux qui prophétisent, est-ce que tous les chrétiens, ça veut dire que si on comprenait ce verset dans la profondeur, littéralement, comme ça se dit, ça veut dire que tous les chrétiens, il n'y aurait pas de distinction de prophète spécial dans une église sur laquelle, quand on a un problème, les chrétiens accourent vers lui. Non, tout le monde aura la même capacité. Puisqu'ils ont le Saint-Esprit, pourront prophétiser. Même la réalité de nos vies montre que ce n'est pas vrai. Et même sur les miracles, vous les parlez en langue autre, ces dons ne peuvent pas être l'apanage de tous les chrétiens, de tout pour ça, de tous les chrétiens. Donc, le contexte, quand on a lu bien le contexte de l'Écriture, on peut voir dans quel sens. Et particulièrement, moi je reviens toujours sur ce fond, véritablement, avec tout ce qu'on a dit, le doute étant là-dedans. Sur les expériences, on ne peut jamais crédibiliser un message pareil. Par prudence, par ce doute qui persiste, on ne peut pas ventiler un message qui n'a pas de fondement spirituel. Alors, ça part d'expérience, on l'entend, et on ne peut pas faire aux gens, on ne peut pas enseigner aux gens de se fier aux prophètes, aux personnes qui racontent des songes. Sinon, les marabouts en seraient les meilleurs aujourd'hui, parce que les marabouts, ils voient des choses, ils voient les choses et ils entendent des choses, et ça s'applique clairement. Si vous regardez les gens qui sont dans le monde, chez les hindouistes, mais ils sont plus prophètes que ces gens. Regardez ce que Tibi Joshua fait. Tibi Joshua vient prophétiser sur des choses qui ne regardent, sur des choses, je ne sais pas. Il dit que l'autre là, la femme de Hillary Clinton, il va avoir gagné les élections. Le challenge, qu'est-ce qui challenge Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu dans ça? Il prophétise pour. Attends, c'est ça que tu veux dire? Je veux dire que il veut montrer qu'il est prophète, en fait. Il prophétise sur un événement qui est vraiment observé par tout le monde. Et il rate ça. Même s'il trouvait, ça n'a pas. Quel est l'intérêt de Jésus sur ça? Quel est l'intérêt de Jésus sur ça? C'est en ça que tu es en train de dire, par exemple, est-ce que Dieu peut me dire d'aller en France? Ou bien il peut prier Dieu pour aller en France? Quand nous prions, attends un peu. La Bible dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, il dit selon la volonté de Dieu, ça veut dire que si nous connaissons le plan éternel de Dieu et que notre prière s'appuie sur ça, nous sommes en train de prier véritablement là, le sens où on sera exaucé. Il dit que tel que soit le cas, tu vas recevoir ce que tu veux voir. Voilà. Mais quand j'ai un prophète, c'est toi qui encourages les gens à aller chez les prophètes. Et que les prophètes prophétisent qu'Hillary Clinton va gagner les élections, il échoue. Ça, c'est quel genre de prophète? Comme ces expériences ne sont pas scripturaires, on ne les enseigne pas et on motive même pas une personne à aller là-dedans. Il n'y a pas de, il n'y a pas une interprétation. Est-ce que chez vous, par exemple, vous priez pour les malades? Priez pour les malades. Oui. Mais pourquoi pas? Oui. Vous priez pour qu'ils guérissent, non? Oui. Regarde un peu. La mission est même collégiale. Oui, la mission est même collégiale. Oui. Ce n'est même pas une mission de Dieu guérisse. Dieu. Il peut être malade et qu'il accepte cette position-là. En servant le Seigneur, il me dit, voilà, comment le cas de Dieu peut ne même pas le guérir et ils sont un serviteur efficace. Absolument. Pour le bien de nos croyants. C'est pour ça que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une chose à laquelle nous sommes absolument tenus. Il est au point de rechercher et de trouver en cela, de trouver dans les guérisons un élément de spiritualité particulière. Vous voyez, c'est là que. Et la même question qui est posée pour la guérison, ça se passe aussi pour les démoniaques, ceux qui sont poussés des tests nous ont fait. Mais il dit la même question, il peut poser la même question pour le cadre. Connaissez pas la vérité. La vérité, la franchira. C'est-à-dire quoi, Mais il n'y a pas de démoniaque dans l'église. Non, non, il n'a pas parlé de l'église. J'ai dit, on amène quelqu'un qui est possédé vers vous. Il n'a pas dit de l'église. Je suis intervenu pour ouvrir le débat de Marc 16. Non, non, il n'a pas parlé de Marc 16. Parce que je dis pas c'était l'écriture. Parce que vous avez dit que Dieu intervient dans le cadre des malades. Non, j'ai expliqué en fait. Le cas des démoniaques par exemple, de façon spécifique. Il n'y a pas de démoniaque dans l'église. Vous n'avez pas de démoniaque dans l'église. Oui. Dès qu'on amène quelqu'un qui est démoniaque. Si tu touches la personne démon maintenant, tu ne touches pas, c'est assez. Pas que c'est assez. Oui. Ça, c'est un autre sujet, c'est hors de la communauté locale. Hors de la communauté. Et là, nous ferons juste ça, très clairement. Oui. De la prochaine fois, on va voir. Deux choses, oui, c'est deux choses différentes. Donc, concernant ce dont on a entendu parler, voilà, c'est quoi, je ne veux pas ouvrir la parole. Ok, c'est ça. Donc, ça veut dire que si on a un démoniaque, moi, je suis frère. Parce que Dieu n'a pas donné un pouvoir spécial à un homme. Oui. Il a donné un peu il la parole son église. Oui. Il écoute son église. Oui. Il dit, si vous avez un homme qui est malade, vous pouvez amener chez les anciens. Oui. Il ne prime même pas pour ce dans la vedette, dans les vedettes particuliers, il le met sous le collège. Voilà. La mission, ça ne regarde plus Moïse. Enlever Israël, pas enlever Israël. Donc, c'est pas une mission individuelle. La mission maintenant concerne un groupe de personnes. Quand la parole de Jacques veut dire même le don de Christ, vous témoignez qu'à quelque sorte, qui n'a pas de don de guérison dans l'église. Il dit la foi. Alors, est-ce que tu ne comprends pas Jacques? Quand Jacques le dit, oui. Une façon de témoigner qu'il y a une cas charismatique de guérison dans l'église. En ce moment, on est en train de parler. Oui. Parce que Dieu qu'on amène le malade au collège des anciens. Oui. Mais ils ont pris le loin de Dieu. Donc, à ce moment-là, le lion d'église est témoin, n'est-ce pas? Parce que s'il faut envoyer chez les gens qui sont chez les anciens, oui. Pourquoi ne pas l'envoyer chez ceux qui ont le don de guérison? Bonne question. Bonne question. Bon, non, le frère, c'est il t'a dit quelque chose d'intéressant. Parce qu'il a cité le Jean 8 en disant que vous connaissez la vérité de la Sainte Évangile. Donc, c'est un démon qui n'a pu enseigner la vérité. Le démon, ça, il a. Ça, c'est une procédure. Ok. Mais, et c'est la meilleure. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est l'épée du Saint-Esprit. Oui. Et il dit dans le cadre véritablement où nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui. Et il montre les armes qu'il faut avoir. Mmh. Dans ces armes, il n'a pas cité un homme là-dedans. Oui. Attends d'abord. Oui. Il n'a pas cité un homme là-bas. Il dit des armes de Dieu. Oui. Répétez-vous les armes de Dieu. Oui. Et la Bible dit clairement que la foi permet d'obtenir ces choses. Mmh. Ça veut dire, et la foi vient comment? Mmh. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, oui. Et ce qu'on entend vient de la parole. Un lunatique, on a mené un lunatique, avec de posséder le moignard. Voici la Bible devant toi, c'est la parole. Comment tu fais pour qu'il écoute la parole, pour que le, parce que non, le bon, c'est un esprit, c'est toujours le genre. Je veux te dire que, tu vois, tu es en train de faire l'amalgame. Non, c'est pas l'amalgame, c'est pas l'amalgame. Il est dans la schématisation. Et enfin, il ne peut pas le terrain pour la prochaine fois. Non, non, tu es dans, là, c'est ça, c'est des cas. Je suivais un débat à la télé hier où il y a une femme qui s'appelle Agassi, et elle a un frère en Christ, parce que pour ça, vous l'avez toi, c'est un enfant de Dieu. Il a écrit un livre sur le manuel scolaire à l'église maintenant. C'est un débat très intéressant. Et il y avait dans le journaliste Jean de Tanier, parce que c'était un document, une émission préparatoire veillant la rentrée scolaire. Il était sur le chemin de l'école. Jean de Tanier disait effectivement à Aïda Sike Sénégalais, elle a dit à cette dame-là, que le tableau qui a été là, de payer un peu la situation, de se mettre le temps pour un peu, et que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Elle a dit à Jean de Tanier que maman, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Le Cameroun, le Congo, le Sénégal, qui est un taux de titularisation qui est très élevé. Mmh. Le Sénégal a un taux qui est plus bas. Mmh. On ne peut pas dire que le niveau de l'école au Sénégal est beaucoup moins que le Cameroun, alors que le Cameroun a un taux qui est plus élevé. Quand on paye ça en noir comme ça, on a l'impression qu'il y a rien au Cameroun, alors qu'en fait le Sénégal à côté a un taux qui est beaucoup plus bas. Et donc on va le comparer. Alors, il cite des cas. Mmh. Elle répond en disant que mais, si vous citez des cas pour, on peut citer des cas contre. Expérience contre expérience, ça c'est une chose qu'on ne va pas s'en sortir. Mm-hmm. Vous voyez, il faut avoir une bonne vue structurelle. Et ça c'est significatif. Mm-hmm. Quand vous procédez de façon empirique, mm-hmm. quand vous procédez par des situations d'expérience de cette manière-là, mm-hmm. on ne s'en sort pas, ça ne construit pas une bonne vie. Quand il présente l'expérience, il faut dire qu'est-ce que l'écouteur en dit. Non, non, qu'est-ce non. Que le non, non, non, non, non, non, non, non. Ce n'est pas ça que la question. Mm-hmm. Parce que systématiquement chez toi, frère Junior, lorsqu'on parle, tu parles en réalité, mm-hmm. il y a une constante dans ce que tu dis. Mm-hmm. Tu cherches à valider l'expérience en te cachant. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un leurre, en mm-hmm. fait. Et c'est ça le grand danger que nous reprochons à Karambiri et à Yongisho. C'est un leurre. Mm-hmm. Quand tu dis tu veux savoir ce que l'écriture en dit, en réalité, non. Mm-hmm. Tu veux dire ce que tu as compris de l'écriture relatif à ton expérience. Mm-hmm. Ce n'est pas ce que l'écriture en dit. Mm-hmm. Vous voyez? Parce que froidement, si on veut savoir ce que l'écriture en dit, il faut qu'on soit prêt à revoir ses propres positions par rapport à cette affaire-là. Mm-hmm. En fait, ta direction, ton axe directionnel, ton axe, ta direction, en fait, c'est ton expérience. Mm-hmm. C'est ce que tu vis. C'est ce que tu exprimes, ce que tu fais. Mm-hmm. Tu vois? Et tu trouves dans les écritures des éléments qui justifient ce que tu mm-hmm. fais et tu estimes que ça dit cela. Mm-hmm. Mais non, oh que non. Tu vois, de l'autre côté également, il y a un autre regard sur la question. Mm-hmm. C'est ce que Dieu a construit. Mm-hmm. Et c'est dans ce que Dieu a construit qu'il faut marcher et mettre les droits de côté. Mm-hmm. Si ce marché-ci est en train de brûler, c'est en moi brûle. La Bible dit que ça ne brûle pas. Mm-hmm. Pour moi, ça ne brûle pas. Mm-hmm. Vous voyez, même si mes yeux voient que ça brûle, mm-hmm. vous comprenez, mm-hmm. si la Bible dit ça ne brûle pas pour moi. Et là, il faut en reprendre le contexte, si c'est dans la mort que ça parlait. Je suis en train de vous dire que, mm-hmm. je prends cet exemple mm-hmm. brutal, oui. pour dire que, pour ce qui me concerne, oui. j'ai choisi de placer ma foi dans les saintes écritures, mm-hmm. et partant, de placer ma foi en Dieu. Oui. Je crois, Jésus-Christ n'est pas de mon village. Mm-hmm. Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais que par le texte écrit. Oui. Je ne risquerai pas de le connaître par un songe ou par une image. Puisque tu le connais pas, qu'est-ce qui me dit que c'est lui? Bonne question. Puisque je ne l'ai jamais vu avant. Bonne question. Je ne peux le connaître uniquement que par le texte écrit. Mm-hmm. Est-ce que le texte me dit? Oui. Et le texte me décrit son caractère. Oui. Me dit comment il faisait. Me dit ainsi de suite. Et la Bible me dit que j'ai reçu son esprit pour reproduire sa moralité, mm-hmm. pour reproduire sa vie, pour lui ressembler. Mm-hmm. Et c'est ça, c'est là, c'est dans ce sens que je travaille. Mm-hmm. Il ne travaille pas autrement qu'à me faire ressembler à Jésus-Christ. Mm-hmm. C'est à ça que j'ai été du reste prédestiné. Mm-hmm. Voyez-vous. À partir de là, tout autre regard me semble strictement expérimental. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire? Mm-hmm. Il a déjà construit dans quel mot je vais être placé. À ce moment-là, si je sors de ce moule, je cherche mon intérêt, je cherche mes expériences, je cherche mes bonbons. Vous voyez, là, moi je refuse de ce genre-là. Et c'est de ça que je suis sorti, moi. Donc en résumé. Est-ce que vous savez que même l'affaire. Il y a des frères ici à Douala, par exemple. On lui a dit, un frère, c'est un grand responsable des églises, des frères comme nous. Jusqu'à quand je l'ai rencontré, il m'a dit, sous que je ne t'appelle pas pasteur. Je lui ai dit, reconnais-tu moi la fonction? Il me dit, absolument oui, j'ai dit, quel est ton problème? Pourquoi cette étroitesse? Quel est ton problème? Tu fais fonction de pendant les pasteurs. Si on t'appelle pasteur, où est le problème? Il ne fallait pas vouloir être biblique au point d'être anti-biblique. Vous voyez ce que je veux dire? N'est-ce pas? Ça pose d'autres problèmes. Je veux dire que quand on veut rester dans les Écritures, et dire c'est la Bible qui dit, on ne cherche pas à ce que la Bible valide nos façons de voir ou nos expériences. On veut passer nos expériences au cri de l'Écriture. Si l'Écriture invalide, ça en met ça de côté. Ce que j'avais dit quand j'ai dit que ça brûle. Je comprends. La Bible dit que ça ne brûle pas. Alors moi, ça ne brûle pas. Bon, je pose la question maintenant. Est-ce que toutes les interprétations des contextes et les textes que vous pouvez avoir fait faux sur vous? Bien sûr. Et maintenant, si vous avez fait faux sur le ciel, parce qu'il y a une possibilité, si vous avez fait faux sur vous, qui vous conduisait dans ce domaine-là? On se repent de nos péchés. Il dit que qui vous y conduisait. Je suis en train de répondre. Oui. On se repent de nos péchés. Non, il n'a pas demandé ce que vous êtes en train de faire. Il dit que réponds. Il dit qui réponds. Je te réponds, c'est non. Non, il n'a pas dit qu'est-ce que tu vas en faire. Il dit que qui vous conduisait. Quand on dit qu'on se repent du péché, autrement, c'est le péché, c'est-à-dire c'est la chair qui faisait ça. Simplement, je me repens de mon péché. Okay. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. Donc, écoutez, ce n'est pas. Nous sommes des chrétiens du 21e siècle. L'Église existe, ça fait 21 siècles. Des frères ont expérimenté des dérives pareilles à travers les âges. Et on a vu les conséquences. On ne peut pas retomber dans les mêmes conséquences. Des choses dans les Écritures, on a vu des gens tomber dans les mêmes dérives. La Bible dit que ces choses ont été, c'est pour nous instruire afin qu'on ne. Voyez-vous. Mais, systématiquement, et ça à la gloire de notre Dieu, inaltérable. Chaque fois qu'il y a eu un vrai réveil dans l'histoire, la clé du problème, le cœur du problème, c'est la redécouverte de la Bible. La redécouverte du dernier. La Bible même parle du grand réveil obtenu sous un certain roi en Juda. C'était la redécouverte d'un texte qui était abandonné. Dieu attache une importance particulière à la lecture du texte, à la compréhension du texte, à l'intention du texte, à ce qu'il soit connu par le texte. Il attache cette importance pour éviter toute forme de latrée d'amalgame dans son opération. Il a fait ça exprès pour nous préserver de toutes les formes de manipulation. En le faisant, maintenant je vais replacer la notion de l'expérience pour clore ce débat vraiment. L'expérience chrétienne n'est pas au-dessus des Écritures. Les chrétiens croient à la parole et ont l'expérience de la parole. Ils n'ont pas l'expérience avant la parole pour la justifier par la parole. Non. Ils ont l'expérience de la parole. Et la plupart du temps, ces expériences sont dirigées essentiellement vers la ressemblance à Jésus-Christ. Quand vous parlez, par exemple, de façon simpliste comme ça, de l'affaire d'aller prêcher en France ou à Bâtir, c'est très simpliste parce que le ministère de l'évangélisation est un ministère collégial. Il appartient à l'Église. Étant responsable de l'Église locale, vous étudiez les Écritures, vous étudiez votre contexte, votre milieu de vie, et vous regardez les besoins où il peut avoir l'Évangile avec la prière. Vous êtes dans votre esprit convaincu qu'il y a des besoins ici. Et vous engagez une mission dans ce sens-là. Vous engagez une mission, tu es sûr que tu en fais ce que Dieu veut. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Vous voyez? Parce que la certitude que vous donnez de parler là, par exemple, ce n'est pas une certitude mathématique. Elle n'est même pas divine, elle n'est même pas théologique. Elle est encore subjective. Ouais. Vous comprenez? Mais quand tu dis dans l'église locale, par exemple, en étudiant l'environnement, on peut regarder qui a le besoin ici. Et on va dans cette direction pour donner le besoin. Exactement. Qu'est-ce que tu dis qu'en allant dans cette direction-là, c'est la direction de Dieu? Nous sommes là dans quoi là? Nous sommes là dans l'expérience, n'est-ce pas? On vient de dire que c'est douteux. Oui. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, les motivations de cette expérience-là sont certainement justifiées. Parce qu'en réalité, vous avez l'ordre d'aller prêcher l'évangile. Vous comprenez? La cible peut être problématique pour vous. Oui. Vous voyez, les fruits vous diront. L'expérience dans ce contexte-là vous répond. Bon, il prend un exemple dans les Écritures. L'apôtre Paul, par exemple, va aller à Misie, va aller en Asie. Le Saint-Esprit lui dit même pas non, il est censé alors qu'il est censé aller annoncer l'évangile. Justement, ça confirme cela. Oui. Ça confirme cela, ça confirme effectivement que l'expérience même de l'apôtre Paul à l'époque de la coulée n'était pas tout à fait fiable. Non, ils sont les disciples ici. Hein. Ils avaient l'intention. Parce qu'ils ont vu qu'il y a un besoin là-bas, en Asie. Ils souhaitaient y aller. On dit l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y entrer. Mais bien sûr, je vous dis effectivement que ça montre encore avec beaucoup plus d'emphase que l'expérience reste quelque chose de douteux. C'est parce que c'est quand vous étudiez sur le terrain les besoins, comme on peut faire remarquer. Qu'est-ce qui empêche l'Esprit de nous empêcher d'aller à gauche, à droite aujourd'hui? Qu'est-ce qui l'empêche? Ou mieux, qu'est-ce qui l'empêche de vous dire d'y aller? Non, qu'est-ce qui l'empêche de nous empêcher d'aller à un endroit? Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que si vous voyez qu'il y a un besoin de prêcher l'évangile ici, vous voyez, vous vous engagez, et puis dans le fond, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Oui. Attends, de quoi on est en train de parler? Il y avait un besoin où? Voilà, il y a un besoin partout. Alors, voilà, dans ces circonstances, comment ça va de façon spécifique là où Dieu veut qu'on fasse? En faisant. Voilà. En priant et en faisant. En priant et en faisant. Oui. L'apôtre Paul dit par exemple qu'il a voulu une fois plus venir vers vous, mais Satan l'en a empêché. Tout à fait. C'est pas le résultat qu'il a su. Comment? Bien sûr. Comment? Le résultat qui sait que ça. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Par exemple, quand vous allez prier, vous allez sortir, parce que vous n'entendez pas de voix, vous allez avec les études que vous avez faites. Qui vous dit que celui qui entend la voix est sûr? Non, je vais en dire quelque chose. On a là le problème des voix. D'accord. Juste dans le cas où on n'entend pas la voix. D'accord. Vous êtes par exemple, quand c'est vaste, il y a village, il y a n'importe quel d'accord, coin. D'accord. Peut-être à Yaoundé, vous devez aller. Ou là, Yaoundé, ça ne se passe pas. Vous allez conclure que Dieu n'a pas voulu que vous y allez. Non, pas ça. Vous allez comment? Non, pas ça, c'est pas bien parce qu'il n'a pas. Non, que vous n'êtes même pas allé alors que vous avez compris, que vous voulez conclure qu'il faut que vous allez à cette direction. L'apôtre Paul dit par exemple. La volonté de Dieu, c'est qu'on ait annoncé l'évangile. Oui, mais il y a des blocages. Si on ne parvient pas à l'annoncer. Oui. Hein? Oui. Nous, on comprend. Que quoi qui s'est passé? S'il y avait le besoin là-bas, oui. On nous attendait. Oui. On comprend que Satan a empêché qu'on aille répondre de l'amour de Dieu. Que Satan a empêché, non? Maintenant, n'est-ce pas? Oui. Si on ne part pas à Yaoundé, oui. Et s'il se trouve qu'il y a une grande œuvre de Dieu qui s'est accomplie à Douala du fait qu'on ait parlé, on comprend que l'Esprit nous a empêché d'aller là-bas parce qu'il nous orientait vers une bonne chose. Ça reste la question. Donc, c'est... Ça reste la question de l'expérience, frère Julien. Mm-hmm. Mais l'apôtre Paul, lorsque. Il voit la main qui lui dit passe en bas sur nous. Mm-hmm. Quand il se retrouve pratiquement. Dans la vision. Dans la vision. Mm-hmm. Il se lève, il comprend. Lui-même, il dit ceci. Mm-hmm. Tu vois, il conclut lui-même. Mm-hmm. Tu vois. Que Dieu les appelle à voilà, avancer là-bas. En Macédoine. Oui. Il l'interprète et il conclut que ça peut se passer comme mm-hmm. ça. Certaines choses, et la plupart des choses qui viennent de l'expérience de l'enfant de Dieu, mm-hmm. Mais là, son interprétation était juste. Comment? Son interprétation dans ces songes-là, dans ces visions, était juste. Mais justement, c'est là que je dis, on distingue l'expérience des Écritures de nos expériences aujourd'hui. Mm-hmm. Et on voit même que dans l'Écriture, déjà même, il y a des situations où c'est possible, pas possible. Ça veut dire que ce n'est pas absolu. Oui. C'est ça. Mais si quelqu'un a une expérience comme l'apôtre Paul qui dit clairement que va à Djombé annoncer l'évangile, et il va là-bas, les gens sont là, il annonce vraiment l'évangile, les gens ont cru. Qui lui a donné ça dès le départ? Bonsoir, vraiment, vraiment, merci d'avoir pris la peine pour. Je crois que c'est problématique, n'est-ce pas? C'est toujours douteux. Ah oui, tu peux conclure, merci. C'est à toi encore, c'est toi qui as ouvert aujourd'hui, toi qui conclues encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, nous te rendons particulièrement grâce pour ce moment d'échange. Nous te bénissons au Seigneur parce que tu es passé dans la paix et dans les esprits calmes. Nous te rendons grâce pour toutes les questions soulevées, pour les réponses qui sont sorties et pour les questions même qui sont restées à cœur. Et pour l'esprit qui va être en travail, pour nous permettre de comprendre autre chose et de trouver d'autres problèmes que nous ne tenons toujours pas. Nous t'implorons au Seigneur Dieu de gloire de nous garder dans la paix. Et en ceci même, nous t'implorons au Père afin que tu nous accordes de plus regarder sur ton œuvre, l'œuvre de la prédication de l'Évangile afin de ramener les âmes à toi. Nous t'implorons au Seigneur Dieu de gloire de permettre que ce moment se multiplie au Seigneur afin qu'on soit fortifié dans la persévérance que tu nous as donnée. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci, frère. Mais, j'ai le... Tu as ton épouse? Oui, elle est couchée depuis, là. Elle est fatiguée. Quand elle dort, fâche-le, tout se va glisser. Après, essaie de voir si elle allait dormir. Elle est facile parce qu'elle a les enfants. Non, ça va, il n'y a pas de problème. Mais je retiens que dans ton expérience que tu as expliqué tout à l'heure, là, parce qu'il y a un moment donné que je voulais comprendre quelque chose. Je crois que la prochaine fois, on va faire, il y a quelque chose que je voulais comprendre. Alors tu as dit que tu étais né de nouveau, donc tu avais le Saint-Esprit, mais un autre esprit te parlait. Je n'ai pas dit qu'un autre esprit te parlait. Mais tu as une voix que tu entendais de voix, non? Oui, tu as laissé voir. J'ai dit que l'esprit qui te dit d'aller en Djombé là, oui. C'est le même Oui. Il me disait des choses comme ça, il avait fait des choses comme ça. Et c'était qui alors? Le Saint-Esprit ou bien c'est pas lui? La question n'est pas là. Non, mais c'est la nature de la personne là qui voulait se poser la question. La question n'est pas là. La question c'est que toi tu ne sais pas, moi je ne sais pas. Mais si c'est pour repenti de ça. Tu non, connais si c'est repenti, alors je voulais dire qu'il y a Dieu. Tu connais le Saint-Esprit? Non. Le Saint-Esprit, on le connaît au travers de la Écriture. On voit ses manifestations. Voilà, ils sont les dit, n'est-ce pas? Dans ton expérience, on voit. Parce que mon problème, c'est situé à ce niveau-ci. Parce que tu as dit que tu étais au chrétien, au tu avais le Saint-Esprit. Ça me posait problème que le Saint-Esprit soit là et une autre voix, celui-là. Donc tu t'es repenti là, c'est soir de parler. Je rebondissais sur tes mots. Oui. Où tu as dit que est-ce que Dieu peut dire à quelqu'un ou demande d'aller prêcher à l'homme? Oui. Tu as dit non en présentant cela. Je t'ai dit que dans mon expérience personnelle, oui. À un moment donné, j'entendais des voix audibles. Oui. Oui. Des choses comme ça. Oui. Dans cette expérience-là, je vais te répondre. Ces voix pour moi m'apparaissaient venir directement de Dieu. Oui. À ce moment-là. Je le disais, oui, je le disais d'ailleurs à tout le monde qui l'entend. Oui. Que le Seigneur m'a parlé. J'ai entendu ceci. J'ai entendu audiblement. Oui. Si on a même. Parce qu'à cette époque-là, je faisais des cassettes. Des enregistrements. Oui, l'enseignement, quand j'enseignais à cette époque-là. Oui. Dans les catégories de groupes universitaires. Certains ont dû m'entendre dire même ça de façon publique dans les enseignements. Oui. Voyez. C'est à l'université de Douala. Hein? Non, il y a une. Ok. Vous voyez, il n'y avait pas encore à ce moment-là les universités beaucoup comme maintenant. Ok, ok. Donc, c'est dire que ce genre de choses, aujourd'hui, avec ce que je connais des Écritures saintes, je ne peux plus dire des choses comme ça. Vous voyez, c'est une ignorance criarde. Dire des choses comme ça. C'est cela. Donc, j'ai dit, je me suis repenti de ce genre de déclaration. Ça ne construit pas les gens, ça n'aide pas les gens. Quand on arrive à comprendre les Écritures à certains points et qu'on est en charge des frères et des sœurs, on fait attention à ce qu'on dit parce que ça doit les construire, ça doit les faire progresser. Notre expérience, ce que nous vivons, ne doit pas faire objet d'enseignement. Ce qui fait l'enseignement, c'est ce qu'il a prescrit, afin que le Saint-Esprit aide chacun à son niveau à progresser spirituellement. C'est comme ça que ça marche. Mais le problème c'est qu'on ne veut pas le voir, parce qu'on va enseigner ce que je disais après. Mais le problème c'est au niveau de tu quittes la maison, quelqu'un te dit va faire telle chose, c'est ici le problème. Tu ne veux pas enseigner ça aux gens. Mais il dit que va dire à telle personne telle chose. Tu dis cette personne c'est qui te parle, ou cet esprit qui te parle, tu t'es repenti de cela. Donc ça dit tu as compris. Vous savez, très bien. J'ai dit au départ que le problème c'est un problème lié à l'expérience. Dans l'expérience spirituelle, beaucoup de choses passent. Oui. La façon de présenter. Il reste quelque chose de subjectif, dépend de votre nature. Je n'ai pas besoin de venir te dire Dieu m'a dit. Si je ressens et je prie, j'ai une intuition concernant tel ou tel sujet avec un frère Eman. Comment? Ça va bien faire. Tu connais le verset de Renome 10, verset 4. Je lis un peu, comment tu vois? Tu fais comme ça, tu transmets le message que tu as reçu par intuition. Tu apportes une exhortation par rapport à ce verset, afin que sa foi soit basée non sur mon intuition, mais sur le Le message dit par exemple, Herman, tu programmes un voyage pour aller à Héroïne, pas par là, parce qu'il va faire, va prendre l'accident. Écoutez. Est-ce que tu as bon ça la Bible? Écoutez-moi très bien. Oui. Écoutez-moi très bien. Ça sont des bêtises. Laissez-moi dire brutal, quand même. C'est des bêtises. Bêtises. Vous voyez. Tu as reçu ça par de lui, tu n'as pas de dire. Écoutez, ce sont des bêtises. Parce que. Vraiment, franchement, c'est des bêtises. Parce que un cadre, c'est des bêtises. Il y a le bout. Oui. Vraiment, c'est crédibilisé. Je ne comprends pas. Dans la mesure où ce que vous entendez n'est pas impacté, je n'ai aucune autorité. Si Dieu veut qu'il meure. Oui. Il va mourir. Si Dieu veut pas qu'il meure, il passe par toi, il dit, dis-lui de ne pas partir, sinon il va mourir. Vous comprenez? Oui. Quel est le verset? Quel est le verset d'abord? Les gens ils disent ici. Ah, si Dieu passe. Ça dit quelque chose. Ça c'est des bêtises. Ça c'est quelque chose qui ne tient pas. Dieu l'a peut-être appelé comme gage. C'est pas possible. Ne m'attends, n'est-ce pas? On voit dans la Bible comment Agabé s'est sorti de l'homme pour venir dire à l'apôtre Paul qu'il va aller au pays. Ah, voilà, il a obéi à ça. Non, mais il a donné la direction que. Non, je ne suis pas dit qu'il l'a préservé de cela. Oui, il a dit telle chose. Et Agabus était en train de faire ce que l'apôtre Pierre a dit au Seigneur Jésus. C'est quoi? Que cela ne t'arrivera pas dans tes plaises à Dieu. Non, comme c'était plutôt comme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ça, les frères ont afflué sur l'apôtre Paul. Pour lui dire que. Ça va pas. ne parle pas là-bas. Oui, il a changé sur lui, non? Est-ce qu'il a changé? Il a changé d'avis. Est-ce qu'il a changé d'avis? Normalement, attends même. Normalement, même s'il y aurait des expériences, oui. Avant que quelqu'un ne reçoive ce que toi tu dis que Dieu t'a dit, il faudrait que tu lui aurais déjà parlé. Non, pas toujours. Il ne pourrait parler. Non, je veux dire que pour l'utiliser donc. Ne le disons pas toujours. Parce que c'est la capitale, on va commencer à s'élever au lieu de l'assemblée. J'ai dit, s'il y aurait même. Si on parle, il faut que Dieu confirme. Les gens disent, il dit, c'est Agabus là. Là, en chapitre 11, c'est le livre, le livre, il a dit qu'il y aura une famille. Personne n'a contesté cela. Et on dit que c'est Agabus. Et l'apôtre Paul dit que. Nous sommes d'accord, non. Personne n'a contesté. Si un prophétise les autres choses. Je dis que le principe même, si tu veux même intégrer ça dans l'église, ça veut dire que. Tes prophéties et tes visions doivent être bien. Quand tu prophétises, on ne doit même pas oublier ça. Oui. On doit mettre ça devant un collège qui examine si tes prophéties sont un fondement pour se faire obéir. Et là, c'est même pas des anciens. J'ai dit que si on pourrait même, on pourrait le faire. Oui, on pourrait même le faire. Oui. Mais dans la mesure où le doute persiste, frère, on ne peut pas valider quelque chose qui ne produit pas la foi, parce que ça a le doute. Mm-hmm. Ce n'est pas une obéissance. Le Seigneur Jésus ne dira pas que je t'ai dit que non, frère, ne pars pas là-bas, tu as résisté à la parole de Dieu. En fait, on a dit des choses différentes. Dans l'église, quand Agabus se lève pour prophétiser qu'il y aura une famille sur la terre, ce n'est pas pour produire la foi. Ils ont déjà la foi. Cette fois, non, la foi continue. Tu vois, là. La foi. Le transport, pas par le transport. La foi, on ne reçoit. Vous avez le moteur de la foi n'est pas reçue en totalité en un seul jour. Elle grandit. Non, il y a d'abord la foi qui est là. La foi pour être sauvée est là. Mais l'autre qui nous amène à transcender la vie chrétienne. N'est-ce pas, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure là qu'il faut qu'on arrête pour que l'on ne bloque pas la moto. Avant, quand je suis sorti, il y avait, je ne voulais pas se. C'est pas signalé, fallait signaler. Il avait déjà garé. Donc il est devenu en train de garer nous. Attends, puis moi, il regarde. Pendant tout, nous, quelque chose là-bas. Bon, on peut porter, non? Je ne sais pas. C'est pour vrai. Descendons. Avoir les muscles là maintenant. Depuis là, quand tu m'as dit qu'il avait déjà garé. Ata mokili etelemi, eboyi kokende komina suka o, ebikolo zali, ebomba melo nanga mosantu. Po ete nyonso ezali, ezalisa mikaka na yo, mokili na koka mwa nyonso esimbami na yo. Kolo, elongwa na nga eza na yo, Yesu, na yo nde na bengi. Makasi esilinga oyete nzele tondi minyoko koloyo kopesa nga loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka o osungi na nga zali na nguya ya kokomisa nga Kola tele minde na kembo Ikela mubiso bifukama Masia na gaza na bomo Ngaina ninga na tina nini Ata mabele fungwa mi Bipaina tele mina bangateo Oya simbinga za makasi Kombola ye Yesu Kristu Ata mokile boi kondima Oya lobi inde yango Eko sale maponanga Mosungi na gaza liko sala na banga ninyo Kola tele minde na kembo Ikela mubiso bifukama Masia na gaza na bomo Kaina ninga latina nini Ata mabele fungwa mimbi Paina tele mina banga teo Oya simbi gaza makasi Kombola ye Yesu Kristu Ata mokile boi kondima Oya lobi inde yango Iko sale maponanga Mosungi na gaza liko sala na banga ninyo Azali kosala na banga ninyo Ata makasi esilinga Oete nzele tondi minyoko Oloyoko pesa ngalo Boko ngana simba kokende Mosala oyo bandi Oko misaka kino na sukao Musungi na ngazali Na mbuya ya koko misanga Osungi na ngazali kosala na banga ninyo Osungi na ngazali kosala na banga ninyo Ata mokili eko mipasi na lenga ninyo Azali kosala na banga ninyo Ata bokono eko tinzoto na banga ninyo Osungi na ngazali kosala na banga ninyo Bituma eko mipene na kima niko Azali kosala na banga niko Emo sungi nanga azali kosala na banga niko Sungi nanga azali kosala na banga niko Azali kosala na banga niko Azali kosala na banga niko Yesoda na bomoi Ata mitungise na tiposo Ata liwae na tinzoto Ata sombe zima loba Eko tene maliboso na kombo na yesu te Ata satana na mapinga na inyoso ba ye Vakuzunga zima Po yesu wakanga nguya na ilifelo Suto tene mikati na kombo na yesu Ata ngombe ya mikakatano tene mi Okoleka Soko mwoni lukula mwaya kolekeza te Ntimakaka Okokoma Soki bebi tumba ya pomo inawe, eleki moto, fungola ekuki ya kimya, pifanda na kiti ya ilikia, okolonga. Hallelujah.